réservé aux auditeurs de Skyrock. Pour participer, rends-toi sur skyrock.fm/géantbrésil et tente de gagner tes places. Le plus gros barbecue brésilien de l'été avec Ritza, c'est maintenant sur skyrock.fm avec les magasins Géant Casino. La fin du célibat approche. Il te manque plus qu'à télécharger Smax et créer ton super profil. Réveille-toi, l'amour est sur Smax. Un mec te plaît, Smax-le. Ou une nana te plaît, Smax-la. Stop à la timidité, fais le premier pas. Smax, l'application qui garantit la fin des soirées ennuyeuses. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça c'est un coup des services secrets, je le sais, je l'ai lu sur internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais ? Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout il paraît. Mais n'importe quoi, vous avez des preuves ? C'est quoi vos sources ? Lucas ? Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. 21h minuit, Radio Libre sur Skyrock. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Are you ready? Romano. Moi je reconnais, je suis un petit beauf. Difool. Moi je serais une meuf, je préférais qu'on s'agicle moi. Cédric. Elle est belle quand même sa bite. Marie. Non, je levais la main parce qu'en fait j'ai pris l'apéro comme vous pouvez l'entendre. Samy. King of soccer, you know soccer. Yeah, Olympique de Marseille. Momo. Non, la véritable phrase, à la fin il me dit ferme, j'espère que comme ça va vous fermer vos gueules quoi, à la fin quoi. Et Karim. Ah, alhamdoulilah, tranquille. Difool Radio Libre tous les soirs, 21h minuit sur Skyrock. Et oui, pendant l'été aussi, la Radio Libre, la spéciale de l'été. Summer Showcase. Exactement, ça tombe bien parce que ça nous permet d'en trouver plein de super moments de l'émission. Et alors ce soir, on a du lourd. Tiens, avec le double appel qui arrive dans moins de 10 minutes, avec une atteinte à la vie privée. Oh là, oh là là. Carrément. Ouais, quoi. D'ailleurs, on va le retrouver dans un instant. C'est Médéric qui veut témoigner. Eh bien, on va lui passer un coup de fil. Et puis, attention, le grand retour. C'est presque une nouveauté parce qu'on l'a pas fait souvent, ça. Le clash de l'embrouille. Ouais, ouais. Ah. On aura un clash de l'embrouille ce soir. Et puis, on se rattrapera avec un clash de la drague un petit peu plus tard, peut-être. Ah, mais oui, de l'amour. Eh oui, de l'amour, mais un peu de un peu d'embrouille. T'es content, Cédric? Ouais, moi j'aime bien, ouais. En fait, j'ai pas salué tout le monde. Bonsoir Marie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Samy. Salut, salut. Bonsoir tout le monde. Non, tu t'appelles pas Samy, tu es Cédric. Là, je sais, mais comme il répondait pas, je parle à sa place. Ah si, j'ai dit salut, salut. Il est encore plus con que je ne le pense. Là, on l'entendait pas. Bonsoir Karim, et là c'est Romano qui répond. Bonsoir, je m'appelle. Bonsoir Rouya. Oui, et bonsoir Romano. Bonsoir. Bonsoir. Bon, merci d'être là en tout cas tous les soirs. Bon, on va bien se marrer ce soir. Et on va démarrer très très fort tout de suite avec notre ami Médéric pour ne pas perdre de temps. Juste après, double appel. Attention, accrochez-vous. Hein. C'est parti, Médéric. Alors, Médéric de Lyon. Salut Médéric. Salut Diffoul. Ça va bien. Bien, bien. Salut à toute l'équipe. Salut à toi, Médéric. Comment ça va, Médéric? Ouais, ça va. Mais c'est pas une marque de Médoc, Médéric, ou je sais pas quoi? Non, une marque d'assurance. C'est pas vrai. T'as un nom d'assurance. Si, Malakoff Médéric. Ah, c'est ça, ouais. Voilà. Ah ouais, ok. Ouais. Ce nom me disait quelque chose. Et là, bien c'est ça, Malakoff Médéric, assurance complémentaire santé. C'est bien actuel, quoi. Et bah, bonjour, bienvenue à toi, Médéric. Bonjour. Il y en a qui ont des noms de voiture. Mégane, par exemple. On salue toutes les Méganes. Renault. Renault, il y en a un paquet. Ouais, ouais. T'imagines la meuf qui a un nom de famille qui s'appelle Renault et son prénom, c'est Mégane. Ah bah ouais, ça, elle a pas de bol. Bonjour, Renault Mégane. Quoi, si les parents l'appellent Mégane maintenant, ils sont un peu cons parce que, bon, à la limite, avant qu'il existe, modèle. Tu peux te faire avoir, mais là, bon, ils sont au courant quand même. Je crois que ça a déjà été refusé, ce truc-là. Comment, Marie? Ah, pardon. Je crois que ça a déjà été refusé, ce truc-là. Des parents qui voulaient appeler leur fille Mégane, ouais, qui s'appelait Renault, ça avait été refusé. Non, ceux qui avaient les boules, c'était, tu sais, quand ils ont lancé la voiture électrique, là, Renault, la Zoé. Oui, bah, toutes les Zoé. Ouais. Bah, il y a eu des Zoé Renault, les parents, ils portaient plainte parce qu'ils disaient qu'ils faisaient chier, Renault. Ouais. Non, mais ça te bousille, là. Non, mais c'est clair, oui. Non, mais, imagine, je sais pas, Romano, c'est une marque de nettoyeur à chiottes. Ouais, bah, non, mais, moi, je change de nom. À la télé, il n'y a plus Canard WC, il y a Romano WC. Non, mais, je change direct. Ah, tu vas à Rome, gros. Je suis sûr qu'il y a une entreprise de Romano qui va laver des chiottes. En Italie, il y a parce qu'il y a écrit Romano partout là-bas. Donc. Ouais, non, mais c'est clair. Des restaurants, des boutiques, des plages. Des sales trucs qu'il doit avoir, tu vois. Bon, c'est vrai que c'est. Bon, Médéric, bon, c'est une assurance, c'est moins pire qu'un nettoyeur à chiottes. C'est sûr. Ouais, exactement. C'est clair. Si vous connaissez des gens d'ailleurs, parce que c'est marrant, ça, je vois le message qui me fait beaucoup rire, ça doit être moins drôle pour la dénommée Claire. Oh non. Mayou qui connaît une fille qui s'appelle Claire Foncé. Ah, j'avais même pas capté au début la subtilité. Oh, putain, c'est chaud. Ouais, non, comme Claire Foncé. Ah ouais, non, mais les parents, ils sont débiles. Ah ouais. Pourquoi tu dis ça? Non mais je sais pas. Ça, c'est même pas une marque. Non mais faut être con quoi. Quand tu sais que le nom et le prénom ça fait un jeu de mots débile, t'évites de le faire. Ouais, c'est clair. Non, ou alors t'aimes pas ton môme. Ouais, c'est ça. Ouais, personne n'y pense avant la naissance. Tiens, tu vas bien morfler dès le départ. Ouais, tiens, je vais l'appeler Claire Foncé. Voilà, pour bien la faire chier, quelle est une vie de merde, Claire Foncé. Bon, alors Médéric, Véronique Lanus, hein, la pauvre. Bon. Ah ouais, ça va. Bon, de toute façon, avec n'importe quel prénom, quand t'appelles Lanus, c'est dommage. Il y a des gens qui s'appellent Claude. Et devinez quel est leur nom de famille? François. Non. Claude François. T'as pas le droit d'en avoir, hein. Ah oui, il doit y en avoir. Ah ouais, non, obligé, ouais. Regardez sur la duère s'il n'y a pas des gens qui ont des noms comme ça, là. Quoi. Ah, je suis sûr, Claude François, il y en a plein. Claude François, bonjour, Claude François. J'arrive. Tu veux pas prendre une douche? Alors, Claude, un nom de famille? Claude. Claude. Je sais pas, j'ai Claude Javel. Ah, ou Javel. Ah ouais. Bonjour Claude Javel, si Claude tu Javel, nous écoutes, ouais. Oui. Ah ouais. Je préfère Claude Vie. C'est... Ouais, oui. Claude Vie. C'est vrai, c'est mieux. Bon, alors, Médéric, explique-nous qu'est-ce qui t'arrive, toi. T'es voir, ça, c'est pas super. C'est pas super pour ta private life. Autrement dit, ta vie privée. Voilà, exactement. Donc, moi. T'es cocu. Non. Ah, toi, tu penses tout de suite à ça. Toi, ça serait horrible si tu étais cocu. Ah, parce que toi, tu trouverais ça cool. Non. Mais moi, je sais que c'est impossible. Ouais, non, mais voilà, tu sais, c'est. Il y a tellement d'amour. Quand t'es en couple, c'est un des pires trucs qui puissent t'arriver. Et puis, je sais pas où foutre ta meuf enceinte. Mais dans la vie, c'est le pire. Ah, toi, c'est les deux, c'est équivalent. Ça dépend. Ah, franchement, ouais, moi, je les mets à la même hauteur. Et trans. Non, mais quand t'as pas prévu. Ah, non, je préfère qu'elle soit enceinte. Ah, bah oui. Non, mais bon, si t'as pas prévu et tout, c'est une galère. Ouais, si t'en as pas envie. Pour l'avoir vécu, c'était un véritable calvaire dans ma vie. Oui, c'était un drame même. Ah, ouais, un drame. C'était l'horreur. Et être cocu, je l'étais aussi, c'est pas cool non plus. Oui, c'est un drame aussi, oui, c'est clair. T'aimes pas être cocu non plus, ça c'est sûr. Non. Non, mais c'est pas ça, toi, Médéric. C'est rapport à ta mère. C'est déjà ça. Ouais. Ta mère. Ouais, ta mère. Avec ta meuf. Ah, elle aime pas ta meuf. Non. Vas-y, explique. Ouais. Explique. Bah ouais, vas-y. Ouais, vas-y, bah alors. Non, mais je. Vous voulez faire un jeu? Bah moi je cherchais moi. Marie à fond, ouais. Bon, bah, vas-y, donne la réponse. Sinon, oui, sinon on en a jusqu'à demain matin avec moi. Ça c'est clair. Non, mais je dis, vas-y, raconte parce que t'as en fait, privé, c'est ma. En fait, c'est ma mère. En fait, elle prend mon portable et elle fouille tout ce qui est tout ce qu'il y a dedans. Quoi, en fait, les messages, les photos, tout en fait. Ah ouais, genre ton Facebook et tout ça aussi, non? Voilà, exactement. Ouais. Ah comment c'est relou ça. Bah déconnecte tout et puis voilà. Tu vois? Non, ou tu lui donnes pas les codes. Non mais sinon t'effaces tout ce qu'il y a dedans et puis voilà, t'effaces le journal des appels, les photos tu les transfères sur un ordi ou sur sur un cloud. Ouais, tu prends un cloud. Un cloud. Marie d'ailleurs va nous expliquer immédiatement ce que c'est qu'un. C'est un truc de stockage via Internet. Wow. Oui, non, mais je suis pas complètement débile non plus. Tu connais le cloud. Je m'en sers. Mais Marie, tu as ton cloud. Ouais, c'est vrai, ouais. Comme ça, tu gères ton. Deuxième compte, c'est pas mal, c'est l'idée que je proposerais, moi. Ouais. Non, mais sinon, de toute façon, par exemple. C'est moi qui viens de le dire. L'appli Facebook, ce que tu fais, c'est que tu déconnectes. Ouais, tu sais, tu fais des connexions. Si elle a pas ton code, elle pourra jamais aller dessus. Alors, comment vous réagiriez, tiens, déjà dans l'équipe, vous tous et vous toutes aussi, si votre daronne, d'ailleurs ça vous arrive peut-être, hein, si votre mère elle surveillait absolument tout ce que vous faisiez, notamment sur les réseaux sociaux, et puis sur ton portable aussi, donc elle regarde qui c'est que t'as appelé, elle regarde tes SMS, elle regarde tout. Voilà, tous les photos, contacts. Les tout quoi. Et parfois sur les contacts, elle te fait des remarques, ouais c'est qui lui, c'est qui lui. Ouais, bah, quoi, parce que j'ai un pote qui fume de l'herbe, en fait, ça c'est pas vrai, et elle le sait, et elle veut pas que je traîne avec lui, et en fait que je parle avec lui en... C'est normal pour une daronne. Ça, c'est, ouais, toujours. Mais bon, t'as le droit de parler avec lui, même si tu t'en vas avec. Après, la daronne, bon, elle se dit, il va tomber dedans, quoi. Elle va tomber dans la cam. Droguée. Ouais. Drogué. Donc, elle te donne le conseil, je sens très bien que tu feras ce que tu voudras, et que si t'as envie que ce soit ton pote, ça sera ton pote. Mais en fait, elle va pas te dire, allez, vas-y, ma mère. Non, puis elle va pas te suivre partout, en plus. Bah, tu peux le voir. Moi, je te dis, moi, j'effacerai tout. Ouais, moi aussi, j'effacerai tout. Ouais, mais c'est clair. Non, ou alors, tu peux lui dire, carrément, à ta mère. Il faut lui parler à ta mère, lui dire que t'es pas un gamin, man. Ça, c'est le message de Brosseux. Non, puis t'as besoin Moi, je fais un deuxième compte et j'allais se galérer. Ça, c'est mon idée, ouais. C'est bien, Cédric. Ouais, c'est bien, attends, ça va. Bah, non, mais y a pas, ouais, mais elle regarde pas que le compte Facebook, elle regarde tout le reste. Donc, ton idée, elle est pourrie, quoi. Bah, tu mets un code dans le téléphone. Moi, je te dis, t'effaces tout mais et puis t'as j'en ai mis un code. À chaque fois que je mets un code, ça recambale. Elle me dit, ouvre ton téléphone, c'est parce que t'as des trucs cachés. Ouais, c'est ça, bah oui, c'est le. Non, mais c'est pas compliqué. Moi, je te dis, pourquoi t'effaces pas, genre. Tu vires l'historique. Et voilà. Tu viens l'historique des appels, tu déconnectes tes machins. Non, c'est clair que c'est le plus simple. Hein. Ou alors vraiment. Bon, après, il y a le truc plus relou, c'est que t'effaces tes applis. Voilà. Efface également tes contacts. Ah, c'est mieux, ça. Et non, mais ton téléphone. Là, l'appli Facebook, bah, tu l'effaces et puis tu la remets après. Ouais. Oh, la gueule. Ouais, moi, ça va, ça met pas ça met pas 3 heures à télécharger non plus. Ouais, mais enfin bon. Eh, Diffoul le beau gosse, même problème chez lui, la même âge que toi en plus. Moi aussi, ma mère, elle l'a fait il y a 30 minutes, elle vérifie tout. Manui qui nous demande s'il y avait pas des photos compromettantes, t'avais pas ta top dans les photos, Manui. Il te pose la question. Si justement, bah en fait, des potes, ils ont pris des photos de moi avec mon portable de pendant une soirée où j'étais un peu fracassé, un peu pas très bien, quoi, voilà quoi. J'adore, bravo, monsieur Médéric. Formidable. Elle a dû aimer ça, ta mère. Monsieur Akik, la voilà, mais depuis, je peux plus sortir le soir. Ah, à la soir que je bois, qu'il y a un truc qui se passe en voiture. Mais ben voilà, t'aurais dû effacer. Ouais, mais toi aussi, t'es un peu con, excuse-moi de te le dire. Non, mais Déric, tu sais que ta mère, elle regarde, donc les photos, genre un peu dossier, faut les enlever, parce que là, vraiment, tu te jettes direct. Dans la gueule d'Oulou. Du loup. Comme dirait la gueule d'Oulou. Dans la gueule du loup. Bon, vos conseils, allez-y, faites-nous signe. Dites-nous sur SMS, sur le net. Il y a déjà des photos sur lesquelles sont tombés vos parents et qui vous ont foutu la honte, Romano, non? Non, parce que ma mère, moi, elle sait pas servir de ça, moi. D'accord, ça, c'est bien pratique. Ouais, elle est pas non, mais même, tu sais, je sais pas, moi, elle a son téléphone, je fouille pas dans son téléphone, elle va pas fouiller dans le mien, quoi. Elle est pas assez ringarde, ouais. Ta mère, toi. Non, mais elle sait servir d'un téléphone quand même, ma mère. C'est bon, ça va non plus. Non, mais je parlais à Médéric. Hein. Elle est pas, c'est pas la famille. Non, elle est connectée. Vous savez qu'ils ont le téléphone depuis pas très longtemps. Non, le téléphone, je peux même pas. Le téléphone qui tourne, là. Non, elle a un portable, là. Écran tactile et tout. Hein. Bah. Waouh. Un Samsung, je sais pas quoi, là. Et elle maîtrise. C'est mieux quand les parents ils comprennent rien, au moins, comme ça, t'as pas ce genre de problème. Non, ça, c'est clair. Tiens, trop de balles, nous dit ma mère a appris que j'ai fumé à cause de Facebook. Ah ouais, faut faire attention. Hein. Hors de ma vie privée, tous se révoltent. Bad Boy qui est toujours très très énervé. Bad Boy, c'est quelqu'un qui nous envoie des messages qui est tout le temps énervé. Ah ouais. Ah mais Médéric, j'ai. Ça a révolté. Regardez, Bad Boy. Sors de ma vie, tous. Voilà ce qu'il dirait à sa mère. T'es pas moi. Voilà comment je réagis. C'est moi. Ok, Bad Boy. Bad Boy, il est super. Ouais, c'est peut-être con parce que peut-être que tu as pensé. Mais pourquoi tu mets pas un code sur ton iPhone? Mais il l'a fait. Il l'a fait. Ah, c'est con. Je te le dis. Non, mais gros, j'ai pas entendu. Je suis en train de. Non, mais tu dis demander. D'imprimer des gens qui s'appellent Claude François, si tu veux. Donc. Mais gros, mais il y a 50 pages en France de gens qui s'appellent Claude François. À 20 noms par. Je sais pas, il y a au moins 1000 personnes. Vas-y, on appelle. Bon, on va appeler. Donc, ouais, le code, c'est mort. Alors, ouais, d'accord. C'est mort. Bah oui, parce que la mère, elle gueule, quoi, l'OBA, en fait. Bah oui, elle a l'impression qu'il a. Elle lui tire les oreilles et lui dit donne-moi ton code. Petit vilain. Petit garnement. Tu devrais te renseigner parce que je suis sûr qu'il existe une appli qui bloque certaines applis. Exemple, moi j'ai une appli, c'est genre, soi-disant, c'est une calculatrice. C'est l'appli du PSG. Exactement. Je veux pas que mes potes ils la voient. Ah ouais, je la cache. Je la cache. Non, pas du tout. En fait, c'est genre une calculatrice. En fait, quand tu tapes un certain chiffre sur la calculatrice, ça ouvre un dossier et dedans tu peux mettre toutes tes photos que tu veux pas que les gens y voient. C'est genre des photos de. Non, mais je pense même qu'il y a une appli qui doit exister pour masquer des. Ouais, c'est ce que je te dis. Qui camoufle dans des dossiers cachés, en fait, tout parce ce que tu veux pas montrer. Parce que moi, j'ai une appli verrouillée où je peux mettre mes photos. Moi, j'ai l'appli de la météo. C'est un truc de dingue. On voit que c'est une appli verrouillée. Donc, et tu mets quoi comme photo, Marie, sur l'appli verrouillée? Vous savez que j'ai l'Apple Store. Ah ouais, c'est la Nanner. J'ai des vidéos et des photos. Et j'ai iTunes cachées. Putain, on va te craquer. Marie, elle fait des photos porno, elle fait des sextapes. Mais non. Des sextapes. Mais non. Mais ton code, il doit être tout pété, Marie. Romano, quand elle est bourrée, le soir, on lui vole son téléphone. Ah ouais, c'est clair. Vous expliquez qu'elle est bourrée tous les soirs, ça va pas tarder. Vous nous expliquez comment on le craque et on se fait une séance vidéo de Marie. Ah ouais, on va tout regarder. N'importe quoi. Bon, bouge pas, Médéric, vous avez pigé pour Médéric, on vous attend. Fais genre que t'as perdu ton portable, nous dit Zoumoustachu de l'Isère. Enlève ta carte SIM à chaque fois, nous dit Loïc du 17. Ouais, mais ta mère, elle va dire la même chose, pourquoi tu caches ça? Parle-en à ta mère en face à face, nous dit Anthony Ponzo, 17 ans. Change les noms des contacts que tu veux cacher, elle verra rien, ça c'est vrai. Makosa du 76, c'est normal, c'est la daronne, elle contrôle le terre-terre, elle est encore jeune. Elvis. Ah bah. La daronne, elle contrôle le terre-terre à la maison, là. Terre-terre. Et face de Facebook, t'en as pas besoin. Ah, il y a de plus en plus d'anti-Facebook, hein, ça monte. Qu'est-ce que vous nous dites? Moi, je lui prendrai le sien et je vérifierai aussi. Non, quand même pas. C'est ta private life, comme le disait Bad Boy là tout à l'heure. Ouais. Exactement. Ouais. Bon, reste avec nous, Médéric. Les témoignages arrivent, vos messages aussi. On y revient dans un instant. Yes. Mais d'abord, voici, comme promis, le double appel. Et pourquoi? C'est vous qui téléphonez, je sais pas pourquoi. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Non mais c'est des détraqués. C'est ça. Le double appel de Diffoul sur Skyrock. Dites donc, soyez un peu poli, monsieur. Et monsieur, attention, dis pas comme ça. Allez, double appel, les collecteurs du double appel. Direction chez Jean-Louis et Ingrid. Ouais. Oh, quel beau prénom. Oui, ça sonne chez Jean-Louis et Ingrid. On les met en contact, on les appelle tous les deux. Ils ne savent pas qu'ils s'appellent, mais c'est normal, c'est nous qui appelons à leur place. Bah oui. Que c'est parti, c'est le double appel des familles. Bon, faut qu'ils répondent tous les deux ensemble. Et nous, on a le droit de logiquement rien dire. Allô? Allô? Oui, allô? Ah. Oui? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour. Voilà. Oui, c'est pourquoi? Je sais pas, c'est mon téléphone qui a sonné. Belle voix. Donc c'est vous qui m'appelez? Ah, pas du tout, non, il y a un problème là. Ah oui, il y a un problème. Je dis, j'ai vu secret, je sais pas, enfin. Secret? Oui. Ah bon? Je dis, tiens, c'est encore une publicité, je sais pas quoi. Ah non, mais il n'y a pas de mal, hein. D'accord, eh ben, c'est un peu bizarre quand même. Vous avez inversé un numéro, un chiffre là. Comment? Parce que moi je suis au 5140, alors lien, un mais. Oui. Bah, c'est bizarre parce que moi j'ai pas essayé d'appeler, hein. Ah bon? Non? Ben moi non plus, j'ai rien fait du tout, hein. Ça a sonné directement. Ouais, ben moi aussi. C'est quoi? Bon. Non, mais il y a plein de personnes qui ont les lignes piratées, alors j'espère qu'on n'est pas piratés. Ah, d'accord. Ben, dans la commune, il y a eu un cas, là. Hein. Ah bon? Ben, on y a piraté sa ligne en liste rouge. Comment? On lui a piraté sa liste de téléphone en liste rouge, en plus. Non. Si. Et ça consiste en quoi, ce piratage? Eh bien, il recevait des tas d'appels, il se faisait engueuler en parlant poliment, comme quoi il appelait plein de monde, et en fait, lui, il a jamais appelé. Ah bon? Alors, il a prévenu Orange, et Orange, ils lui ont supprimé son numéro, ils ont remis un autre numéro, ils peuvent rien faire. Ah d'accord. Et vous êtes d'où? Vous appelez d'où? Enfin, vous appelez, vous n'en avez jamais appelé, mais bon. Ouais, non, je sais même pas qui vous êtes. Hein. Jean-Louis Merci. D'accord. Ben, moi, je suis à Beauregard, là. Ah, d'accord. Ouais. Ah oui, vous êtes la belle... Oui, c'est ça. D'accord. Donc, on se connaît, mais voilà. Mais moi, j'ai jamais appelé, j'ai jamais rien fait, hein. Ah ben, moi non plus, je connaissais même pas votre numéro. D'accord. Bon, ben, ça va être la réflexion du jour. Ben, on va essayer de voir, oui, ce qui se passe, si c'est... Je sais pas. Ouais, c'est bizarre. Patrick. Allô? Oui. J'entends quelqu'un parler en même temps, non? Patrick. Patrick, je sais pas quoi. Ah oui, j'ai entendu, oui. C'est quoi ce cinéma? J'en sais rien du tout. Oh. Salut les filles. Oh. Oh là là. Vous êtes piraté. Votre ligne est piratée. J'entends qui a été piraté, c'est quoi ça? Ouais, ben moi aussi j'ai entendu. C'est quoi ce cinéma-là? Je sais pas. Il rigole? Ouais. Et encule-le. Encule-le, Guidi. Ben en plus. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je vais appeler Orange, moi. Ouais, ben moi aussi je vais les appeler. Oui, peut-être qu'on est en train de nous... Voilà. Ouais. Vous avez été piraté. Ouais. Oh, salut les filles. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, qu'est-ce que... Oui, oui, j'entends aussi. Bon, bah, on va raccrocher comme ça. Ça d'accord. Ça, bon, ça, bah, ça risque de retourner très vite. T'es en train de te faire baiser ou pas? Pas du tout, puis on a rien à foutre. J'ai une bonne bite, là. Comment? J'ai une bonne bite, là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'ai pris ma belle boîte, puis j'ai une bonne bite, là, bien. Votre ligne est actuellement piratée. Allez, arrête tes conneries et range ton matériel, on a rien à foutre. Ah, la foot. Premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. Et lui aussi, il a fait super. Bravo les familles. Ah putain, mais. Bravo les familles. Tu l'as fait psycho. C'est énorme. Vous n'avez été super. Votre ligne est piratée. C'est bien, c'est bien. Vous avez été piraté. Oui, j'ai bien entendu. Oui. Ça fait le tour du village, le truc, quoi. Vous avez été piraté. Waouh, waouh, waouh. Une famille. Bon, deux familles géniales. Ah ouais. D'un côté, Jean-Louis. De l'autre, Ingrid. Ingrid. On les embrasse. Bravo les familles. Et on est dans le nord de la France. Elle était choquée qu'il n'y avait pas de ticket. Oh là. Mais ça consiste en quoi? Genre elle a halluciné. Et on envoie un cadeau à Peter. Tu nous as laissé les numéros, Peter. Bravo, tu mérites. Peter. Vous avez des numéros de gens cool comme ça. C'était sympa en plus. Ouais, c'était cool. Vous avez les numéros, vous pouvez nous les laisser. On vous envoie un cadeau. Allez, Peter, tu mérites ton jeu ou ton maillot. Au choix, tu prends ce que tu veux, Peter le Nordiste. On te fait une bise et puis on te remercie pour les deux numéros du double appel. Ouais. Vraiment, chapeau. Chapeau bas. Bravo l'artiste. Champion, mon frère. Et ouais. Oui, exactement. Et champion, ma soeur. Et ouais. Champion, mon frère. Champion, mon frère. Champion, mon frère. Et puis, champion, ma sœur, c'est vrai. Tu ah bah oui, aussi pour Ingrid. Exactement. Champion, ma sœur. Exactement. Oui, oui, oui, oui. Champion, ma sœur. Allez, dans un instant. Ah oui, on retrouve Médéric. Médéric et son problème de sa mère qui fouille. Ah, elle fouille dans le téléphone à tout va. Et ça, c'est pas bon. Hein. C'est chiant. Ouais. Et puis, oui, attention, tenez-vous prêts. Parce que avant minuit, on aura un clash de l'embrouille. Dans une demi-heure à peu près, clash de l'embrouille à retrouver. Ouais. On n'oubliera pas votre clash de la drague, bien sûr. Bien sûr. Best. The morning show. Les meilleurs moments du morning de Difool. Tous les matins de 6h à 9h. Et Didier Deschamps dans le réveil de Star. Et oui, on a du lourd. Les plus grandes stars sont là. Et là, c'est pour la famille de Loïc qu'on appelle ce matin. À qui est-ce? C'est moi qui entraîne les joueurs. Les joueurs de quoi? L'équipe de France a toujours été au-dessus de tout. Ah ouais, putain, mais t'es Didier Deschamps carrément. Alors. Ouais. Oui, oui, oui. T'as fumé combien de pétards, toi? 23. Chacun fait ce qu'il veut. D'accord. 6h, 9h, Morning Best. Morning Show. Réveille-toi tous les matins avec les meilleurs moments du morning de Difool sur Skyrock. Après, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? La nouvelle comédie de Philippe de Chauvron débarque au cinéma. Un flic. J'ai une mauvaise nouvelle. Vous repartez ce soir, vous allez à Kaboul. Ah oui, effectivement, c'est moche. Un prisonnier compliqué. Ah, ça termine. Et une mission qui dérape. Suite à un problème mécanique, nous allons devoir nous poser sur l'île de Malte. Débarquement immédiat. La comédie de l'été, le 13 juillet au cinéma. En partenariat avec Skyrock. Quand rencontrerez-vous votre nouvel amour? RDV au 73202. Les vacances seront-elles propices à de nouvelles rencontres? Envoyez RDV au 73202 et vous saurez quand vous découvrirez votre âme sœur. Aujourd'hui peut-être, RDV au 73202. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Appelle-la. Le phare. Le Fa de la section d'assaut est de retour avec un nouveau tube. Rappelle-la. À découvrir d'urgence sur l'album Monsieur Fall, déjà disponible. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Yax. Sophie se prépare pour aller chez McDo, mais pour l'instant, elle est sur le balcon. Elle regarde le ciel. On voit bien les étoiles ce soir. On en voit plein! D'ailleurs, combien on en voit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, j'ai déjà compté celle-là, bon, je recommence. Bref, Sophie se prépare à sortir pour aller chez McDo, mais elle n'est pas encore rendue, vu que pour l'instant, elle compte les étoiles dans le ciel. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. Bastille Day, le film d'action de l'été avec Idris Elba et Richard Madden dans un duo explosif. Tu devrais peut-être essayer de te maîtriser. Je suis inconscient et irresponsable. Bastille Day, une course contre la montre en plein Paris. Vous ne pouvez pas débarquer, tirer dans le tas. Cet été, le feu d'artifice, c'est eux. Bastille Day, le 13 juillet au cinéma avec Skyrock. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais ? Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. Mais n'importe quoi, vous avez des preuves ? C'est quoi vos sources ? Lucas ? Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. La radio libre de Difool, tous les soirs, 21h minuit sur Skyrock. C'est Tchoul sur Skyrock. Rappé R&B non-stop. C'est Tchoul sur Skyrock. Rappé R&B non-stop. Je rêve de thunes de voyage, j'en ai besoin vu mon âge. Prenez des shorts dans le bagage, on va changer de paysage. Tête dans la lune, pied sur terre, je vois les oiseaux s'envoler. Qui serait prêt à tout donner? J'suis trop fort de caractère, comme mes potes qu'on incarcère. Pour le stress, j'y mets du mien. J'vous attends devant la mer. Trop souvent, j'me questionne, est-ce que ma musique est bonne? Où sont passés les hommes? Les vrais, faut que j'les lisonne. J'envoie des sons pour venir dans la mort. J'me vois partir sous le sol, nager dans l'eau. Faut pas qu'on me laisse seul, j'suis parano. Faut pas qu'on me laisse seul. Pourquoi aller? Je fais ce que je peux pour mes potos. Et eux font ce qu'ils peuvent pour moi. À tout moment, je peux sauter. Je prends la vie comme un tournoi. Je veux t'évader, partir de là. Alors imagine-moi. Je pense même plus à verser des larmes. Je fais que ta vie comme un chinois. J'envoie des sons pour venir dans la mort. Je me vois partir sous le sol, nager dans l'eau. Faut pas qu'on me laisse seul. Je suis parano. Faut pas qu'on me laisse. Des sons pour le venisant la mort. Je me vois partir sous le sol, nager dans l'eau. Faut pas qu'on me laisse seul, je suis parano. Faut pas qu'on me laisse seul, même par amour. La mise est fraîche, je suis parano. Elle a fait des mèches, je suis parano. Parano, parano. Du mal à sortir mes émotions. Je roule en bolide 4 mots. Tous les soirs, Difool Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et merci de passer vos soirées d'été avec nous. Profitez-en, Radio Libre de l'été, avec au programme ce soir. Oh là là, ça va être chaud. Clash de l'embrouille, dans moins d'une demi-heure, je vous l'ai promis. Ah ouais, il arrive. Qui sera le meilleur? Alors, le champion du Clash de l'embrouille, c'est toi, Cédric. Eh oui, c'est moi. Il en est fier. En personne. Ouais, ouais, ouais. Et donc, Romano, tu vas tenter de ravir le titre de Clasheur de l'embrouille à Cédric. On va dire que je suis embrouilleur amateur, moi. Tu es challenger. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, Clash de la drague tout à l'heure aussi, avant minuit. Et peut-être qu'on retrouvera Pamela, on verra si on a le temps. Ah. C'est une super soirée qui s'annonce. On va reprendre les réactions pour Médéric. Alors Médéric qui a... c'est marrant parce qu'il a un prénom d'assurance, Médéric, et ça, c'est quand même le luxe. Comme Médéric Malakoff. Ouais, wow. C'est quand même le luxe. D'ailleurs, c'est plein de messages avec des gens qui ont des prénoms des prénoms et des noms qui vont pas ensemble. On parlait de Mégane Renault, un des plus célèbres. Zoé Renault également, qui fait beaucoup rire l'ensemble de l'équipe. Il y avait une auditrice qui connaissait une meuf qui s'appelait Mégane Freinage. Ah ouais. Ça c'est un truc à la con aussi. Ah ouais. Mais c'est vrai que Mégane, depuis que Renault a appelé sa voiture Mégane, c'est pas super comme prénom. Après c'est clair qu'il y a plein de Nabila. Je voyais le message de Nabila justement du 83 là qui nous laissait un SMS depuis que elle dit moi c'est pas mon nom et mon prénom, c'est juste mon prénom tout seul à cause de l'autre conne. Je m'appelle Nabila. Non mais c'est vrai que ça arrive souvent quand il y avait les trucs de télé-réalité. Ah bah il y a un paquet de prénoms qui ont été flingués par des candidats de télé-réalité. Les candidats à la con. Ah ouais c'est clair. T'imagines, je sais pas. Romano, il y a un débile qui rentre dans une émission, il s'appelle Romano, comme toi. Ah bah déjà, putain, ça me ferait chier parce que j'aurais peur qu'on me confonde avec lui, quoi. Bah ouais, ouais, en plus, il y aurait plein de gens qui te confondraient. Ouais, non, mais horrible. Tu as vu comme il est con, le mec de Skyrock. Ouais. Oh là, ouais, non, mais moi, je porte plainte. De toute façon, plainte. Mon nom, il est déposé. J'en sais rien. Tiens, pour toi, Romano, en parlant de luxe, justement, je m'appelle Le Riche, moi. Ça va, mon nom, c'est la classe. Ouais, ça va, oui, il y a pire, hein, c'est clair. Ouais. On va faire m'appeler Le Riche que connard, quoi. Bon, moi, je suis tes potes, on va bouffer au McDo, je fais, allez, tu payes, Le Riche. Ouais. Prof de physique, elle avait appelé sa fille Eva. Eva Poré. Ah, le nom de famille, c'était Poré. Non, c'est pas vrai, ça. Eva Poré. Les gens sont débiles ou ils se rendent pas compte, je sais pas. C'est clair ouais, que personne ne percute, c'est quand tu dis le prénom. C'est... Évaporé. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, et Samy est parti à la recherche de Claude François parce que tu nous as dit Samy qu'il y en avait plein. Ah ouais, mais il y a des pages entières de Claude François, Des pages entières de Claude François. Bon, vas-y, appelle-en un juste pour rigoler là, juste 30 secondes, et on s'occupera donc de ta mère qui fouille partout chez toi. Ça fonctionne, miracle. Allô, allô. Oui, Claude François. Oui. Oui. Oui, à la maison. Oui, Claude. Oui. Un coup d'art. Est-ce qu'on peut venir prendre une... aussi. On voulait savoir, on n'a pas d'eau à la maison. On peut venir prendre un bain chez toi? Ça y est, ça recommence. Ah, on t'a déjà fait. Le mec, il en peut plus. Ça fait 30 ans qu'on lui fait la même blague. Oui, Claude François, oui. Passe pas le séchoir. Le lundi au soleil. Salut, man. Claude. Allez, parti. Allez, au revoir, Claude. Bah, ça recommence. Abuse-toi, j'en fais un autre. Et le mec a pas eu l'idée de cacher son numéro, hein, de se mettre. Non, ça n'est pas jeune. Non, c'est pas les pages jaunes. Ah, c'est les. Ben si, on l'a cru sur le jaune. Allô, Claude François. Oui. Oui. Oui. Oui. Comment vas-tu? Pardon. Oui, viens à la maison. Claude, tu nous entends? Claude. Oui. Oui. Claude François. On a un petit problème. On n'a pas d'eau à la maison ce soir. On voudrait savoir si on pourrait venir prendre un bain parce que je suis avec ma femme et elle pue. Oui, je pue la merde. Ouais. Allô. Et il faudrait également changer une ampoule de la salle de bain. Claude. Claude. Toujours oui. Oui, toujours oui. Alors toujours tu viens? Oui. Non, je sais pas qui c'est. Ben, c'est des voisins là, pareil. Et problème d'eau ce soir. Quels voisins? Les voisins d'à côté là. Oui. Et on n'a pas d'eau, on aimerait juste venir prendre une douche ou un bain. Mais les voisins de quel côté? À droite, on est. Il y a quatre côtés. Alors on est au côté, le premier côté à droite. Direction plein sud. Voilà. Allô? Tu vois? Non, mais c'est pas vraiment drôle, hein. Ah ouais? Ah tu vois, pourtant moi je trouve ça marrant. Ouais. Oh, bah, c'est rigolo, nous fait rire. Allez Claude, une chanson. Bon. Et allô, Claude. Claude. Quand tu regardes un truc super à la télé, Claude. Oui, ça a l'air sympa. Ah ouais. Claude. Ah putain, c'est ouf ça. Le téléphone bleu. Bon ben, salut Claude. Qu'est-ce que tu fais? T'en appelles un autre? Ouais, vas-y, c'est marrant. Bon, allez, un dernier. Samy, lui, il serait prêt à partir jusqu'à minuit. Hein. T'as pas un petit sound de Claude François, là? Un petit sound de Claude François? Tiens, on va au Brésil. Allô? Quand tu souris, je m'envole au paradis. Je vais à Rio. Ouais, allô, Claude? Janeiro. Ça va, Claude? Ça va? Ça va, ça va. On peut venir prendre un bain chez toi? Je sais pas. Claude, c'est bien Claude François. Oui. Oui, viens à la maison. Le téléphone pleure. Allô, chérie. Faudrait faire le coup de François, c'est oui. Bien. Oui. Allez, arrache ta gueule, toi. Ah, c'est la classe. Je vais te faire pas ça. Pas trop. Si, ah, si, bah, si, si, si, la classe. Claude. Bah, j'écoute. Bah, tu veux pas nous chanter un petit truc? Ouais, s'il te plaît. Je voudrais savoir pour qui je chante. Ah, bah, pour la France entière. Ah, pour un public. Hein. Ah, ouais, ouais, ça c'est. Et après oui. Le freestyle de Planète Rap, attention, voici la chanson de Claude. Tu veux nous chanter quelle chanson, Claude? Allez Claude, lâche-toi. Je vais à Rio. Fais-nous, je vais à Rio. Je connais pas. Bon, alors va dans ta salle de bain, Claude, on va faire un test. Test, touche l'ampoule pendant que tu te baignes. et on voit ce que ça donne. Mais ça vient, hein, Claude, hein. Ok, Claude. Bon, salut Claude. Eh ben. Ah, les pauvres. Tu vois, il vaut mieux s'appeler Médéric. Hein. Ouais, non, mais les gens, ils ont cru, ça fait 30 ans qu'il est mort. 35 ans. 35 ans, ouais. 35 ans qu'il est mort. Le mec subit les blagues. J'étais même pas né. Bon, Cédric, si. Qui était né dans l'équipe? Que Cédric. Ouais, tout seul. Bah ouais. Ouais, il avait déjà 10 piges, le belge. Et les mecs, depuis 35 ans, dans l'annuaire, il y a leur nom, il s'appelle Claude François. Et continue de le laisser. Le d'avant qu'il nous fallait chez Marie Charcor. Ça s'est jamais arrêté, oui. T'as jamais des mecs qui t'appellent pour avoir une assurance, toi, Médéric, à la maison? Oui, bonjour. Non, jamais. Et tu verras quand tu auras ta propre maison, que tu seras plus chez tes parents, peut-être. Là, t'es pas écrit sur l'annuaire. Ah, oui, ouais, tu vas avoir des cons à Skyrock qui vont t'appeler le soir. Faire la blague comme des cons. Ouais. Bon, alors, Médéric, on va s'occuper de toi là, dans un instant. Il y a Kenny aussi qui a le même problème. Donc, si vous avez l'impression que vos parents ils nuisent un peu à votre vie intime, d'ailleurs, on aura aussi le témoignage de Eren qui est là. Vous avez eu des idées pour l'histoire de Médéric là, à part ce qu'on a dit tout à l'heure, et mes super idées qui ont d'ailleurs été plébiscitées, Médéric, depuis tout à l'heure. Super idée, franchement, ouais. C'est super du coup. Bah c'est vrai que d'avoir un deuxième compte pour chaque truc, t'as un compte Daron. Tu sais qu'elle va regarder dessus. Ah bon, t'as une idée. Ah, tu vois, ton idée était pourrie, la mienne était beaucoup mieux. Ah ouais, c'est clair. Ah, elle pue, celle de qui était pas un suceur, toi, déjà. Non, pas du tout. Non, parce que je t'aime pas. Alors, il y a Eren qui est au téléphone avec nous, en direct, qu'on va retrouver. Puis Kenny, avec sa mère qui nuit à sa vie privée, il trouve. Ouais. Tiens, Spinkmooder, c'est pas du tout la même chose que toi, c'est par rapport au téléphone, c'est par rapport au Facebook. Salut, Eren. Non, Kenny. Ah, Kenny, pourquoi je t'ai fait ? Salut Kenny. En fait, c'est l'autre. Ouais, Kenny. Oh mon dieu, ils ont tué Kenny. Salut l'équipe. Mais non, il est là, sauvé. Ah, y a que des prénoms connus, sinon. Ah ouais, c'est clair. Ce soir, on a que des stars. Ouais. Dans quelques instants, nous aurons Nabila en direct avec nous. Et Homer Simpson. Karim Comedy Club ou pas? Ouais, je pense. Tu le prends, Karim? Ouais, normal. Allez, normal. Hop là. Alors, Kenny, pourquoi t'as l'impression que ta mère, elle nuit à ta vie privée, toi? Ben parce qu'en fait ben le problème c'est que je suis le plus poilu du collège. Tout le monde se fout de ma gueule du coup. Elle était trop mince, on dirait un singe. Marie, elle aime pas les poilus. Non. Ouais, c'est vrai, j'aime pas trop les poils moi. Des poilus d'où? De la gueule déjà? Non, mais surtout sur les bras. T'as pas des cheveux sur la gueule? Ah oui, non, parce que moi, tu es un singe. Ah ouais, c'est clair, mais bon, faut que ça se voit. Qui ont des cheveux sur la gueule. Ouais, y a un mec comme ça, il est. Ah oui, mais tout le visage. Ah oui, oui, il y a sur visage, internet, ouais. Tu vois sa gueule, ouais, le mec. C'est hallucinant. Tu vois rien, il est sacrément moche quand même. Ah non, mais tout le visage, ça se voit pas les cheveux. Non, mais il est sacrément chum. Ah bah ouais, non, mais c'est clair, mais. Non, mais le mec, il fait ça, je pense qu'il fait des spectacles. Ouais, il fait des spectacles, mais comme Serge Le Lama, tu sais que c'est un mec, quoi. Il est avec des bonnes meufs, hein. Ah ouais? Ouais, il est avec des meufs super bonnes. Quoi. Ouais, quoi, je suis pas sûr qu'il les nique, mais. On sait jamais. Ça, ça doit être. Non, mais le mec, c'est une bête de foire, c'est horrible. Non, mais c'est pas ça, il est trapéziste dans un cirque. Ah, il est dans un cirque. Ah, bah voilà, le mec, il fait des spectacles, ouais. Ouais, avec la gueule qu'il a, de toute façon, il faut. Non, mais c'est ça, ouais, le mec, c'est son fond de commerce. Bah, sinon, quoi. Tu t'épiles, hein. Bon, Kenny, oui, c'est pas une idée. Ouais, c'est pas con, ça. Déjà, ce qui nous rassure, Kenny, c'est que toi, c'est pas. Sur le visage, ça va à peu près. Voilà. C'est les bras. Sur le visage, je suis clean. Très bien. De toute façon, bon, sur le visage, il faut raser. Quand on a des poils, ça s'appelle de la barbe. Ouais, mais le problème, c'est que ma mère, j'ai 15 ans, elle me laisse même pas de liberté. C'est abusé. Ah bah, tu peux pas te laisser gérer ton look, ouais, ça c'est relou, ah ça ouais. C'est clair. Mais toi, tu voudrais faire quoi? T'épiler les bras? Te raser. T'épiler les bras. Ben oui, enlever ça, parce que déjà, de 1, ça me gratte. Et pareil, j'en ai sur les boules, laisse tomber. Mais le mec, j'ai la photo. Merci de nous envoyer la photo. Comment il s'appelle ton gars? Je sais pas comment il s'appelle, mais ouais, je vois la gueule qu'il a à peu près. Il y a 101 qui nous a envoyé la photo. Alors, on va vous la mettre sur Facebook, sur le difool.skyrock.com. Mais c'est le sosie de Momo. C'est vrai, ouais. Ah ouais, mais non, mais il y en a. Ah ouais, mais c'est pas. Non, mais il y en a un autre. Il est même sur le front. Bon, lui est sacrément moche, là, mais l'autre est encore plus moche. Ouais, celui dont on parle. Il y en a plusieurs, des poilus. Ça s'arrête pas, les cheveux. Tu t'es trompé, Momo, tu nous as donné ta photo, là. Ouais, c'est vrai qu'il te ressemble, Momo. C'est la famille, Momo. Mets-le sur le blog, Momo, en disant que c'est ton sosie. N'importe quoi. Ou que c'est toi avant d'être allé chez l'épilatrice. Non. L'épilatrice qui s'appelle une. Esthéticienne. Exactement. Tu es trop intelligent par rapport au reste de l'équipe. Bravo. Trop intelligent. Tu es le seul à avoir trouvé le. ressemble, ouais, bah grave. Rien, mais c'est, il te ressemble, oui, c'est toi avec la bouche de Cédric. Non mais là faut pas abuser non plus. Oh putain, en fait, c'est, oh, c'est, le c'est, oh, ouais, votre, c'est votre enfant. Quel monstre. La photo, mettez-la, mets-la vite, Momo. En disant que c'est ton enfant. Je savais pas que t'avais un gosse. Mais c'est pas du tout mon enfant. C'est qui a accouché, c'est toi ou Cédric? Non, c'est Cédric. Cédric est ta femme. Cédric est ta femme. Ouais, voilà. Voilà. Bon, et donc, Kenny, ta mère, elle veut même pas te laisser, genre, si t'as envie de t'épiler, bah, t'épiler, tu veux t'épiler quoi? Les bras, t'as dit? Ben ouais, les bras, et aussi vers les boules et vers la bite. Vers les boules, ouais, parce que t'as une grosse touffe. Ça se voit pas. Ouais, mais c'est une grosse touffe, c'est moche. Ouais, ouais, mais moi, ça gratte, et ma mère, elle est là, qu'est-ce que tu fais? Ben attends, je me gratte. Hein. Ouais, mais tu sais, si. Ah oui, donc t'arrêtes pas de te gratter les couilles, ok, c'est bien, c'est classe. Putain. Non, mais tu sais que si t'as pas des bêtes dedans. Ah, hein, ouais. Bah, t'es fou, toi, ou quoi? Ah, bah, je sais pas, tu sais, faire gaffe, hein. Parce que Cédric en a, lui. Cédric a déjà eu des morpions. Non, mais tu sais que si t'épiles, ça va être pire Cédric, qu'on a repoussé. Lui, c'est normal, c'est Cédric, voyons. Est-ce que vous trouvez, tiens, on va vous demander, puisqu'on parle de tes poils, est-ce que vous trouvez que c'est empiété, c'est ça le mot, sur la vie, sur votre vie privée, que votre mère vous empêche, je sais pas, de vous raser, les filles et les gars d'ailleurs, hein, parce qu'il y a peut-être des mères qui interdisent à leurs filles de se raser la moule. Ouais, mais attends, faut aller vérifier, hein. Mais moi, ma grand-mère, elle voulait pas que je me rase mon duvet. La moule. Moi, à l'époque, moi. Mais tu n'as pas de moule. Non, ma grand-mère, elle voulait pas que je me rase mon duvet à l'époque. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré dans la salle de bain, je l'ai fait, je suis ressorti. Ouais, voilà. Vois, direct comme ça. Non, mais sinon, ouais, j'allais dire, tu te fais coller pas là et puis terminé. Une fois que ça sera fait, de toute façon, elle va pas te faire coller, hein. Non, mais tu sais, sur non, mais c'est vrai. Tiens, au pire, elle va te pourrir la gueule, mais au moins tu seras tranquille pendant quelques temps. Moi, je ferais comme ça, moi aussi. Ah, voilà, moi, c'est clair. Bah, pour montrer que ton corps, c'est ton corps. Bon, il y en a qui sont imberbes, ils ont pas ce problème, mais c'est vrai que si toi tu trouves. Bah après, franchement, tracer les bras, fais gaffe, parce que le problème, c'est que si quand tu vas commencer à le faire, c'est à vie après. Hein. Sinon, tu vas avoir de la barbe sur les bras. Hein. Mais fais d'abord. Ouais. Ou alors fais d'abord ce que. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est non, mais j'ai pas envie d'en avoir, mais c'est hein? Il y a pas que ça, c'est que le problème aussi, elle me dit, oh, ok, on verra, et puis après, quand je le redemande, c'est, oh, on verra. Tu me fais chier, dégage. Ah ouais. Donc non, mais ce qu'il faut faire, par exemple la bite, ta mère elle voit pas ta bite. Non, pas question. Bon bah voilà, bah, tu ouais, peux bah, raser déjà non, la bite. Ouais. Commence déjà par la bite sous les bras. Plutôt... Laisse tomber, les planques, je sais pas où. Bah non, mais tu le fais au ciseau, ça se passe. Bah oui. Tu fais au ciseau, tu vois la ciseau. Cédric. Non, ouais. Sinon tu prends tes ciseaux, t'as pas des ciseaux dans ta trousse. Ah, les ciseaux d'école. Bah voilà, bah tu prends ceux-là. Et après tu le fais sentir à des potes. Tiens, sens. Sympa. Ça sent ma bite. Donc ça déjà, puis ta mère regarde pas ta bite, tu commences par ça, sous les bras, pareil, plutôt que de tout enlever sous les bras, tu taillotes un peu. T'as des poils sous les bras, Romano, toi? Ouais, bah ouais, je suis avec. Hein. Moi, coup de tondeuse, moi. Non, mais tu les rases ou pas? Là, ils sont mi-longs, là. Mi-longs. Ouais, ils sont la coupe longue, c'est pour bientôt. Ouais, bon, là, je les laisse. C'est pour l'hiver. Ouais, ça me fait chier, tout ça. Non, franchement, ça me casse les couilles, tu sais, c'est de... Tu fais ce que tu veux, c'est ton corps. Il y a des darons qui rentrent dans la... Ouais, t'as 15 ans, on nous demande quel âge il a. Il a 15 ans quand même. Bah oui, il a 15 ans quand bah, même. Bah ouais, ouais. Enfin, après, c'est normal que t'aies des poils, hein. Oui, après, t'en as beaucoup pour 15 ans. Bon, ça arrive, hein. Marie, elle aime pas les poilus. Il y a des filles qui aiment les poilus. On avait fait un sondage express. Non, mais c'est vrai, hein. Je sais plus quand, il y a un mois ou deux, là. Et bon, il y a quoi? Les filles, à 70%, d'après mes souvenirs. Ouais. J'ai une très très bonne c'est mémoire. Viril. Il y a quand même 30% qui aiment les poils. Ouais. Voilà, donc tu pourras te rabattre sur celle-ci, Kelly. Mais bon, fais-le sans demander, c'est ce que vous dites là sur SMS. C'est sa vie privée, il fait ce qu'il veut. Non, mais ouais, tu le fais en secret. Bah oui, elle va pas vérifier. En fait. Bah elle va pas vérifier au niveau des bouliches, non, ça non. C'est sûr. Hein. Oui, donc, voilà. Mais les bras, ça va se voir. Oui, ça c'est vrai. Ah, c'est possible. C'est un peu le problème. Ouais. Hein. Effectivement. Long sur les bras, cours ailleurs. Ouais, sympa. Voilà. Bon, là, t'as qu'à te couper les bras. Ouais, non, c'est pas la bonne solution. Là, c'est un peu con. Non, mais ça, c'est pas mal. Bon, bien joué, Cédric. Solution. Très bonne idée, Cédric. Ta race. Bah, tiens, justement, puisqu'on en parle, Cédric, ta passion, l'embrouille. Eh ouais. Avec la crème fraîche, c'est Sun Life. Et deuxième passion après la crème fraîche. Ah ouais, sympa, toi, le clash c'est la base de l'embrouille. Comment vous allez embrouiller les familles tout à l'heure? Romano et Cédric s'embrouillent tout à l'heure pour le premier clash de l'embrouille. Ouais, bah ouais, je vais l'éclater. On va voir. Il y croit en plus, ce con. Bah, je vais tout de. C'est à qui t'as affaire? Non, mais moi, je suis le challenger, c'est ça. C'est à qui t'as affaire, toi. Je sais, tu es le champion. Voilà, merci. En même temps, t'étais le champion, tu jouais contre personne, donc. Bon, dans un instant, le clash de l'embrouille, mais ouais. Juste avant, on a une petite urgence, on va prendre Toine, qui est au téléphone avec nous, qu'on va prendre tout de suite. Ah oui, puis on va parler avec Toine d'amour, l'amour, toujours l'amour. L'amour qui est un peu l'eau de la vie. Alors, Toine, donc toi t'es à Perpignan, et qu'est-ce qui se passe alors? Explique-nous un peu, écoutez bien, ça vous est peut-être arrivé l'histoire, on sait jamais. Bah, ce qui se passe, donc je suis en couple avec une fille et tout depuis un mois, et puis là, il y a pas longtemps, elle me dit qu'elle a rencontré un mec, donc qui habite pas ici, mais elle a rencontré un mec et elle l'aime. Donc ta meuf t'a expliqué qu'elle aimait quelqu'un d'autre. Voilà, en gros, elle m'explique ça. Donc je comprends pourquoi il y a un problème sentimental. T'es content ou pas? Ça t'est déjà arrivé, Marie, toi, qu'un mec... Non. Jamais arrivé? Non. Jamais un mec... Ou alors il me l'a jamais avoué, en tout cas. Oui, t'as fait cocu par derrière. Ouais, oui, oui, c'est ça. C'est tant mieux, c'est ce que je préfère par derrière. Non. C'est ça qui est le meilleur. Non, mais ouais, oui, il me l'a jamais dit, mais ça m'est jamais arrivé un truc pareil. Putain, ça, c'est... Tu te prends une bonne claque dans la tête, gueule. Ouais, mais elle t'a dit ça comment, elle? Qu'elle était tombée amoureuse d'un autre mec? Bah, elle arrivait, elle m'a dit, ouais, voilà, je l'aime, mais t'inquiète pas, je t'aime toi aussi. Oh, bah, c'est gentil. Oh, mais ça, ça console, c'est quand même mieux. T'étais content, non, je pense. Ah, j'imagine que ça t'a fait très plaisir. Oh là, t'étais rassuré quand t'as dit ça. Oui, merci. Ah, j'ai pété un câble. Ah bon? Ouais, t'as réagi comment, en fait? Ben, au départ, j'ai essayé de lui faire comprendre. Je lui ai dit, bah, t'imagines, parce qu'elle est hyper jalouse. Donc, je lui ai fait, t'imagines, voilà, je suis en couple avec une meuf, ça va pas te plaire et tout. Elle fait, bah non, ça me plaira pas, mais l'amour, ça se contrôle pas. Mais tu l'as pas traité? Pourquoi tu dis ça, Romano? Encore des traitages que j'entends dans l'émission? Moi, je la traite, moi. Mais pourquoi tu la traiterais? L'amour, tu sais, ça se commence. Mais je pense que je lui demande, dans un premier temps, je lui dis, tu me prends pour un con. Tu as pas dit, non, pas du tout. Tu as pas dit, tu me prends pour un con. Si, si. Ah, tu as dit, tu me l'as pas insulté? Non. Ah bah moi je l'aurais insulté, moi. Non mais c'est, je sais bien. Pas si elle t'aimait, Si elle t'aimait. Elle évite. Ah si, tu l'as quand même insulté, quand même. C'est quand même le minimum. Pute, oui, c'est quand même. Si tu l'as un petit peu insulté, pute. En même temps, sur le moment, c'est un peu. Oh bah moi, ça serait pas que sur le moment, je pense. C'est-à-dire que moi, la machine à insulter, elle se met en route, je suis pas sûr qu'elle s'arrête à un moment. Non, moi, ce que je pense, c'est que si elle t'aime, elle te balance pas un truc comme ça, elle te fait pas du mal volontairement, quoi. Bah elle est franche. Essaie de faire attention, quoi. Si elle t'aime, elle est franche avec toi, l'amour et la confiance. Ah non, mais moi, je me dis qu'elle se fout de moi. Et là, concrètement, t'es encore avec elle ou tu l'as virée? Ben là aujourd'hui je lui ai pas parlé parce que ça m'a gavé, et puis en plus hier elle m'a sorti de son, ils allaient voir pendant les vacances et tout, donc ça m'a tué, quoi. Ah moi c'est bien, ils allaient voir quand tu seras cocu vraiment pile le moment, quoi. C'est un mec qu'elle a rencontré pendant des vacances, c'est quoi? Ouais, il vient d'où, ce type? Non, par un site internet. D'où il vient, ce type? Sur le net, en plus blanc, là, c'est là, Olivier ou Patrick ou Gabi ou alors Bertrand. Oui, vas-y, oui. Absolument, ouais. Bonjour Bertrand, je suis tombé amoureux d'une petite jeune. Ah ouais. Et là vous savez ce que je suis en train de faire, je pense à elle et... Je suis en train de prendre. Ouais. Non, mais il faut l'envoyer en l'air. Ouais, parce que la meuf, elle a fait la démarche d'aller sur internet, machin. Ah ouais, non, c'est horrible. Long. Oui, c'est vrai qu'elle a fait la démarche d'aller sur le net pour trouver quelqu'un, c'est vrai ça. Non, mais elle te prend pour un con, hein. Ah, c'est chaud. Pour résumer, tu penses? Ils ont qu'à faire ménage à trois au pire, nous dit Fabien du 57. Super. Parce que bon, obligé, voilà, c'est déjà à fond dans l'histoire, elle va se le taper, quoi, tu vois. Alors ça vous arrive, les gars, comment vous réagissez? Il y a déjà des messages. Maxence qui nous dit, il faut qu'il se casse et qu'il fasse croire qu'il l'a fait cocu depuis le début. Ah, pour ton ego, en fait, c'est pour pas passer pour un con, genre, ouais, moi aussi, je t'ai fait cocu depuis le début, comme ça, tu... Oui. Ouais, genre, quoi. Combien ça faisait de temps que tu étais avec elle? On va pas changer grand-chose, au final. Non, ça allait faire un mois, mais elle le connaissait déjà bien avant. Un mois, mon pote. Une histoire toute fraîche, donc. Ah ouais, ouais, c'est pas une histoire de ouf. Tu m'aurais dit 8 ans, quoi. Ouais, donc elle t'aime et elle l'aime aussi. Qu'est-ce que vous feriez à la place de Toine, si vous étiez dans la... Ou alors, si vous avez été à la place de Toine? Moi, je lui dirais, bah écoute, je vais choisir à ta place. Va avec lui, puis fous-moi la paix. Toi, t'as déjà été à la place de Toine, d'ailleurs, Romano? Ouais, moi, c'était pas exactement pareil. Moi, elle était pas tombée amoureuse d'un autre mec, c'est qu'elle voulait se faire sauter par plein. Bon, ça va. Au final, il vaut mieux quoi? Hein? À la limite, il vaut mieux être dans ta position à toi d'une meuf qui a envie de se faire sauter par plein plutôt que d'avoir qu'une meuf qui a un mec et qu'elle soit amoureuse aussi. Ah ouais, ouais, non mais bon, moi de toute façon, j'ai pas eu le choix parce que quand elle m'a annoncé ça, elle m'a dégagé en même temps. Oui, donc comme ça, c'est clair. Voilà, j'avais. Sympa. Mais ouais, bon, moi, quelque part, tu vois, j'ai souffert si sur le moment. Si, parce que t'as pleuré pendant 3 mois. Non, pour pendant 3 mois non plus. T'as mis 3 mois à t'en remettre. Non, mais bon, surtout, je galérais pour en trouver une autre. C'est ça. Ah oui, d'accord, tu te sentais seule. Non, mais ouais, et puis surtout, non, mais derrière, j'ai essayé de brancher une meuf, bim, elle marquait. Comme une grosse merde. Oh ouais, c'est cool. Et donc bon, j'ai eu quelques difficultés à en retrouver une, mais quelque part voilà, ça m'a fait mal sur le moment, mais la meuf elle m'a pas amusé pendant quelques mois, genre ouais, je sais pas ce que, je sais pas qui j'aime, ouais, toi, oui, un autre, ouais. Les deux. Bon, alors comment vous réagissez si vous êtes à la place de toi? C'est ce qu'on va vous demander, hein. Il y a Salim du 59 qui dit ça m'est déjà arrivé, Starfala. Bah écoute Salim, si tu veux réagir, si tu veux nous laisser ton numéro et passer à l'antenne, eh ben n'hésite pas, ou alors tu nous envoies un autre message. Elle est dégueulasse ta meuf, nous dit Chamalol des Yvelines. C'est une fille en plus qui te dit ça. Si j'étais à ta place, je lui pourrirais la vie. Si vous avez des idées d'ailleurs pour lui pourrir la vie, vous pouvez nous en faire part, pareil. pareil, hein, sur SMS, sur le net. Tu devrais la gicler, dégage-la. Moi, je l'insulte. Et ouais, mais c'est bien de la gicler. C'est bien parce que bien. Je l'aime, quoi. Ah. Ouais, mais après qu'elle t'ait dit ça, tu l'aimes pas moins? Comment? Après qu'elle t'ait dit ça, tu l'aimes pas moins, non? Ouais, quand même. L'amour prend un coup dans la gueule, là. Dans la gueule, oui, c'est ça. J'ai des amis d'ailleurs qui ont déjà pris des coups dans la gueule. Bah tiens, justement, Cédric, tu voulais dire quoi? Tu tombes bien. Non, mais je serais toi, déjà, je me dirais que si au bout d'un mois la meuf a te fait ça, alors imagine-toi, tu vas rester 6 mois avec elle. Ça part en vrai, la meuf va te faire archi cocu. Non, mais de toute façon, je pense que tu resteras pas 6 mois avec elle. Non, bon, j'ai jamais essayé, ça accroche. Tiens, il y a Cam qui nous dit, mais l'habille-toi, Antoine, parce que le mec, c'est peut-être moi. Ah, bah, on a un dragueur sur le net qui a rencontré une fille de Perpignan qui s'appelle Cam 13. J'ai pas le mec, je sais qu'il s'appelle Donovan. Bah non, mais il s'appelle Cam, donc c'est pas Donovan. C'est pas le même. Bah en tout cas, à moins qu'il ait plusieurs pseudos, mais a priori c'est pas lui là. Bon bah dites-nous, on attend vos réactions, vos messages, vos conseils pour soutenir Antoine. Tu restes là, Antoine, bouge pas. Et, okay. Et on te retrouve en direct. Et puis si vous est arrivé exactement la même chose, n'hésitez pas à nous expliquer et puis à nous dire comment vous avez réagi. Et puis vos conseils, tout ça, on les attend en direct sur Sky avec toi, Antoine. Oui, Romano, dernière question. Depuis qu'elle t'a annoncé cette grande nouvelle là, ça va. Mais t'as la pêche. Comment ça se passe quand t'as lu? Elle essaie de te rappeler, elle est revenue vers toi, même pas. On se voit tous les jours, mais en fait, elle me l'a annoncé hier. Et ouais. Aujourd'hui, j'ai pas adressé un mot. Bah, déjà, t'as bien. Oui, bah, je comprends que t'as eu du mal à lui parler, oui, ça c'est clair. Bon, si, à l'insulter peut-être. Oui. Ouais, voilà. Bon, si la meuf, elle montre pas des signes de regret en plus. Ouais, non, mais c'est-à-dire que la meuf, elle t'a annoncé ça aujourd'hui, elle même pas essayé de t'appeler, de te voir. Non, bah non, elle appelle l'autre gars. Attends. Bah ouais, bah. Super, attends. Super. Le forfait, le passe avec l'autre. Bah oui, tu vois. Bon, pour l'instant, ça traite pas mal, hein, sur SMS, sur le net, les premiers messages. Ça traite et ça gicle. Ah bah c'est les boules. Romain monstre, vire là. Moi, je la largue. J'essaie de me caser pour me venger avec une de ses potes. Pas mal comme technique de vengeance. Vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Hein. Moi, ça m'arrivait pareil, mais le pire, c'est que j'étais avec elle depuis 3 ans. Ah bah tiens, on va peut-être t'appeler. C'est Snoop. Ouais. 3 ans, c'est 3 ans, c'est plus difficile. Snoop du 83 là qui nous laisse un message. Moi, je vais rencontrer son mec et je lui arrache les couilles. Bah, il est pour rien, lui. À la limite, tu vois, il drague une meuf. Non, mais c'est elle qui a été racolée. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, puis il habite loin. Tu lui niques sa mère. Ah, voilà, vous êtes très énervé. Hein, je vois. Oh là là, que vous êtes énervé. C'est une bouffonne. Elle aime les gens qu'elle peut pas toucher sur le net. C'est Luma, une fille du 42 qui nous laisse le message. Bon, bah écoutez, on va y revenir dans un instant. Tenez-vous prêts. Ouais. Et puis on a aussi pour vous le clash de l'embrouille qui arrive tout de suite. Ah ouais, allez, vas-y, je l'éclate. Enfin, je m'occupe de l'autre chose. C'est nouveau, c'est sur Skyrock. Cédric remet son titre de roi, empereur de l'embrouille. Roi des cons. Non, c'est empereur de l'embrouille. Clash de l'embrouille tout de suite, tout à l'heure. Le clash de la drague, on le fera un petit peu plus tard ce soir. Le clash de la drague, le retour de Pamela, oui. À pas louper. Et on s'occupe de Toine tout de suite, bougez pas. Skyrock t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016. Planet Rap 2016, plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. Exclusive. Signé Spyro. Avec le nouveau Jules, Maître Gims. Maître Gims. Le nouveau Soprano. C'est Soprano. Ça s'habille plus en panneau. MHD. Le nouveau SCH. Premier sur SCH. Sur Skyrock, ça fait. Fips Harmony. Skyrock Radio. Écoute Skyrock à tout moment. On voit roulette au 7-20-20 et gagne ta nouvelle compil Planet Rap 2016. Planet Rap. Avec en plus, ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat, étanche et insubmersible. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap 2016, la compil officielle pour un été. Promis sur le rap. Roulette au 7-20-20, 65 centimes plus coup d'un SMS. Cet été, Skyrock et Géant Casino passent à l'heure brésilienne et t'invite à un événement exceptionnel. Un barbecue géant sur la Côte d'Azur, ambiancé par Ritza. Un après-midi de fête aux couleurs du Brésil, offert par Géant Casino et réservé aux auditeurs de Skyrock. Pour participer, rends-toi sur skyrock.fm/géantbrésil et tente de gagner tes places. Le plus gros barbecue brésilien de l'été avec Ritza, c'est maintenant sur skyrock.fm avec les magasins Géant Casino. Chaleur, tendresse, amour, Smacks. Smacks, c'est l'appli de chat et de rencontres géolocalisées pour s'éclater sans prise de tête. Des milliers de mecs et de nanas connectés 24 heures sur 24, à la plage, en ville, en boîte, à côté de toi. Smacks, vas-y. Caro est sur le point de sortir pour aller chez McDo. Il ne lui reste qu'à mettre ses chaussures. Ah, les bleus, c'est bien. Quoique les rouges, ça fait longtemps qu'elle les a pas mises, hein. Non, mais les bleus. Les bleus, c'est parfait. Ça va avec son jean. Ou alors les noirs? Ou bien carrément, on change de jean? Bref, Caro se prépare à sortir pour aller chez McDo, mais elle n'est pas encore rendue vu que pour l'instant, elle s'habille. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment.

qui peut fonctionner. Ouais, moi c'était un peu pareil. Je veux dire que le mec il drague ma meuf et que ça me pose des problèmes et que ça m'énerve très fort et que je pourrais aller lui péter les dents. Oula. Okay, c'est parti. C'est parti pour le clash de l'embrouille sur Skyrock. Attention, premier coup de fil pour toi Cédric. Allez. Le roi des embrouilles. Ouais ouais ouais, on va chez qui? T'as du courage de mettre ton titre en jeu, c'est bien. Ouais bah t'inquiète hein. Je compte pas le perdre. Facile quoi. C'est vrai easy, que... easy baby quoi. Là je te fais une petite démo. C'est vrai que pour tout ce qui concerne les embrouilles, je pense que t'es pas loin d'être le meilleur. Ouais, c'est clair, ouais. T'es fort. Déjà Cédric va s'embrouiller avec la sonnerie. Bon là ça répond pas, c'est énervant, on va pas répondre. Kounas. Allô. Allô, allô Lionel. Allô. Ouais. Allô. Ouais bonjour, comment vas-tu? C'est de la part de qui? C'est Cédric, un de tes voisins. Dis-moi, je t'appelle là parce que j'ai ma meuf qui arrête pas de se plaindre comme quoi t'arrêtes pas de regarder son cul là dans... quand tu la croises. Comment? J'ai ma meuf. Ouais. Elle arrête pas de me dire que quand elle te croise dans la rue, elle te voit en train de la mater. Ah ouais. C'est-à-dire, tu regardes son cul, donc j'aimerais bien que t'arrêtes, tu te calmes un petit peu quoi. Ah ouais, non mais c'est une connerie ou quoi là? Non, c'est pas une connerie. Je te préviens avant que je me déplace chez toi, quoi. Ah bah, déplace-toi, vieux. Ah, parce que sinon, je vais devoir viens te calmer, voir. Quoi. Ouais, bah, je vais te voir et je vais te calmer, quoi. Ouais, ouais, bien. Je vais t'apprendre les bonnes manières, moi. Non, mais tu peux venir quand tu veux. Ah bah, écoute... Je suis là à la maison, tu peux venir ce soir, là. Ouais, bah, je vais venir, hein, tu verras, ça va te calmer direct, moi, je te le dis, moi, tu feras moins le mal. Allez, salut. Ouais, à tout de suite, ouais. Voilà. Ouais, voilà. Ce con a réussi. Oui, oui. Ah ouais. Et voilà ma gueule. C'est incroyable, le mec c'est a tous les coups, il gagne. Voilà. Sur l'embrouille, c'est clair. Il est content, bon l'an. Bravo Cédric. Quelle démonstration là. Ouais, petite démo, belle démo. Romano, allez, à toi là, maintenant. Vas-y, c'est parti là. C'est parti, à toi l'embrouille. Même méthode alors pour t'embrouiller. Ouais, à peu près, ouais. C'est parti pour toi Romano et on appelle chez qui? Romain. Et on appelle Romain. Romain. C'est Romain et Romano. Ouais. Ah, allô. Ouais, Romain. Ouais, c'est qui? Ouais, bah c'est quelqu'un là. Eh, dis voir, y a ma meuf qui se plaint là, tu la regardes un peu trop, je trouve. Donc moi, ça me met à bout de nerfs. Ouais, je pars toi, fais pas chier. Déjà, j'ai un téléphone portable, fils de pute, évite de m'appeler. Tu veux que je vienne peut-être? Bah, viens en bas de chez moi, fils de pute, je t'éclate. Ouais, tu vas me parler sur un autre ton. Bah oui, bah, que fous-tu. Bah, moi, j'ai une femme, j'ai des enfants, un seul bâtard. Ouais, bah écoute, faut que t'arrêtes de mater la mienne, c'est pas parce que la tienne est moche que bon. Mais oui. C'est pas éthique. Ouais, bah écoute, ta bravo, lui, il est chaud. Bravo. Je pense qu'il faudrait le rappeler, lui. Ah, vous êtes trop fort. Oh, putain. Trop fort. Vous voulez le rappeler? Ah ouais. Rappelle-le. Allez, rappelle-le. Le clash de l'embrouille. Et deux embrouilles en deux minutes. Ah, lui, il est chaud, lui. Ah, lui, ouais, direct. Allô? Ouais, allô? Ah, bah, ton mec, il ose plus répondre. Il a rien dans le ben. Non, c'est bon qu'il ose plus répondre. Mais pourquoi t'appelles déjà? Bah, déjà, parce qu'il arrête pas de mater ma meuf. Moi, ça me dérange. Mater ta meuf? Eh, alors, ouais. Tu me diras quand et où déjà? Ah, bah, il la mate dans la rue. Non, mais j'aimerais régler ça avec lui, s'il te plaît. Dans c'est l'histoire d'homme. Alors, dis-toi qu'il travaille à Marquise. Ouais. Donc, ouais, bah, là-bas, il arrête pas de reluquer ma meuf. Donc, ça commence à bien faire. Donc, ce soir, je vais venir le trouver. Ça va chauffer. Hein. Moi, j'ai une jambe de bois, là. Non, en plastique. Ça va chier. Hein. Ouais, bah écoute. Tiens, passe-moi Romain, s'il te plaît. Allez, passe-moi le téléphone à Romain. Non, mais est-ce que tu sais où est-ce qu'on habite déjà? Parce que tu dis que tu veux venir chez nous, là. Mais est-ce que tu sais où est-ce qu'on habite? Ah, déjà bah bien sûr que je sais où vous habitez. Hein. Ah ouais, et où? J'ai repéré les lieux. Non, mais t'inquiète, je peux être là dans moins de 5 minutes. Bah vas-y, bah viens. Je crois alors, que ça va chauffer, moi. Et bah, passe-moi viens, Romain. Bah pourquoi il parle plus? Il a peur? Mais je parce qu'il a rien à dire, espèce de bouffon. Ah, il a peur. Ça n'a rien à foutre de ta meuf. Ouais, il est en panique. Allô. Déjà, on parle pas. T'as quel âge? T'as même pas, t'es même pas mineur. Alors qu'est-ce que je mater ta meuf? T'as peur? Ta meuf, toi. Elle est grosse, non? C'est ça, je kiffe les grosses. Hein, enculé. Ah bah, je vais venir, hein, tu vas voir. Bravo, bah lui, il est. Bah, bravo. Ah, lui, il est. Bravo, ah, bravo, Romano. Je pense qu'ils vont passer une bonne soirée grâce à toi. Il y a Marquis, c'est chez moi, chez les ch'tis, nous dit Fab du 62. Ouais, c'est entendu, ouais. Bravo, félicitations à tous les deux. Un beau clash de l'embrouille. Oh, je sais pas. Vas-y, on va refaire. T'as des autres familles? Ouais, vas-y, ouais, tranquille. Oh, on peut faire un petit deuxième tour. Ouais, vas-y, on se lâche. Vous êtes d'accord tous les deux pour un deuxième tour? Ouais, on est chaud, ouais. T'as vu, il s'arrête plus là. Bon, on va chez qui là? Daniel. Bonne chance, Cédric, avec Daniel. Ouais. C'est vrai, pratiquement à tous les coups, t'as tu t'embrouilles. Attends, là. Parce que l'embrouille qu'il a faite, elle était pas mal. T'as bien aimé? Ouais. T'es jaloux? Cédric, il me kiffe. Non, mais il l'a fait. La famille, elle a bien prise, tu vois. Ah oui, la famille, elle l'a bien prise. Très bien. Non, elle a bien pris. Oui, l'appel, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, exactement, Cédric. On laisse tomber Daniel, on va chez qui? Un autre. Allô? Allô? Oui. Chez qui? Guy. Oui. Guy? Allô, Guy? Oui. Ouais, tu m'entends, monsieur? Oui. Ouais, je t'appelais là parce que ma meuf, elle arrête pas de se plaindre que t'arrêtes pas de mater son cul. Allô. C'est un de tes voisins, c'est Cédric. J'ai oublié de me présenter. Et je t'appelais soir là parce que je suis un peu énervé contre toi là parce que ma meuf, elle arrête pas de me dire que tu la reluques à chaque fois et elle aimerait bien que ça cesse quoi. Donc je t'appelais pour te calmer là. Mais de, à qui tu hein? À qui tu parles? C'est ça à qui tu parles? Ouais, à toi là, à Guy ouais. Guy comment? Bah à toi, elle m'a dit que tu faisais le malin. Qui qu'il avait dit ça? Bah ma meuf, elle m'a dit que t'arrêtais pas de mater son cul, donc j'aimerais bien que t'arrêtes quoi, que tu te calmes un petit peu. Mais t'es doit faire erreur là, cul. Ah non, non, non. Il a bout de nerf. Non, non. Je fais pas erreur, c'est bien toi, hein. Comment c'est qu'elle s'appelle ta meuf, comme tu dis? Ouais, elle s'appelle Marie. Ouais, bah t'es doit sur moi. Donc j'aimerais bien que t'arrêtes de mater ma meuf, sinon je dois me déplacer chez toi, quoi. Ouais, bah t'es doit sûrement faire erreur, le vieux. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce qu'on dit, ça. Ça, c'est l'excuse des mecs qui ont peur, ça. Non, mais je... Ouais, tu fais moi le malin, non, mais là. Mais je t'ai vu mater mon cul, hein. Là, tu vois, elle est avec moi, là. Elle est sûre que c'est toi, attends, elle te reconnaît bien, hein. Tu bourrais. Allô. Mais tu sais où c'est jamais, tout moi. Ouais, ouais, bah écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans 5 minutes, je vais te calmer vite fait, bien fait. Et bah, puis après, dis-moi où c'est jamais. Bah, juste à côté de chez moi. Allô. On est juste à côté de chez toi là. Le gars il va devenir parano, il va regarder tous ses voisins. Non mais, ouais, non, mais on n'est pas content. Hein. Dis le nom de la rue, le numéro. Bah écoute, là je suis là dans 2 secondes hein, si tu veux. Hein. Moi je suis la maison, 2 maisons à côté de chez toi. Non, non mais t'as dû faire erreur le vieux. Bah moi je suis au numéro 7. Ouais, bah y'a pas de numéro 7 dans ma rue alors. Pas ouais. De chance, hein, merde alors. Numéro 17. Ah bah attends. Non, non, non. T'as dû faire erreur là. Numéro 14. Non, y'a pas de numéro. Ah merde. Y'a pas de numéro dans la rue, désolé. C'est bon, en tout cas, j'aimerais bien que t'arrêtes de regarder ma meuf quoi. Ouais, bah enfin, t'as bien compris. Ouais, merci, au revoir. Eh, quand tu la vois, tu baisses les yeux, d'accord? Ouais, ferme ta gueule. Eh, ah, parle bien. Quand même, ah, quand même. Ah, quand même. Ah, quand même. C'est réveillant. Bon, à la fin, tu l'as saoulé. Hein. Ouais, c'est bon, allez, ferme ta gueule. Ouais, ferme ta gueule. Attends, t'as pas de bol, en plus, tu donnes les numéros, ça n'existe pas chez lui. On est tombé sur une rue. Il n'y a pas de 7. Il n'y a pas de numéro 7, il n'y a pas de numéro 17, et il n'y a pas de 14. Un père, quoi, ouais. Eh oui. C'est pas le loto, Cédric, nous dit Black Sky, là. Ah, bah, j'ai tenté, hein. Eh, t'as tenté. Le loto s'est loupé. Ah, Romano. Pas pour ce soir. C'est qui là? Frédéric. Frédéric pour le clash de l'embrouille. C'est une première. Oui, c'est une première, c'est un test qu'on fait. Allô? Ouais, Fredo? Oui? Ouais, bonsoir, comment tu vas? Ouais, c'est qui? C'est un voisin là, pareil. T'as bien une femme toi? Et alors? Ouais, parce qu'en fait, il faudrait que t'arrêtes de mater la mienne quand même, parce que ça commence à me mettre à bout de nerfs, donc je pourrais venir te trouver et puis te régler ton compte, mon ami. Oh, il a eu peur. Ah ouais, il a eu peur. T'es impressionnant. Ouais, c'est ça. Bah, putain, j'ai... Ah, mais rappelle-le, lui. Ouais. Ah bah tiens, merci, Cédric. T'es trop impressionnant. Bah, je prends le rappel que m'offre Cédric. C'est gentil, c'est bien. Et on fait comment après? On fait voter? Bah ouais. Ah, oui. Pour le plus gros embrouilleur de la soirée? Bah ouais. Tu mets ton titre en jeu, Cédric? Bah normal. Ouais, Cédric est le roi de l'embrouille. Ou non, on fait pas de vote, vas-y, on a fait un test comme ça. Pourquoi? Vas-y, trop de Romano, il s'est bien embrouillé sur le premier. Ta gueule, toi, putain. Bah, attends. Ah, mais là, Fredo, il veut plus décrocher. Ah, bah, ouais, ouais. Le mec, je l'ai terrorisé. Hein. Il était trop fort, là. Ah, t'étais trop fort. Il a été impressionnant. Allô. Ah, non. Vous êtes en relation avec votre voilà. C'est parce que t'es impressionnant, Romano. Ouais, c'est ça, j'y étais. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit test, là, juste pour voir? Dites-nous, hein. Vous votez, comment on fait? Vous votez pour Cédric ou Romano, pareil que pour Bah, ouais, pareil. Ouais. Alors, c'est parti. Top vote. Vous votez pour Cédric et ses embrouilles ou Romano et son embrouille. À vous de choisir. Moi, je me suis bien embrouillé, moi. Moi, je me suis embrouillé avec un couple. C'est le couple de Marquise. Bon, Romano, il a eu une grosse embrouille et Cédric a eu deux embrouilles. Ouais. Lequel vous préférez? Ah, je suis le roi de l'embrouille quand même. Votez Cédric. Romano. Quel est ce soir, on détrône le roi de l'embrouille, on vote Romano. Non, non, ce soir, la famille, on me laisse mon titre. Votez Cédric, c'est E-D-R-I-C. Allez, on vous laisse 5 minutes pour voir tout ça. Là, Momo nous dit Cédric, c'est pour toi. Ah, merci, ma gueule. Itachi nous dit Cédric. Message de Greg également pour Cédric. West Coast nous dit Cédric. Je vote Cédric pour El Matador. Ouais, bah, y a pas des Romano là, un merci, peu là. Merci, ma gueule. Allez, faut craft. Voter Romano, team Romano. Allez, on vote pas, Cédric. Hein. Tu peux pas te tester. Oh là, les Romano, ils arrivent. Tiens, Nabil, Romano, t'es le roi partout. Joris, je vote Romano. Slim Shady, je vote Romano. Romano pour Skunk. Romano Forever pour Benjamin. Oh, Romano pour Ashraf. Il y a des. Il y a une. Ouais, il y a des vagues, ouais. Il y a des vagues Romano, là. Un tsunami, je dirais même. Bien sûr, on y croit, la vague la plus grosse du monde. Ah, tiens, on annonce une marée de merde. Ça doit être le vote de Cédric. Ouais, bah là, j'ai des messages pour Cédric. Ouais. Regarde, message de suicide, toi, qui nous dit je vote Cédric trop fort à l'embrouille. Ah, merci, merci. Romano, tu peux pas test pour l'Americano. On va voir, on va c'est voir. Vrai que tu peux pas moi, je suis un challenger, là. Je suis un débutant dans l'histoire. Hein. Ouais. Bon, les résultats dans un instant. Résultat du clash de l'embrouille et clash de la drague qui revient dans une heure. On va le faire en nocturne ce soir. Ouais, pas de problème. Là, on va moins rigoler tout à l'heure. l'heure. Bon, et avant ça, on revient à Toine. Alors oui, Toine, les réactions qu'on a eues pour Toine, on l'a eu juste avant le clash de l'embrouille, Toine. Toine, ouais, qui nous a appelé. Oui, avec sa meuf qui aime deux mecs. Oui, en fait, donc Toine, ta meuf, elle est amoureuse, donc amoureuse de toi. Ouais, je suis amoureuse. Et elle est également amoureuse d'un autre mec, elle est amoureuse des deux. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, il y a des messages qui arrivent pour toi, Toine. Lounès, le lover du 75, qui nous dit, moi, je défonce le mec. Alors, Lounès, je suis vraiment désolé, mais on a dit, pas de violence, je ne peux pas accepter ton message. Non, ça sert à rien. Le mec, enfin, au final, il a tenté sa chance, c'est ta meuf. Et en plus, il habite loin, oui. C'est ta meuf qui est tordue. Hein. Exactement. Elle est tordue, il a dit, Romano, ta meuf. Non, mais c'est vrai, tu sais, elle est cherchée sur le. Mais elle est tordue, comme ça. Non, mais elle est. Ou alors, comme ça. T'es con. Non, elle est tordue dans la tête, c'est-à-dire, c'est une vis. Ah, dans la tête, comme ça. Figurée à la gueule en biais. C'est une tordue. Moi, je pète un câble pour quand t'as du 72. Et puis, il y en a plein qui disent, faut la quitter. Degré Montax, là, du Nord, je la quitte. Lâche-la, de toute façon, tu t'en trouveras une autre. Non, mais surtout, bon, ça fait qu'un mois, donc. Ouais, moi, je vais le choper. Je vous ai dit, on ne le chope pas. On ne lui arrache pas les couilles non plus. Il n'a pas qu'il veut lui arracher les couilles, là, depuis tout à l'heure, là. Bon, il peut rien, lui, hein. Moi, je casse direct, je la jette. Bon, la majeure partie des messages, vire-la. Moi, je l'insulte. Ça, c'est déjà fait, hein, pour les insultes. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Vaut peut-être mieux passer à autre chose, Toine. Ah, bah, c'est sûr. Bon, on a Antoine. Alors, il y a Toine de Perpignan et Antoine de la Garenne-Colombes. Décidément, si vous appelez Toine ou Antoine, c'est un prénom de cocu, ça, ce soir, je crois. Antoine Cocu, toi aussi, pareil? Ouais. Bonjour, Antoine. Bonjour. Bienvenue. Uniful, c'est l'équipe. Salut à toi. Sympa. Coucou. D'appeler. Et puis, il y aura, Marie. Il y aura Chloé avec nous en direct du 08 aussi au téléphone. Tu es là, Chloé? Ouais. Bonjour, salut, mademoiselle. Comment ça va? Ça va très bien, et ça, vous, l'équipe? Ça va très bien. Ça roule. Alors toi, t'as été dans le cas de la meuf, donc on va te garder pour la fin. Tu vas nous raconter comment t'as fait pour te retrouver dans ce, bah, pour te retrouver dans ce bordel. Genre, t'es amoureuse, ouais, de deux mecs, toi. T'étais la meuf amoureuse des deux gars. Exactement. C'est fou, ça, d'être amoureuse de deux gars. Eh ben. Ouais. C'est dur. Ouais, bah, c'est dur, surtout pour le, gars qui était là en premier, surtout, non? Ah ouais, mais faut pas croire. C'est difficile pour la meuf aussi. C'est difficile pour la meuf. On va arriver à la plaindre, là, tout à l'heure, grâce à toi. Ouais, Chloé, tu vas voir. Bon, reste avec nous. Et donc, Antoine, qu'est-ce que tu voulais dire, à Toine, toi? Ah, moi, en fait, il m'arrivait à peu près la même chose. Et donc, t'étais avec elle depuis combien de temps? Je devais être avec elle depuis 2 semaines. Ouais. Et en fait, au bout de 2 semaines, elle me fait, ouais, en fait, Antoine, je suis amoureuse d'un gars et tout, et elle voulait pas me dire qui c'était. Tu lui as pas dit, mais c'est moi, non? Non, mais. Non, c'était pas toi, t'avais compris. Ah, c'était un autre, oui. Oui. Oui. Merci, Romano. Oui, c'est bien, Romano explique pour ceux qui ne comprennent pas. Bah, c'est pour Cédric, hein, tu sais, voilà, qu'il sait qu'il est mal comprenant. Je donc, comprends pas tout. Bah, c'est pour ça, Cédric, j'essaye de t'aider, le mec est en train de chier. Oh là, merci, Romano, t'es trop gentil. Bah, de rien, Cédric. Tu sais que je vote pour toi, au cloche. Bah, t'es bien con, hein, parce que je te rappelle que je joue contre toi, espèce d'abruti. Oh, c'était trop gentil. Bon, donc, t'étais avec elle depuis pas longtemps. Ouais, donc, elle t'a annoncé ça. Ouais. Comment t'as réagi, toi? Bah, au début, tu vois, j'étais dégoûté. Je me dis, putain, mais je suis pas assez bien pour elle et tout. Non, mais c'était une gamine dans sa tête, un peu. Ah, putain, je suis amoureux de 3 mecs. Il y en a un de plus depuis tout à l'heure. J'ai parlé à Romano de Skyrock, il est trop beau. Ouais, bah, merci, ma chérie. Il est trop beau, vous savez qu'il a pas un poil sur le caillou, c'est super. Mais bon, on va attendre un peu parce qu'à 16 ans, j'ai pas envie d'aller en prison. C'est tout lisse, mais tu en as 21. Oui, mais quand même, on va faire gaffe quand même. Non, mais ouais, la meuf, c'était un peu une gamine, non? Parce que tu vois, genre, elle sort avec toi au bout de 15 jours. Ah non, je suis amoureuse d'un autre. Non, mais c'est une pute, la meuf, elle est sortie avec 28 mecs avant moi. Ah, tu les as comptés? Ouais, elle m'a dit. Ah, elle t'a dit. Ouais, c'est mon 28. Hein. Attends, ça y est, le 29, il vient d'arriver, il m'appelle. Ouais, donc après, je continue d'insister pour savoir qui c'était. Et puis en fait, c'était un de mes bêtes de potes, tu vois. Elle est tombée amoureuse d'un de mes putains de potes. Il est trop beau. Il ressemble à Justin Bieber. Super. Qu'il est beau, on dirait One Direction. Ah, il est trop beau. Ah, on dirait One Direction. Ah, bah lui, je l'ai sorti avec lui pendant 1 semaine. Ah. Oui, et donc, comment ça s'est fini, votre histoire? Parce que j'imagine que ça s'est fini quand même. Oui, c'est fini, ouais. Est-ce que tu l'as traité, toi aussi? Bah oui. Ah. C'est pas bien de traiter. Oui, faut savoir contrôler ses nerfs. Ah, mais dans ces comme moi, d'ailleurs, le soir, je contrôle très bien mes nerfs. Eh oui. Maître yoga. Yoga, c'est ça. Donc le gars, en fait, le gars, enfin, j'ai essayé de lui parler et tout, je lui dis, mais abandonne, c'est bon, laisse-la, c'est ma meuf, sinon je vais te défoncer ta gueule. Mm-hmm. Et puis finalement, bon, on s'est embrouillé, ça a mal fini avec le mec, et puis la meuf, elle m'a largué après. Donc ça a mal fini, ça veut dire que vous êtes tapé, c'est ça? Ouais, je l'ai démonté. Ouais. Tu l'as démonté, très bien. Enfin, très bien. Super. Malheureusement, voilà une nouvelle conséquence de la violence. Ouais, mais ça n'a rien arrangé. Ah. Mais après, non, ça n'a rien arrangé, mais tu vois, voilà. Ça m'a détendu la mariée. Mais elle se l'est tapée ou pas finalement? Bah oui. Ton pote, elle se l'est tapée? Ouais, ils sont sortis 3 jours après. En fait. Ah ouais, donc, ouais, donc elle était... 1 semaine, j'étais pas loin. Hein. C'est ça. Ouais, donc... Non, mais ouais, parce qu'elle était un peu gamine dans sa tête, c'est pas trop ce qu'elle voulait, quoi. Donc toi, j'imagine que tu lui conseillerais de t'arrêter l'histoire, peut-être, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Ouais. Faut que t'arrêtes, mec. Hein. Comme 95%. Faut que t'arrêtes tout de suite avant de péter un câble. Voilà. Ah bah c'est sûr. Donc vous êtes pratiquement tous de cet avis, d'ailleurs filles et garçons. Hein. Alors tous ou presque, puisqu'on a avec nous la Chloé en ligne avec nous qu'on va retrouver dans un instant, qui va nous expliquer comment ça se passe quand on est une fille et quand on tombe amoureuse de deux mecs. Marie, tu es déjà tombée amoureuse de deux mecs, toi? Non. Jamais. Non, être attirée par un autre mec, oui, ça m'est déjà arrivé, mais amoureuse, non. Non, je sais pas, moi je trouve ça bizarre d'aimer deux personnes. Trouve ça bizarre d'aimer deux à la fois. D'être amoureux, parce que aimer, tu peux aimer plein de gens, mais d'être amoureux, je trouve ça bizarre. Non, mais là, l'autre, elle est pas amoureuse, elle est un peu coconne, quoi. Tu parles de la meuf d'Antoine ou la meuf de Toine? Oh, les deux. Les deux. Bon, vos meufs, elles sont toutes coconnes. C'est le diagnostic de Romano. Non, mais tiens, mais même Antoine, tu le reconnais, elle était un peu couillonne, ta meuf, là. Ouais, c'était vraiment une salope. Oui, bah, on va peut-être pas aller jusque-là non plus, mais. Ah, j'ai l'impression que tu lui en veux un peu. Ah, peut-être pas aller jusque-là. Ouais, un peu, pas inventer la poudre, celle-là, quoi. Ouais, bah, enfin, en tout cas, elle t'a bien fait cocu, celle-ci. Voilà. Bon, Antoine, merci du coup de fil. Et Toine de Perpignan, alors, après le témoignage d'Antoine, qu'est-ce que tu comptes faire pour cette histoire d'amour? Je sais pas du tout. Bon, alors on va prendre le témoignage de Chloé en direct avec nous. Donc toi t'es dans le 08, t'as 18 ans et t'as été dans le cas d'une meuf qui est doublement amoureuse de deux mecs à la fois. Exactement. Alors comment ça se passe quand on est deux fois, quand on est amoureuse en même temps de deux mecs à la fois? Bah c'est hyper compliqué parce qu'en fait on aime les deux parce que l'un a quelque chose que l'autre n'a pas et en fait on cherche la perfection. Oui, mais regarde par exemple, si tu tombes dans ce cas-là, tu peux tomber amoureux de tout le monde parce que tout le monde est différent de moi. J'ai par exemple, tiens, je vais prendre deux exemples dans l'équipe, Cédric et Romano. Ils sont différents tous les deux. Ouais, si tu tombes amoureuse de Romano, d'ailleurs, ouais. Ben, tu pourrais avoir des manques par rapport à Cédric. Cédric par exemple a des cheveux lui. Gras. Bah ouais, c'est gras. Des cheveux gras. Ouais, oui. Mais c'est quand même un minimum d'attirance à avoir. C'est vrai, là, c'est pas le cas dans les exemples que je t'ai donné. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Chloé? Romano, ça va. Voilà, bah écoute, Cédric, je crois que tu es moche. Au jeu de Chloé, hein. Ne gagnez pas, c'est peut-être pas tout le monde. D'ailleurs, vous pouvez nous dire ce que vous pensez de Cédric, les filles. Oui, n'hésitez pas à nous donner votre avis. C'est Radio Libre. Non, mais il est adorable. Adorable, voilà, c'est le mot. Voilà. Okay, en fait, bah, c'est gentil. C'est ce qu'on dit pour pas dire moche. Oh, il est sympa. Il est cool comme mec, hein. Donc, le premier mec, celui qui est arrivé le premier, qui est sorti le premier avec toi, c'était un gars avec lequel t'étais depuis combien de temps? Un an et demi. Ah ouais. Oh, de Dieu. Ouais. Et au bout d'un an et demi, t'en as vu un autre et tu t'es dit, celui-ci va m'apporter des trucs que l'autre il m'apporte pas. Ouais, mais en fait, le gars, je le connaissais déjà depuis hyper longtemps, bien avant mon copain. Et l'amour est arrivé comme ça après? Ouais, exactement. C'est ça l'amour. Miu. Et alors, comment t'as fait? T'as fait comme la meuf de Toine, tu l'as dit au premier que t'étais amoureuse d'un autre mec? Bah ouais, faut quand même être un minimum sincère. Oh, Dieu, pourquoi tu lui as dit? Est-ce qu'il t'a traité lui aussi? Non, même pas. Oh, mais dis donc. Mais tu lui as dit comment? Tu lui as dit, excuse-moi mon amour, mais j'aime un autre gars, mais je t'aime quand même, c'est ça? J'ai quand même été plus subtile. Je lui ai dit que j'étais attirée par l'autre parce que voilà, mon copain, il y avait des trucs qui allaient pas, quoi. Donc je lui ai dit, mais. Et c'était quoi qui allait pas? Mettez-vous à la place du mec déjà, d'entendre ça. Il était hyper jaloux et étouffant, quoi. C'était alors, incroyable. Parce qu'il était hyper jaloux, tu as décidé donc de lui expliquer qu'il y en avait un autre qui t'intéressait. Voilà, pour le mettre à nous. Voilà, bah pour un jaloux, ça a dû lui faire du bien. C'est cool. Ouais. Bien signé, oui. Romano, alors, ça change tout par rapport à tout à l'heure. Elle te le dit qu'elle est attirée par un autre mec, mais c'est tout. Non mais moi je t'ai dit, au départ je pense que c'est une blague. Je lui dis ouais, tu te fous de ma gueule, quoi. Non mais attirée, ça veut pas dire qu'elle est amoureuse. Ah non, moi je m'en bats les couilles. Si elle est attirée, elle va se faire sauter par l'autre, elle est plus avec moi. Pour toi c'est la même chose. Ah moi je la dégage, hein, moi. C'est immédiat, quoi. Et au final comment ça s'est passé avec les deux mecs? T'en as gardé un, les deux se sont barrés, les deux sont restés avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es tapé l'autre? Oui, c'est passé quoi? Du coup j'ai quitté le premier pour le deuxième. Oui. Bon, quelque part t'as été honnête, quoi. Oui. Ouais, voilà. Et entre le moment où tu lui as dit que t'étais attiré et le moment où tu te l'es tapé l'autre, et il s'est écoulé combien de temps? Je lui ai dit que j'étais attiré par l'autre, 3 jours après je le quittais. Ouais, donc tu l'as pas laissé trop souffrir, il a dû passer 3 jours abominables, hein, comme je disais. Mettez-vous à sa place, le pauvre. Ah, ça, il a dû morfler. Et t'es resté longtemps avec l'autre, toi? Non, pas du tout. Non. On s'est connu que par internet, du coup, quand on se voit dans la vraie vie, ça donne pas pareil, quoi. Eh ben, t'as bien fait de larguer le premier, comme ça, maintenant tu te retrouves toute seule. Non. Ah, t'en as retrouvé un troisième. T'en as retrouvé un troisième. Non. T'es retourné avec le premier. Ah, tu l'as reconquis. Et t'es retourné avec le premier. Ah ouais, il est gentil. Ah. Ouais. Et lui, il a accepté de retourner avec toi aussi. Il te kiffait, quoi. C'est pas simple, hein, je m'en comprends. J'imagine qu'il a un traitement, non, pour supporter tout ça. La paranoïa, oui. Non, mais que le mec est devenu complètement parano depuis. Déjà, à la base, il était jaloux, t'imagines. Mais ça doit être invivable pour lui. Ah ouais, pour lui, c'est à moins qu'il ait des cachets pour l'aider. J'espère qu'il lui en donne beaucoup, des cachets. C'est un légume, le mec. Niveau cachet, ça va. Mais bon, peut-être que tu peux faire, en tout cas, Antoine, Toine même plus précisément, puisqu'on a eu Antoine tout à l'heure. Toine de Perpignan, c'est peut-être faire une pause dans votre histoire d'amour tumultueuse. Ouais. Parce que si c'est comme ça. Ah, comme ça, ça te permet de faire le point. Non, mais dégage-la. Et limite, de la dégager, de passer à autre chose après la pause. Ah, la fille m'a pas rassuré, quoi. Non, c'est vrai, c'est pas rassurant, hein. Ah non. Non, mais ce qui va se passer, c'est que la meuf, elle va aller, cet été, elle va se taper l'autre mec, hein. Ça, il faut que t'en sois certain, quoi. Comme le dit Jam, il y a Jam sur SMS qui dit, elle est pas très fiable comme meuf, passe à autre chose. C'est vrai qu'il a pas tort, Jam. Ah bah ouais, c'est d'accord, Jam, 18 ans dans le 93, là, qui te laisse un message. Bon, bah écoute, merci Chloé de ce témoignage. Bah, en tout cas, c'est intéressant d'avoir la vie d'une fille qui s'est trouvée exactement dans la même situation que la meuf d'Antoine. Bon. Franchement, il devrait la lâcher, parce que peut-être que. Toi aussi, tu penses comme nous en plus. Ouais. Bon, bah écoute. Elle se rendra peut-être compte de sa connerie comme moi j'ai fait. Bon, bah, bon courage, Toine. Chloé et Antoine, on vous envoie votre jeu, votre maillot à la maison, là, tous les deux, là. Ok, ça marche. Et bah, merci à tous les deux, merci du témoignage. Et petite dédicace, vas-y, Antoine. Alors, moi, je fais une dédicace. Paul Candelo qui m'écoute là, à Pénélope et à Victor aussi, peut-être à Chérine aussi. Eh bah, ben tu m'y gardes tout le monde. Et à l'équipe aussi, je vous aime et vous êtes vraiment trop. Nous aussi d'ailleurs. Dans... Bisous. Je vous aime. On va même t'embrasser fort. Merci. Et voilà. Et Bequécan à toi aussi pour te dire. Voilà. Ah bah de rien. Tous les soirs, 10 full radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et oui, et puis j'oublie pas les résultats du clash de l'embrouille, je viens de les avoir. Qui a gagné le clash de l'embrouille? Très serré ce soir pour le clash de l'embrouille. Ah, c'est pas vrai. Et si, c'est serré. Les résultats donnent 50,7%. Ah bah c'est le premier clash de l'embrouille que tu gagnes, Romano. À Romano. Et voilà. Et 49,3 à Cédric. C'est même dans ton propre domaine, je te baise. Oui, bah on va dire que c'est une méforme, mais je laisse une chance à Cédric d'ici minuit. Déjà, il y a Pamela que tu pourras draguer, parce que Pamela vient nous voir en samedi soir. Ouais. Et puis, donc ça, c'est déjà une bonne étape. Ouais, je pense que t'as une touche en plus. Ouais, en plus. Je pense que je peux la serrer, ouais. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Et puis, clash de la drague, dans moins d'une heure, on se fait le clash de la drague. Ah bah voilà, ça va te faire deux défaites dans la même soirée. Ce sera un collector du clash à retrouver sur Skyrock. Un petit SCH tout de suite. Et puis attention, dans un instant on va parler cadeaux. C'est bien ça. Ah oui. Bon, vous bougez pas, restez sur Sky, c'est Radio Libre jusqu'à minuit. 100 places à gagner pour le premier stade en France de Rihanna. This is Rihanna. Le 15 juillet à l'Allianz Riviera de Nice. Dès que tu entends deux titres de Rihanna à la suite, envoie Rihanna au 720-20 Skyrock. Et gagne 5 places pour aller voir Rihanna en concert avec Skyrock. So you guys ready? Tes 5 places Rihanna à gagner au 720-20. 65 centimes plus coût d'un SMS. Hey, les nouvelles baskets en rouge, t'en penses quoi? J'avoue, elles sont stylées. Je te jure, j'arrive pas à me décider. Poste ta photo sur Yax, tu vas savoir direct si t'as le swag. Ah ouais, bonne idée, je fais ça direct. Ça y est, c'est posté. Regarde, il y a déjà plein de commentaires. Je t'ai dit, en rouge, elle déchire. Merci, le peuple Yax. Yax. Yax, l'appli qui répond à toutes tes questions. Pattaya, sa plage, sa mer, ses moines Shaolin. Et quand j'étais en prison dans une époque sombre de ma vie, j'ai eu l'honneur de rencontrer mon maître, Maître Gims. Pattaya, un film de Franck Gastambide. C'est qui tous ces gens, les petits cas ici, là? C'est des gens qui me vénèrent. Vous voulez qu'on les dégage si vous vénèrent ou... Pattaya, disponible en DVD, Blu-ray et VOD avec Skyrock. Skyrock. Ils n'osent pas. C'est mignon. Mais ça suffit. Envoyez qui au 73-400 et nos experts vous diront qui vous aime en secret. Qui, KI, au 73-400. Coup de pouce ou coup de frein? Vous saurez tout. Qui, au 73-400. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Bastille Day, le film d'action de l'été avec Idriss Elba et Richard Madden dans un duo explosif. Tu devrais peut-être essayer de te maîtriser. Je suis inconscient et irresponsable. Bastille Day, une course contre la montre en plein Paris. Vous ne pouvez pas débarquer, tirer dans le tas. Cet été, le feu d'artifice, c'est eux. Bastille Day, le 13 juillet au cinéma. Avec Skyrock. Le 36-92 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 36-92, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 36-92. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. Samuel se prépare à aller chez McDo, mais pour l'instant il est à la fenêtre. Il regarde une coccinelle. Elle est marrante. On dirait qu'elle se nettoie les antennes avec ses petites pattes. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. 6 points noirs, ça veut dire quoi, 6 en numérologie? Bref, Samuel se prépare à sortir pour aller chez McDo. Mais il n'est pas encore rendu, vu que là, il s'occupe de sa coccinelle. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit, ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. La radio libre de Difool, 21h minuit sur Skyrock. Oh oui, Marafa. On fire. C'est le S sur Sky. S-K-Y. Premier sur STH. Non, ouais, je la connais. Non, je la connais. Ouais, je la connais. Laisse tomber ta robe par terre. T'es nu, je reconnais mes torts. J'en déduis que t'es pas né d'hier. Je m'en parle en plus, c'est vrai qu'on manque de temps. C'est nous deux, c'est l'heure, nous deux, dans la pièce principale ou dans la salle de bain. Franchement, j'en ai rien à foutre. Je vois tes formes, tu tiens les rênes et t'aimes serrer fort. Pas brasser l'air. Achetons une grande ville à santé VA. Je la connais. Non, je la connais. Ouais, je la connais. Car je la connais. Non. Seulement sur Skyrock. Et la spéciale de l'été sur Skyrock jusqu'à minuit. Pamela, ouais, tout à l'heure. Le clash de la drague, tout à l'heure. Ah, on a des témoignages pour Médéric qui arrivent. Ah, des réactions aussi qui arrivent pour plein de trucs dont on a parlé depuis le début de l'émission. Restez bien dans le coin. On va faire un test. On va voir si Romano est normal aussi. Bah, je le suis, hein. Tout à fait. Non, c'est pas sûr. Pourquoi? Moi, je suis normaux. Non, alors Cédric, déjà on dit, quand on est normal, on dit je suis normal. Eh oui. Non, mais je suis pas normaux. Mais si, je suis normal. Cédric, t'es normal. Bon, alors, Non, on va voir si Romain est normal. Je dis Romano, excusez-moi. C'est... Tant mieux, c'est pas moi. C'est parce que tu dois avoir quelques problèmes. Oui, parce que Romain, il veut nous parler d'un truc. C'est marrant, c'est écrit Romain, je dis Romain. C'est bizarre. Un truc de dingue, ça. Ah oui, parce que c'est pas parce qu'il est pas normal, hein. Il est pas comme nous, c'est tout. Ouais. C'est tout simple. Bon, alors, on vous a demandé aussi si vous étiez déjà fait choper sur Facebook avec des photos un peu compromettantes. C'est pour toi, Médéric, parce que ta mère, elle surveille tout, ton téléphone, ton Facebook, ton Twitter, ta life, quoi. Ouais, c'est voilà, ça, exactement. En fait. Tout est traqué. Alors, genre, par exemple, tu sors avec une meuf, ta mère, elle est au courant, quoi. Exactement. Et elle te fait des remarques, elle te dit des trucs, elle fait quoi? Non, mais je dis juste si la meuf, elle est belle ou pas, quoi, c'est tout. D'accord, ouais, elle te fait pas chier à ce point. Non. Oh bah elle est moche. Oh là là, mais c'est qui c'est quoi? Tu vas me larguer ça tout de suite. Elle t'a déjà dit qu'elle était moche ta copine, non? Comment? Elle t'a jamais dit qu'elle était moche ta copine? Si, une fois, mais voilà. Imagine. Romano, elle te l'avait dit ta mère aussi pour. Comment s'appelait-elle déjà l'autre moche là? Gothique, voilà. Ouais, la gothique, ouais, elle aimait pas trop. Hein. Quoi, elle aimait pas. Parce qu'elle était. Tu sais, elle faisait pas sympa et tout. Elle avait dit, ouais, elle me plaît pas, quoi. Bah, elle était gothique aussi. Elle était en noir. Ouais, bon, en noir, elle sourit pas. Gueule, quoi. Ouais, bah, c'est une gothique. Elle faisait flipper. Oui, puis elle souriait pas, et ça, c'est clair. C'est clair, ouais, c'était pas mis sourire. Ah, non, c'est clair. Non, c'est clair. Bon, on aura Irène qui vient témoigner pour toi, là, dans un instant. Lui aussi, il est une daronne qui est pareil, je crois. Salut, Irène, de Paris. Salut, ouais. Comment ça va, Irène? Ouais, bien. Bon, tu nous explique-nous, Irène, puisque t'es déjà avec nous. Ouais. Pourquoi ta mère elle rentre trop dans ta vie et qu'est-ce que t'as comme conseil à donner peut-être à Médéric là? Bah en fait tu vois tout avant c'était je venais de l'école et elle me disait de poser mon téléphone tout le temps sur la table et elle me disait de monter dans ma chambre et en fait tous les jours elle vérifiait mon téléphone tu vois. C'est ouf ça, je savais pas qu'il y avait des darons qui faisaient ça. Ah ouais c'est dingue hein. Moi je serais daronne par exemple. Et genre je ferais pas. Une fois que j'avais terminé mes devoirs. Et à chaque fois elle m'appelait, elle disait ouais t'as fait ça, je vais t'interdire ce pote et tout ça. Ah, c'est relou, hein. Ah, tu m'étonnes. Oh, moi, je serais daron quand même. Bon, je dis pas que je fouillerais tout, tu vois, les photos, tout ça, mais je regarderais quand même. Ouais, tu surveilles un petit ouais, peu. Ouais, un minimum, quoi. Parce que c'est vrai que, genre, les trucs Facebook, il y a quand même des tordus là-dessus. Sur le net, ouais. Ouais, mais vaut mieux avoir une discussion avec ton fils. Facebook, à chaque fois, genre, une fois que j'avais parlé mal sur Facebook, elle me disait, t'as plus le droit de jouer à la console pendant une semaine, t'as plus le droit de sortir ce jour. T'as même plus le droit de parler mal sur Facebook. J'hallucine. Non, c'est vrai. Ouais. Allô, quoi. Tu te fais punir parce que tu parles mal dans la vie. J'ai trouvé un moyen, tu vois. C'est quoi? Et j'ai breaké mon iPhone. C'est bien avec les iPhones. Ouais. Et en fait, j'ai téléchargé une appli où ça bloque les autres applications. Ouais, c'est ce qu'on disait. Alors, c'est quoi l'appli? Ça met un code et si tu rates les trois codes, en fait, le téléphone il se bloque et il n'y a que toi qui peux le débloquer. Alors, qu'est-ce que c'est l'appli? Bah, l'appli, je m'en souviens plus trop, mais sur YouTube, tu la trouveras facilement. Ah merde, on cherche dans Google. Ouais, mais pour ton appli là, toi, il faut que le téléphone il soit craqué. Il faut qu'il soit craqué, mais c'est simple. Je suis sûr qu'il y en a forcément. Je vais aller voir ça sur le profil. Il y a l'appli SimLocker, ça met un mot de passe sur les applis que tu veux. Ouais, mais tout ça, ouais, voilà, c'est SimLocker, mais c'est merci Quentin. C'est son iPhone, c'est ça en fait. Merci Quentin, merci Aïda aussi qui nous a dit il y a SimLocker, donc ça doit être ça. Il y a plusieurs qui le disent. Il faut le débriquer, c'est simple, tu vois. Après, franchement, moi ça m'a aidé, c'est plus mêlé. Voilà, très bien, ça dit non. Ma mère m'a vu à poil, j'avais trop la honte. Il faut pas laisser traîner les photos. Surtout si la mère fouille, il faut pas laisser traîner les photos. Surtout si quelqu'un t'a pris en photo à poil, ça veut dire que t'étais déjà à poil devant quelqu'un, donc c'est pas génial. C'est vrai, Marie, ça. C'est pas top. C'est genre, des fois, quand je prenais des douches, elle ouvrait la porte brusquement pour voir ce que je faisais. Oui, bah écoute, en général, dans la douche, tu te douches. Alors tu te branles. Il faut une discussion avec votre mère, là, faut leur dire. Ouais, non. Moi je lui ai parlé, j'ai dit maman, c'est bon, tu vois, ouais, j'en ai gamin, marre. Tu sais, tu connais les dangers du net, enfin j'espère. Ouais, puis tu peux me faire confiance, ça va, je suis pas fou. Tu vois, tu peux lui dire aussi, fais-moi un peu confiance, tu verras bien qu'il y aura pas de problème. Eh viens, on va boire un coup, maman. Sinon, avec mon ancien téléphone, j'en étais arrivé à le casser. Voilà, donc ça c'était la solution de Samy, c'est-à-dire d'abandonner tous les téléphones. Voilà, t'as plus de téléphone, comme ça t'as plus de problème. Sacrifie le truc. Dans la merde après, tiens. Ah ouais, ben là j'ai trouvé une appli là. C'est quoi? Alors ouais putain, par contre les noms il faut suivre hein. Vas-y. Alors là c'est une appli pour donc cacher pour... les applis que tu veux cacher. Ouais, là c'est pour précisément c'est pour cacher les photos, les vidéos, les messages. Mmh. Ouais ouais. C'est NQ. NQ. Plus loin mobile. C U L. Hein? C U L. Non, Q comme la lettre Q. Très bien. Le O avec un bâton. D'accord. NQ. Le bâton à droite en bas. Hein. Plus loin mobile M O B I L E. Tu notes bien. Plus loin, Volt, V, AULT. Ouais, bah ouais, mais ça, c'est celle que je disais tout à l'heure. Ah, c'est... ah, mais t'avais pas dit le nom. Ouais, moi j'ai Photo Volt, c'est pareil, tu vois. Ouais, et en fait. Mais ça marche sur Android, ce truc ou pas? Je sais pas. Ah, là, par contre, ah merde, j'ai regardé sur iPhone. Attends, je vais aller regarder. Et celle-là, en fait, bon, après, t'as une option à 1,99€. Et en fait, s'il y a quelqu'un qui tente de regarder les photos, ça le prend en photo. Ah, ta mère, elle va c'est marrant. Ça. Mais par contre, il faut l'acheter. Payer, ouais. Ouais, c'est un truc premium. En fait, quand quelqu'un touche à ton téléphone, ça prend une photo, donc tu vois qui a touché. Ah ouais. C'est bien ça. C'est bien ce truc-là. Bon. Bravo Romano. Ouais, ouais, félicitations. Ouais, ouais. Tu vas avoir le droit de faire la coupe à Cédric là maintenant. Ouais, ouais. Bon, merci Eren. Merci du coup de fil d'avoir. Ouais. Je peux passer une dédicace? Vas-y, petite dédicace. Dédicace à tous les écoles Paul Verlaine, à Raouf, Ahmed, Well et tout ça, à toutes les personnes qui sont reconnues, et voilà. Eh ben, merci à toi pour le, ciao, pour le coup de fil. Alors, on s'occupe, tiens, on va faire un petit truc, là. Je vais vous demander, là, on parle de vengeance de cocu. Ouais. Est-ce qu'il faut se venger quand on est cocu? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des témoignages pour ça? Et donc, est-ce qu'il faut se venger? On va faire un petit sondage express. Allez, sondage express. Ça sert à rien, moi. De se venger? Bah ouais. Bon, alors, est-ce que c'est bien de se venger? Et si oui, on attend bien sûr toutes vos méthodes de vengeance. Eh ben oui. Les pires, bien sûr. Il doit y en avoir un paquet. Oui, je suis sûr que vous êtes validé là-dessus. Bien pervers. C'est par rapport à Toine qu'on a eu tout à l'heure en début d'émission, qui est sorti avec une meuf et qui lui a expliqué, la meuf, qu'elle était tombée amoureuse d'un autre mec. Comme ça, de but en blanc. Voilà. Qu'elle avait rencontré sur le net, vous imaginez la story en plus. C'est ça, qu'elle va rencontrer cet été, en gros, qu'elle va se taper cet été. Qu'elle voilà, panique. Voilà. Elle est prévenue. Donc, il y en a qui avaient dit qu'il fallait se venger, donc il y a eu des témoignages, et on voudrait donc vous demander. Ouais, moi je m'étais vengé. Vengé méchamment d'ailleurs de Pokipu. Ouais, Pokipu, non, moi c'était surtout des potes, tu sais, qui se vengeaient pour moi, quoi. Il y avait le pote là qui se trimbalait avec une corde de pendu et qui lui montrait. Le célèbre, et vous avez. Ah oui. Qui lui montrait, qui lui squatte devant la gueule, tu vois. Il passait devant elle et il sentait sa corde. Ouais, ouais, mais il l'avait toujours sur l'épaule, tu vois. Et elle faisait quelle gueule? Il avait... Bah, t'es tiré la gueule. Le mec s'est baladé pendant combien de temps avec une corde de pendu sur l'épaule? Je sais pas, ça a bien duré un mois. Il y a aucun, je sais pas, il y a pas un pion qui lui a dit un truc? Non, mais personne disait rien. Non, parce que tu sais, il faisait ça aux intercours, tu vois. Genre, on se déplaçait de salle et forcément, on arrivait, qu'on l'a croisé. À ce moment-là, il la sortait de son sac et il lui squattait devant la gueule. Elle savait que c'était à cause de toi? Ah, bah oui, bah elle savait. C'était un de mes meilleurs potes, donc, puis moi, souvent, j'étais à côté, donc je riais, tu vois. Et elle était en batte, quoi. Même ses potes à elle, ils riaient, quoi. Ils riaient. Donc, elle, c'était la risée. Voilà, tu t'es vengé. Non, mais après, ouais, ça. Mais ça te faisait rire. Non, mais sur le moment, ça soulage. Après, au final, bon, c'est vrai que ça sert pas à grand chose. Non, mais ça sert à rien. Non, mais c'est vrai que sur le moment, ça soulage. C'est facile à dire quand on se met pas dans la position. Imagine, ouais. Marie, ton mec te fait cocu. Bah, là, ouais, tiens, là, actuellement, il est en train de te faire cocu. Il est en train de te faire cocu. Non. Ah, bah, c'est pas grave, il l'est aussi. Ah, ça va alors. Donc, comment tu te venges? Tu le fais cocu? Ah, mais moi, je me venge pas. Bah, si, tu fais cocu. Ah, non, mais moi, je me venge pas. Moi, genre de truc, franchement. Non, mais moi, tu vois, apporter trop, donner trop d'attention à ce genre de choses. Ah, mais ça me fait du bien à la tête. Tu ne m'intéresses pas, Marie. Romano. De quoi? Bon, admettons, Pépine, ta copine. Comment elle va, Pépine? Bah, ça va, tranquille, elle est avec son grand chien. Comment il va, le grand chien? Bah, il est content, il a un nouveau coussin là. Très bien. On lui a fait faire un coussin sur mesure. Ah ouais. Vous avez fait faire un coussin sur mesure au chien? Bah ouais, parce qu'en fait j'ai fait faire des rideaux. Oui. Et dans le magasin où on a été, il y avait des coussins. Elle me fait ouais, j'en veux un pour le chien. Donc j'ai dit vas-y, fais faire un coussin. Comme je suis trop généreux, royal quoi. Bon, ça va, il a pas coûté trop cher. Non, ça va, franchement, il a coûté. J'ai même halluciné sur le prix. Quoi, bon, viens lâcher ça pour un coussin à 30 euros. Hein. Ah, quand même? Oui. Ah, oui, quand même. Non, mais tu sais, je me suis dit. Tu pensais que sur mesure, ce serait encore plus cher. Non, mais je me suis dit, ouais, vas-y, parce que le coussin, il est bien gros quoi. L'autre matin, je suis arrivé, il m'a même pas remarqué, il était sur le dos, les couilles à l'air, les jambes écartées, et il baillait comme ça. Bon, il est content de son coussin. Donc, ta meuf, Pépine. Ouais. Elle, bah voilà, actuellement, elle est avec un homme et son chien. Ah non, mais l'homme, il a un chien. Bon, donc, en gros, t'es cocu, Romano. Ouais. Bon, t'as envie de te venger ou pas? Ah, mais moi, j'ai fait la misère. Ah, vous avez vu qu'il est vengeur? Ah, j'ai fait la misère. Il est vengeur. Non, mais déjà, c'est le vengeur à lunettes, on l'appelle comme ça. Le vengeur masqué. Ce qui est clair, c'est que ces affaires, je me fais un plaisir de les foutre dans un sac poubelle, tu vois. Donc, tu réponds oui à mon sondage. Ah, bah, bien sûr. Bah, ah, il répond même. Ah, t'as fait une case à bas, bien sûr, pour mon sondage express. Non, mais. Est-ce qu'il faut se venger ou pas? Donc, oui à bas, bien sûr. Non, mais je t'ai dit, au final, avec du recul, ça sert à rien, mais sur le moment, c'est qui s'occule? Personne. Non, je recule. Moi, je sais que ça m'avait, avec Pokipus, ça m'avait fait du bien, tu vois. Ça m'avait aidé à m'en remettre. Tu sais que j'aurais bien aimé voir char, ça, ça m'aurait fait gueule. La meuf, ouais. La meuf, mais non, mais même, je me souviens plus, mais je sais que mes potes, ils lui faisaient la misère, tu sais. Bon, après, la, bon, ils se faisaient traiter aussi, mais moi, je sais pas, je riais. Donc, oui, tu te venges. Samy. Non, moi, écoute, je me venge pas parce que, tu vois, je pense que. Mais non, je t'explique pourquoi. Parce que après, sur le coup, comme tu dis, ça te fait soulage, du bien. Mais après, en fait, tu lui donnes une raison de vraiment te détester pour quelque chose, et moi, j'aime pas cette sensation-là de, tu vois. Je préfère, moi, zapper. D'accord. Ouais, bah, moi, j'ai une bonne raison pour pas venir me revendre. Moi, j'ai qu'un souhait, c'est qu'elle me haïsse. Quoi. Non, justement, parce que le meilleur truc, le meilleur truc, c'est garder le bon rôle et que la meuf, elle regrette après toute sa vie, elle regrette, elle fait merde, il m'avait rien fait. Moi, je serais un peu plus comme Romano, mais je ne me venge jamais. Moi, je me venge et je les plus de l'opération, c'est qu'elle me déteste. Non, moi, je méprise. Je me venge. Je vais être son pire cauchemar. Ah, moi, je sais pas. Envoie lui des photos, tout simplement. Des photos de Cédric, bien sûr. Bon, alors, vengeance ou pas? Allez, indifférent. Dites-nous, on y revient, dans un instant. Non, mais c'est dur, quand même, d'être indifférent. Ah, franchement, moi, je me venge, t'es fou. Ouais, ouais, c'est dur. Qu'est-ce que tu fais comme vengeance, Cédric? Moi, je me laisse aller, moi. La misère. Mais t'as déjà eu dans ta vraie vie? Une meuf qui me fait cocu, ouais. Oh bah. Et t'as dérangé? Non, mais c'est la première fois que ça m'arrivait. Donc au début, j'étais comme un con, j'ai pardonné, tu vois. Mais là, aujourd'hui, une meuf, elle me fait cocu, mais je la jette en l'air, mais t'as même pas aidé. Mais non, mais on parle de vengeance. Mais me venger, oui, je trouve un moyen de me venger. Je fais mais quel moyen? Bah, je sais pas, je fous son numéro, par exemple, sur Internet, sur des réseaux, par exemple. Comme ça, elle porte plainte, elle te fait un procès au cul et lui donne de l'oseille. Non, je fais d'un Cédric. Non, mais je fais d'un. Non, à la limite, ce que tu fais, tu peux le mettre dans des stations, genre sur les aires d'autoroute. Non, ce que j'ai déjà fait, c'est genre, je suis, c'est son numéro. Tu vois, dans les chutes d'un McDo. Ouais, non, mais là, moi, c'est moins grillé que sur le net. On peut pas t'en. Sur le net, tu vas avoir un procès. Non, mais ouais, gros, c'est trop grillé sur le net. Tu fais un cybercafé avec une adresse. C'est Cédric qui vous dit ça, il est déjà vu à payer. Combien t'as eu à payer? 2000 balles. C'est pas sur Internet. Pour un jour, il va en garder un harcèlement. Oui, parce que j'ai harcelé la meuf de mon téléphone. 2000 balles. 2000 euros. Oui, 2000 balles. Plus ses frais d'avocat, ouais, t'étais à 3000 balles. Ouais, 3000. Bon, un peu plus même. Donc ne suivez pas les conseils. 4000, allez, 4000 balles. Bah, gros, mais c'est dit, sur les aires d'autoroute, c'est le meilleur plan. Puis, j'ai fait sur un McDo, je me suis jamais fait griller d'ailleurs. J'ai mis le numéro d'un mec qui me cassait les couilles. Bon, là, c'était mon mec, il m'avait fait mon coup. Non, rien à voir. J'ai mis ton ex-cum. Le mec se faisait harceler, il a pas compris pourquoi. Moi, ça me faisait bien rire d'ailleurs. Ça m'a bien fait rire, il a dû changer de numéro, j'ai plus jamais de nouvelles. Bon, bah écoutez, on prend vos réactions là. Ça défile là. Je vous dis rien, on a les résultats du sondage. Et ce con, c'est vrai qu'il le dit ici, comme ça le mec il va venir t'attendre en bas de corriger. Ce qui est marrant là-dedans, c'est que quand tu fais. Cédric, demain, ne sera pas là, il se regarde à vue. Non, parce que le mec il savait pas, tu vois, il savait pas que c'est moi, donc il était paranoïaque. Ah, mais maintenant là, il le sait, là, tu le dis, gros con. Ah ouais, longtemps. Oh merde alors. C'était longtemps, quoi, d'ici que le mec s'en rende compte aujourd'hui. On m'entend. Bah, complètement paranoïaque. Non, ça passe sous. Bah, c'est pas ça la radio. C'est-à-dire, le mec était complètement parano, tu vois. Donc, du coup, il savait pas qui c'était. Il osait donner son numéro à plus personne, tu vois. Bon, les vengeurs, là, les vengeuses, les messages qui défilent, on prend les résultats et on vous donne les résultats du sondage express, là. Sondage express. Mais juste avant, on va prendre Romain, qui est au téléphone avec nous et qui nous a laissé un message. Romain, qui est dans le 92. Ouais. Et qui se demande, il est où son message? Ah, est-ce que je suis normal? Eh bien, écoute, ça tombe bien, Romain, parce que moi-même, je me demande si tous mes amis sont normaux. Ah, bah, Cédric, je te confirme que non. Ah, tu te poses la question sur Cédric, toi. Ah non, moi je me la pose plus, moi. Cédric et Romano. Ça y est, j'ai fait vos diagnostics. Tu n'es pas normal. Bah, je suis tout à fait normal. Non, mais t'es fait en pièces détachées, mal foutite. T'es fait en pièces détachées. Non, mais il y a rien qui va. Tu vois, tes yeux, ça va pas avec ton visage, ça va pas avec ta bouche. Qu'est-ce que tu parles ? Ce matin, elle avait les dents qui se déboîtaient, il parlait avec moi. Ah oui, ce matin, Romano, comment elle va ta dent que t'as perdue ? Non, en fait, je me suis, tu sais, frotté les dents sans faire exprès, tu vois. Et j'ai cru que je m'étais pété une dent, mais non, en fait, rien du tout. Tes dents en 3000 euros. Tes dents en plastique sont là. Ouais, elles sont toujours là. Hop là. J'ai remis en place un coup de colle et puis c'est reparti. Donc, je voudrais savoir si t'es normal, dit Romain. Vous êtes déjà posé cette question, Marie? Tu t'es déjà demandé si t'étais normal? Non. Non, t'es normal. Ouais. On va dire ça comme ça. Cédric, tu t'es déjà demandé si t'étais normal? Ouais, mais je suis tout à fait normal, ma gueule. T'as des amis anormaux, non? Ouais, j'en ai un petit, il est bizarre, il est petit, il est chaud. Difforme? Il a des dents en plastique, surtout. Ah, c'est pas normal pour un mec de son âge, j'ai envie de te dire. Moi j'ai que 21 ans, sois pas jaloux parce que t'en as 48. Ouais, bah ouais, au moins. Là, t'as vu, en plus, il a un problème, il arrive pas à savoir quel âge j'ai. Bah si, 48. Il a des problèmes de cerveau. C'est quel âge il a, mémoire. Moi j'ai 21, oui. Ah, voilà, bah ouais. Alors pourquoi il se sent pas normal, Romain? On va essayer de vous faire découvrir. C'est physiquement? C'est une attitude qu'il a. C'est pas physiquement, donc c'est pas un problème physique. On aurait pu l'aider là-dessus. Dans l'équipe, on a aucun problème. On a aucun problème pour aider pour les problèmes physiques. Oui, c'est ça, oui. On a tellement des problèmes. Plutôt, oui. Alors, donc, c'est pas un problème physique. C'est un problème d'attitude, de comportement, attitude, c'est pas comportement. Tiens, vous pouvez jouer avec nous, vous pouvez nous dire. Il se prend pour une bête. Il se prend pour une bête. Ouais, comme le daron tout à l'heure, il est aigri un peu tout le temps. Il se prend pour une bête, il est aigri tout le temps. Non. Qu'est-ce que tu entends par il se prend pour une bête? Tu as des amis qui se prennent pour des bêtes? Bah Cédric. Encore Cédric. Non mais il quand il mange. Quand je mange, je mange. C'est vrai que là-dessus. Merci de témoigner, merci. Tu dégoûtes quand tu manges. Ah ouais, tu bouffes. Tu es un chien, gros. Et encore, même mon chien il bouffe plus proprement. Tu manges et tu respires en même temps. Non mais en fait, je vais pas arrêter de respirer quand je mange, connard. Non mais c'est pas comme ça qu'on mange. On mange, on mâche, on avale. Non mais le problème qu'il y a, c'est que Cédric, en fait, il mange pas par bouchée, c'est qu'il se remplit la gueule. Il a le plat dans la bouche. Oh, et après, c'est pas du coup, t'arrives plus à respirer. Ta gueule. Non, mais faut expliquer. C'est quand je mange pendant l'émission, tu sais, je suis pressé, tu vois. Même pas pendant l'émission. Si, ouais, tu manges toujours comme ça. Bah, quand je mangeais avec toi au restaurant Romano, je sais pas manger tranquillement. Moi, la dernière fois, c'est. Oh, quel mytho. Ah, quel mytho, déjà. Le plat est pas arrivé, il a fini le pain déjà. Ouais, le pain. Non, trois corbeilles de pain, s'il te plaît. Donc, le premier pain arrive, le mec se faisait des tartines de beurre. Bon, là, j'avais faim. Et le mec faisait chier le serveur, tu t'es. Bon, là, il y a plus de pain. La crème fraîche. Bah, excuse-moi, le mec qui met du temps à me ramener mon plat. Bon, là, bah ouais, bah t'as bien 5 minutes. Et puis c'est compris dans le plat, non ? T'es pas tout seul dans le resto. C'est compris dans l'addition, ça va. Ouais, non, mais là, de bouffer 10 tartines de beurre avant de me bouffer l'entrée, bon. C'est vrai que. Alors, s'il se trouve pas normal, c'est pas parce qu'il se prend pour une bête ou qu'il a des attitudes bestiales du tout. Est-ce que c'est un truc sexuel ? Alors, justement, Rome du 4, non, du 28 qui nous dit il est tout le temps excité. Non. Il se branle tout le temps, là, c'est pour Zacho sur SMS. Non plus. Il joue avec son trou. Il joue avec son trou. Lequel trou? Parce qu'on a plusieurs trous. Regarde, là, j'ai un trou dans le nez, là. Ah, sacré, ouais. Quoi, sacré? Ah, putain, t'as des gros trous de nez, toi. Comment j'ai des gros trous de nez? Bah, c'est proportionnel au nez, quoi. Ah, ouais, putain, mais c'est impressionnant. Imagine qu'il ait des tout petits trous de nez. Non, mais laisse tomber, il faut quasiment mon doigt. Ouais, mon poing. Bah, t'as des tout petits doigts aussi. Ouais, mais regarde ça. Bah, quoi, il rentre. Ah, non, plus de ton doigt. Non, mais c'est. Il joue avec son trou de balle, peut-être. Il joue avec son trou de balle. Eh bien, Romano. Alors il pense à des mecs. Non mais il s'autosuce. Alors attendez, je suis débordé par les réponses parce qu'on me dit également il se trouve gay. Mais t'es normal quand t'es gay, Alan, c'est juste une sexualité. Ouais, après, non mais là il joue avec son trou de balle. Non. Non, moi je disais il est hétéro mais il pense à des mecs, tu vois, pour s'exciter. Non. Il se lèche le cul, bah il est sourd. Il se lèche le cul, mais comment il fait, comme ton chien? Ouais, chien, il se lèche le cul. Ah bah ouais. Il se lèche le cul, c'est fou ça. Ouais, le cul la bite. Et après il te fait des bisous sur ton crâne. Ouais. Il te lèche ton crâne. C'est mignon. Ouais, ouais, ouais. Et il pue de la gueule. Oh bah c'est normal, c'est son cul. Hein. Ah ouais. Si tu te lâchais le cul, Romano, tu saches que tu pourrais de la gueule. Ah bah sans doute, ouais. Peut-être même la merde. Mais oui, c'est possible. Voilà. Bon, c'est pas loin du trou de balle alors. Non, mais il y a un petit rapport avec le trou de balle, entre autres. Hein. Il se branle et il se doite. Non, il a des tics. Non, il parle tout seul, nous dit Romain. Non. Il a des problèmes de confiance. Non. Il a des tics. Il chie pas beaucoup. Non. Non, genre, il chie une fois par semaine, quoi. Non, il est trop... où il a tout le temps la chiasse. Comme Cédric. Ouais. Non. Bah, tu sais que ça me le fait, moi, en ce moment. Déjà, la chiasse. T'as moins la chiasse. Ah, mais grave, ça fait super longtemps. Romano, il a plus la chiasse que moi, en ce moment. Ça fait quoi? Ça fait depuis le week-end. Non. Non, mais moi, ça va, hein, mis à part lundi matin. En fait, lundi matin, c'était même pas la chiasse que j'avais. C'était que j'avais bouffé tellement de choux que je me suis complètement vidé l'intestin. Lundi, t'étais mal. La semaine dernière, t'étais mal. La semaine dernière, non? Si le matin pour l'émission tu t'es sauvé aux chiottes. Mais écoute, c'est pas ça, c'est pas un problème de transit. Non, mais des fois j'ai une grosse envie de chier, je suis pas liquide. Oh, hein. On parle de caca tous les soirs. Bah oui, Marie. Je sais pas si vous avez remarqué, mais. Bah tu sais que tu fais caca tous les jours. Ouais, c'est vrai. Il y a un mec qui le font plusieurs fois par jour. C'est vrai. Bon, il n'y en a pas qui ont trouvé, je regarde les messages qui défilent depuis tout à l'heure, on dit il a un petit pénis. Il y a un ami qui a ça aussi, c'est rigolo. Il s'épile l'anus. Non, il s'épile pas l'anus. Non, il y a un comportement, il fait un truc qu'il trouve bizarre. C'est vrai que quand je vais vous raconter, vous avez trouvé ça bizarre, peut-être vous aussi, et pourtant vous faites peut-être partie des gens qui le font, et peut-être même dans l'équipe il y en a qui le font. Il sent les doigts après avoir touché son cul. Ah non, wow, pas mal Romano. Oui, entre autres. Et puis il lèche. Non. Il l'a pas écrit. Tu vas loin là. Peut-être, mais il l'a pas dit. Non, il a pas dit qu'il léchait. Je sais pas, il se pète sur les doigts. Il y a ça aussi. Pète sur les doigts. Ouais. Et il sent. Ouais. Il met la main en creux et il sent le paix. Ouais, voilà ça. Alors, donc, dégoûte, il se met la main entre les fesses et il sent les doigts et puis. Bah, je sais pas, il se met des doigts, moi. Non, bah, y a pas que le trou du cul, Romano. Et pareil avec la bite. Les caleçons, ouais. Il touche sa bite et il sent les doigts. Il se met la main sous les couilles et il sent les doigts. Il dit que ça sent le saucisson, d'ailleurs. Le saucisson. Oui, J'en voudrais bien quelques rondelles. C'est bizarre, quand même. Et puis. Bah, les caleçons, il sent ses caleçons. Je sais pas, il goûte son sperme. Ouais, il sent ses. Non, il goûte pas son sperme. Il sent ses caleçons, oui. Ouais, bon, ça, bon. Il goûte sa pisse. Ses chaussettes aussi. Ah ouais? Et il fait la même chose sur ses pieds. Il dit, par exemple, j'aime bien sentir mes odeurs. Je mets ma main sur mes pieds, entre les orteils, et je sens après. Je préfère quand il y a un peu des odeurs. J'aime bien aussi sentir sous mes couilles et sentir aussi ma raie du cul. Et voilà, j'ai du plaisir à sentir mes odeurs. Est-ce que c'est normal? Voilà la question que se pose Roma ce soir. Ah bah c'est bizarre quand même. Tu te sens pas tes odeurs, Marie ? Non, je jamais tu te mets un petit doigt pour savoir si t'es fraîche ? Bah. Ah pour si. Savoir si t'es fraîche. Eh ben voilà, tu vois, tu le fais aussi. Oui, non mais c'est hyper rare que ça m'arrive. Oui. Hein. Attends, là, si je suis fraîche, t'as... Ouais. Oula, ouhou. Non mais en sortant de soirée, par exemple, bon. Je te dis en sortant de soirée, on dirait. Non, ça va, je suis fraîche, moi. J'ai la culotte qui sent le pipi. Mais quel est l'intérêt de faire ça? Poissonnerie. Non, mais quand tu rentres avec quelqu'un. Ah ouais, avant de te faire bouille, tu veux. Voilà, ouais, c'est ça. Oh là là. Tu fais pareil dans les fesses? Non. Je vais voir si je suis, net. Mais genre, tu sens, tu mets un doigt comme ça ou tu rentres un doigt carrément? Mais je rentre pas un doigt, t'es malade ou quoi? T'es fou. Ouais, tu touches les lèvres et. Et discrètement, tu passes sous les lèvres de la chatte, ouais. Oui, parce que tu faisais un geste sur les. Non. Non mais ouais, tu tu fais ce que tu veux, Marie. Moi, ça me gêne pas. Non mais voilà, je te le dis comme bon. Ça t'es informé. Non mais moi me sentir le cul, ouais, ça m'arrive, je sais pas, j'aime bien même la bite, cul, tu vois. Ah, tu te sens la bite. Tu sais quand je me branle, j'aime bien me sentir la bite. Tu te sens la main? Tu fais comme ça? Ouais, je sais pas, ça m'excite quoi. Mais ça sent quoi? Bah ça sent bien la bite. Et la bite quoi? Non mais pas c'est ça, chelou toi, mais pas spécialement ça, mais pas spécialement sale, mais je sais pas, ça m'excite quoi. Plus elle fait de la désodeur, plus elle t'excite. Non mais après il y a des limites, tu vois, si elle pue vraiment, ça m'excite plus quoi. Mais souvent tu sais, je me branle, je me sens un peu les doigts et je me rebranle. Et t'es content? Ouais bah je sais pas, ça me fait bander dur moi. Bon alors vous voulez réagir pour Romain? Cédric il sent le cul, bon lui on le voit plus, on a plus qu'à l'enterrer. Bah non, ça m'est déjà arrivé, tu accroches. Mais tu passes la soirée à te gratter le cul là ces temps-ci. Il y a quoi dans ton cul? Ouais c'est vrai, tu veux venir voir ce qu'il y a. Tu sens tes doigts après ou pas? Non pas là tu vois, mais ah pas là, mais sinon ça t'arrive. Non mais ça m'est déjà arrivé. Ah bah dis donc, t'as pas peur? Avec les trous du cul, je le ferai pas. Mais sentir le cul gros, je te jure. Sur ma tête, j'ai fumé. Tiens, on l'a déjà fait. Fais gaffe Cédric, tu vas y rester un jour. Tu t'es déjà senti le cul du foule? Mais sentir le cul, mais je peux pas, je suis pas assez souple. Non mais tiens. Non mais tu comme ça, jamais je ferai ça. Ah moi je sais pas, moi je peux jamais. Tu veux le sentir? Tu veux le sentir? Ouais, allez. Alors je mets mon doigt. Bon, on fait l'expérience dans un instant. Tous les soirs. 10 full radio libre, 21h minuit sur Skyrock. Tu l'as découvert dans Planète Rap sur Skyrock. Je me présente en chantant, c'est Sadek. Sadek, le rappeur du 9-3, débarque dans l'émission rap de référence. C'est avec Sadek dans Planète Rap, Y'a pire que la mort. Projet à dévoiler en direct et en freestyle toute la semaine dans Planète Rap. C'est Planète Rap Sadek. Tous les soirs de 20h à 21h avec Fred sur Skyrock, sur les réseaux sociaux et en vidéo live sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Planète Rap. L'émission rap numéro 1 en France. Cet été, Skyrock et Géant Casino passent à l'heure brésilienne et t'invitent à un événement exceptionnel. Un barbecue géant sur la Côte d'Azur, ambiancé par Ritza. Un après-midi de fête aux couleurs du Brésil, offert par Géant Casino et réservé aux auditeurs de Skyrock. Pour participer, rends-toi sur skyrock.fm/géantbrésil et tente de gagner tes places. Le plus gros barbecue brésilien de l'été avec Ritza, c'est maintenant sur skyrock.fm avec les magasins Géant Casino. Le 36 92 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 36 92, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 36 92. C'est très simple et surtout rapide. Télon, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. Concert. Skyrock. Yeah, yeah. Bitch, but I have my money. Vous l'avez attendu, le moment est venu. Rihanna, la tournée des stades en France avec Skyrock. Le 15 juillet à l'Alliance Riviera de Nice, le 19 au Grand Stade de Lyon, le 23 au Stade Pierre-Mauroy de Lille et le 30 juillet au Stade de France à Paris. The Anti-World Tour avec Skyrock, avec la participation exceptionnelle de Big Sean en première partie. Les premières places sont déjà en vente sur livenation.fr. Plus d'infos sur rihannanow.com. Sophie se prépare pour aller chez McDo, mais pour l'instant, elle est sur le balcon. Elle regarde le ciel. On voit bien les étoiles ce soir. On en voit plein. D'ailleurs, combien on en voit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, j'ai déjà compté celle-là, bon, je recommence. Bref, Sophie se prépare à sortir pour aller chez McDo, mais elle n'est pas encore rendue, vu que pour l'instant, elle compte les étoiles dans le ciel. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. La fin du célibat approche. Il te manque plus qu'à télécharger Smax et créer ton super profil. Réveille-toi, l'amour est sur Smax. Un mec te plaît, Smax-le. Ou une nana te plaît, Smax-la. Stop à la timidité, fais le premier pas. Smax, l'application qui garantit la fin des soirées ennuyeuses. une radio libre. 21h minuit sur Skyrock. I got broads in Atlanta, just at the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting no licks in the van. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, way and see, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out for granted. Then they pull up your bandit. Killers understand me. I got broads in Atlanta, twisted to lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, family, way see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacy, family, way see, family. Package full, Danny, selling ball, candy. Man had the macho like Randy, the chopper go out for granted. Then they pull up your bandit. Hope the killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, twisted up leaning street, sipping Fanta. Credit cards in the scammers, wake up beside you, shoot, let designer. Over to Laddie shoot, they be acting rent, I know we clavish you. I be pulling my stuff in the finest shoe. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I tried to shoot. Plagasics, Fanta, why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the Fanta, no niggas, they come and kill you on the comic. But Broly is dancing bigger than the panic, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and get it. I got niggas, discount for digits, say you. Make you a lot of money. No some killers pull off in the end of baby. CTDD pull off in the killer baby. Call a filler, fill up, gon' fill it, baby. Lips up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I flood the bombs when he spinning it. Bobby, you trending. Chop the dawn, doing business. In the brave, doing the fool, and I'm doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, twisted to lean the fan. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, fan. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, fan. Why is he panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man had the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then he could pull up your band. Killers understand me. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Et c'est reparti sur Skyrock, attention, jusqu'à minuit, dernière heure de la radio libre. Et un bravo à nos amis portugais. Ils ont gagné. Vous êtes les champions. Champion. On l'a dans le cul. On est dans le cul, mais bon. Bravo le Portugal. Un beau, bel euro. Vous avez bien joué, vous avez battu. Bah oui, c'est la vie. À la loyale. Exactement. On est bien dégoûté. J'ai envie de dire, c'est le football qui ressort. C'est un football. Oui. C'est ça. Non, mais... vive un Portugal. Bah. Vous avez vu comme on est pessimiste, les Français. Tout le monde disait l'euro. Non, mais c'est bien final. Attends. Tout s'est bien passé. On finit en finale, ça va. Bon, tout s'est bien passé, sauf à la fin. Bon, bravo les Portugais. Allez, jusqu'à minuit, la radio libre de l'été qui continue. Attention, attention. Jusqu'à minuit, ils animent la plus grande radio libre de France. Difool, Romano, Marie, Cédric, Momo, Samy et Karim. Toi aussi. Viens nous rejoindre sur Skyrock. Allez, jusqu'à minuit, il va s'en passer des choses. Grosse soirée spéciale ce soir sur Skyrock avec tout à l'heure un clash de l'embrouille magnifique. Bravo les deux. Bravo les mannes. J'aurais bien fait les gagner, mais bon. Avec dans un instant le clash de la drague en nocturne ce soir. Ouais. Clash de la drague avec les deux mêmes. On reprend Romano et Cédric. Petite sélection de famille. Ah, je vous aime. Et on va voir ce que ça va donner. Oh, qu'est-ce que je fais. Ah, combat ratin, c'est bon. Et puis aussi Pamela qui viendra nous voir tout à l'heure. Oui, je vote Romano. Mais bien sûr. Après un début en fanfare tout à l'heure à 21h. Ah, j'ai eu Guy le Bourguignon, formidable. Ah ouais, ton chéri. Pamela is back. Yes. Et puis on va faire les résultats. Ah oui, pour notre sondage vengeance. Là. Ah oui, sondage express. Là. Enfin, sondage express sur la vengeance. Est-ce que vous vous êtes déjà vengé? Plein de messages que vous nous laissez sur SMS. Là. Il y a Titou qui s'est vengé sur le 41 Sky, qui nous dit... Ah oui, lui, il s'est vengé parce que sa meuf, elle fait cocu avec un mec. Il s'est vengé sur le mec. Mais le mec, il y est pour rien quand on réfléchit. Bah non. Bah, c'est oui. elle. Bah, ouais, c'est elle qui est engagée avec bien, toi. Limite, exactement, Marie, bien enfin, vu. Enfin bon... Bon, alors, stupide, vengeance ou pas vengeance quand vous êtes fait, quand vous avez été cocu. Hein. Ouais. Marie t'a dit non, Samy t'a dit non, Cédric t'a dit oui. Ouais, moi j'ai dit oui, oui. Roman Mo t'a dit ah bah oui. Ah bah c'est clair. Ah bah c'est clair, il a dit même. Excuse-moi, Roman, c'est pas ah bah oui, c'est ah bah c'est clair que t'as dit. Et donc les résultats sont vengeance à, d'après vous, je sais pas, 70%. Ouais, j'aurais dit ça, 70%. 62%. Ah, ouais. Pas vengeance, ah ouais, 38%. Donc vous êtes plus des vengeurs et des vengeuses, là, si vous êtes cocu. Tu vois, Marie, t'es minoritaire, Samy aussi. Ah ouais, ouais, bah ouais. Ouais. Et donc, on est calme. Technique de vengeance. Bon, il y a pas mal de techniques. Hein. Essayer de draguer son meilleur pote. C'est le message de Lina sur SMS. Ouais, tu sais, on a vu. Ah, pour rester dans sa vie, lui pourrir sa vie, ça, c'est ça. Bah, à la limite, moi, le seul truc qui me ferait plaisir, c'est genre pourrir son nouveau couple, tu vois. Tiens, Romano, est-ce que ça te gênerait, par exemple, détruire le couple, que ta gothique. Détruire le couple. Ouais, détruire son nouveau couple, tu vois. Bon, des méthodes pour détruire le couple, on attend aussi. Oui, Romano, ça te gênerait, par exemple, que ta gothique sorte avec un des membres de l'équipe juste pour rester un peu en ton compte, à ton contact. T'as que tu la verrais. Ah non, mais moi, admettons, tiens, Cédric, tu sors avec la gothique. Ouais, oh, déjà, t'as du courage. Oh, ouais, t'as me dire, elle aussi. Elle aussi. Mais la gothique, gros, faut vouloir. Ouais, non, mais elle est moins moche que toi, gros, quand même. Faut pas pousser mémé dans les orteils avec la gueule. Ouais, parce qu'après, mémé, ça la gratte. La gothique, gros, mémé, elle est piquée après. Oui, après. Non, non, mais, moi, ça me ferait trop rigoler. Tu vois, dans ce cas-là, ça me ferait, parce que elle, non, mais elle m'a pas largué, c'est moi qui l'ai dégagé, donc. Donc elle sortirait avec Cédric, ça te gênerait pas. Ah, bah ça me ferait rigoler. Ce qui me gênerait juste, c'est de voir sa gueule ici, quoi. Il viendrait le soir avec. Ouais, mais par contre, c'est clair, en dehors d'émission, gros, je verrais plus. Hein. Je veux dire, pas moyen qu'elle mette les pieds chez moi. Ou alors, moi, je pourrais pas, gros. Allez, c'est Romano, c'est mon pote, je peux pas serrer les yeux. Non, mais c'était. Non, mais je te la laisse, ouais, gros, sans problème. Gros, je te la laisse, c'était pour imaginer là-bas. En plus, c'est que tu l'aimes vraiment, tout ça, que tu l'as vraiment kiffé. Donc ça peut être une vengeance, oui, de se taper. Ouais, mais bon, il faut aussi avoir envie, parce que moi, je sais que par exemple, pour qui pue. Oui. Déjà, c'était pas un top, mais attention, ses copines, c'était des gros veaux, quoi. Oh, là, d'accord. Non, mais il y avait aucun. Non, mais tu vois, voilà, même par vengeance, je me serais pas tapé une de ses copines, quoi. Parce que là, les meufs, elles étaient immétables, quoi. Non, mais, alors, elles étaient dégueulasses, les connes. Bon, après, il y a la méthode de l'affichage. J'ai affiché mon ex après qu'elle m'ait fait cocu à un repas avec toute sa famille. Ouais, mais bon, tu passes quand même pour la cocu de... non, pour le cocu de service, putain, mec. Ouais. Tu passes pour le cocu de service, toi, Clem. Voilà, et un peu et pour ça, le dindon de la farce. C'est pas bon, ouais. Aussi. Le dindon de la farce. C'est non, sympa. Mais c'est vrai que tu passes pour le couillon, quoi, quand tout le monde est au courant d'un truc. C'est vrai. Bon, c'est pas super, Clem. Bon, on va y revenir. Vous restez bien dans le coin, parce que alors là, attention, on va retrouver un clash de la drague. Alors, un peu en nocturne ce soir, mais un clash de la drague. Collector. Et de qualité, bien sûr. Et de qualité, d'ailleurs, je me retourne vers nos deux clasheurs. Quelles sont vos méthodes ce soir? Quelle est ta méthode, Romano? Eh bien, je te laisse l'annoncer, Difool. Alors, ma femme a mal au trou, c'est ça? C'est ça, et il faudrait que j'arrive à me finir, quoi. Sinon. Ah, j'ai trop mal après aux couilles. C'est vrai, ça, hein? Bah ouais, quand tu te finis pas, ouais, c'est horrible. Ah, ouais, là, pourquoi ça fait mal aux couilles, d'ailleurs, quand tu te finis? Bah, je sais pas, le liquide, ouais, il doit être là. C'est de la pression, non? C'est de la pression, je pense. Tu produis. Bah, ouais. ça je pense. Hein. À ce moment-là, on est prêt à dégueuler de foutre, quoi. Bah, c'est ça. Oh. J'adore. Je vais faire du vomi de foutre, regardez. Oui, et il y en a plein. Ah, bah, c'est gentil, ma bah, il se vide. La purge. Ouais. Et toi, Cédric, ta méthode, rappelle-nous là. Moi, je vais dire aux familles qu'il y a une panne d'eau chaude chez moi et que j'aimerais bien me doucher chez eux. Qu'est-ce que t'as eu, toi? J'ai manqué de me briser la cheville. Très bien. En montant sur une chaise pour récupérer ma coupe. Oui, parce qu'il est tout petit, il n'arrive pas à attraper la coupe. Donc il monte sur. C'est dingue d'être tout petit, hein, comme ça. Bah, tu veux que je fasse comment? Je vais pas sauter. Non, mais tu attrapes comment, comme ça, putain? Bah, je peux pas, j'ai pas des grands bras comme des tiens. C'est la coupe du clasheur que je remettrai au gagnant, là, tout à l'heure. On y va pour le premier coup de fil, Cédric. Ouais. C'est pour toi, top départ, ligne numéro 8. Allez. Ligne numéro 8. Et qui... Jean-Marie. Jean-Marie. Ah! Eh ben écoutez, on commence. Oui. Allô, Jean-Marie? Oui. Bonsoir, comment vas-tu? C'est Michel au téléphone, un de tes voisins, on se connaît pas encore. Dis-moi, je t'appelais là parce que chez moi j'ai plus d'eau chaude. Et je voulais savoir si je peux pas venir prendre une petite douche chez toi. Ça va aller, oui. Bah, histoire que tu me dépannes, quoi. Je viens avec ma serviette, mon gel douche, je prends une douche chez toi, puis après, bah, une fois que je suis propre pour te remercier. Hein? C'est qui vraiment l'appareil, là? Non, bah, je m'appelle Michel. Nicaise? Non, Michel. Biquet. Allô? Nickel. Ouais, c'est ça, tout à fait. Nickel. Bah écoute, ce que je fais, c'est que je vais venir avec ma petite serviette, je prends ma douche et puis pour te remercier. Ça tombe mal parce que moi je suis déjà couché, moi. Bah laisse-moi prendre ma douche chez toi, puis à la limite, si tu veux, je me coucherai avec toi après. Pour te remercier, je te ferai un petit truc. Bon, allez, la bonne nuit. Bah je peux venir ou pas? Non, pas du tout. Bah laisse-moi venir. Allez, la bonne nuit. Tu feras de beaux rêves avec moi dans tes bras, tu sais. La bonne nuit. T'as pas envie que je te prenne dans mes bras ? Je vais l'écraser. Non. Allez, la bonne nuit, c'est de Il était super ce jour-là, c'est très sympa. Tu l'as bien aimé ce Jean-Marie. Ouais, bah oui, t'es vraiment cool. Ouais, il faut pas se tuer au prénom, hein. Ah ouais, très cool. Ouais, n'est-ce pas ? Hein ? Ouais. Alors, Romano, à toi maintenant, c'est parti. Bon, bah voilà ma gueule. Numéro 7. Un petit commentaire ? Allez, passe ton appel là. Bah, c'est ce que je vais faire. Tu veux pas faire un petit commentaire, Cédric ? Non, tranquille, on fait les commentaires après. Dire c'était bien, tout ça, non ? Bah, c'était bien pour un tour de chauffe, ouais, c'était pas mal. Tiens, allez. C'est qui ? Ludo ? Ludo ? Ouais, Ludo ! Ouais. Ouais, comment vas-tu ? C'est qui ? C'est Jean-Louis à l'appareil. Tu te fous de ma gueule encore, toi ? Non, non, mais je me fous pas de ta gueule. Parce que dis donc, j'ai un petit souci là. J'ai perdu ton entier, non ? Non, non, j'ai pas perdu mon entier. Non. Hey, non, le moyen que tu le perdes, tu viens ici, tu vas te prendre un pain dans la gueule et tu vas le perdre. Bah, ouais, bah, j'aimerais te faire l'amour aussi. Ah ouais. Ouais. Et à ta femme aussi. Ah ouais. Ouais, moi ça je prends tout. Dingue. Bah je peux ou pas ? Ouais ouais, tu peux venir. Bah je vais venir et puis voilà, tu me goûteras ma quéquette et puis après je te ferai l'amour à ta femme et à toi ouais, et à tout, ouais, tout le monde. Ouais, ouais. Oh, tout le monde. Bah je te dis à tout de suite. Oui. J'arrive alors. Allez viens. Bah attends, bah je vais venir et j'espère que t'es chaud parce que moi je suis bouillant là. Toi t'es chaud, dis-lui. Ouais, vas-y viens. Ouais, bah je vais venir. Ouais, t'as des capotes, t'as tout ce qu'il faut ? Vas-y viens. Ouais, bah soit tu prends, c'est toi qui veux venir faire l'amour, bah tu prends. Ah bah je prends les capotes, la vaseline et puis des graviers parce que j'aime bien quand ça gratte. Ouais, je te gratterai les poils du cul. Ah ouais, tu me gratteras les poils du cul, tu me les arracheras avec les dents. Ouais. Ouais, tu verras, allez, j'ai le cul tout sale. Ouais. Oh, tu es dégueulasse. Oh, le lavera. Eh ben, tu me le laveras avec ta langue. Ouais. Eh ben, je te dis à tout de suite alors. Oh. À tout de suite. Voilà, t'es content. Oh, qu'il est content. Je me fais laver le trou de balle. Pas cher, tu vois, pas besoin de douche comme Cédric. Tu vois une technique, Cédric. Ouais, ouais, te laver, pas cher. Pas d'eau chaude. Bah, lèche-toi le cul. Alors, Romano, un petit commentaire. J'ai demandé à Cédric. Toi aussi, tu as droit à ton petit commentaire. Bah, écoute, franchement, pour un tour de chauffe, c'est un bon tour. Ah oui, pour toi, c'est pas mal, ouais. Cédric, mais qu'est-ce que tu arrives ? On a fait tout le visage, tout contrarié du visage. Non, non, même pas. Si, si, regardez. Ah non, je jure que non. T'as la gueule en biais, ma gueule. Non, t'es parano, ma gueule. Non, non, t'as mis la gueule en biais comme ça. Non, non, même pas. Ça vénère. Bon, alors, on va. Allez, on donne un deuxième tour. Allez, vas-y. Combien vas-y. On donne de tours en tout ? J'en donnais deux, hein. De quoi ? Deux, pas plus. On verra, on verra. Donc, ça serait ton dernier coup de fil, Cédric. Ça dépend de ce qui va se passer, j'ai envie de te dire. Bon, allez. J'espère comme sur le premier, ma gueule. Ah bah non, j'espère pas. Je vais chez qui ? Thomas. Ta méthode de géographie. C'est mal barré. Allô, bonsoir, c'est la femme à Thomas ? Comment ? Thomas, il est là ? Oui, je suis sa femme. Ah tiens, tu peux me le passer, s'il te plaît ? Ben, c'est de la part de qui ? C'est Michel au téléphone. Et c'est qui ? Bah, je suis un de tes voisins, en fait, on se connaît pas, mais juste pour lui dire, j'ai une petite galère là avec ma douche chez moi. Et je voulais savoir si je pouvais pas venir avec ma serviette et mon gel douche chez vous ce soir. Oh non, non, non, non. Histoire de me rafraîchir un peu, tu vois. Non, non, c'est pas la peine. Et puis après, une fois que je sortirai de la douche avec mon corps bien musclé et bien propre, je pense que tu vas craquer sur moi, ma chérie. Oui, c'est ça, c'est ça. Bah, je te jure. D'accord. Bah, laisse-moi voir avec Thomas, alors. Non, non, non, non, c'est pas la peine. Moi, ce soir, j'ai envie de me laver chez toi et de te faire l'amour après. Oui, bah, il vous adressera quelqu'un d'autre. Bah, voilà. Je m'adresse à toi, ma chérie. Oui, bah, c'est ça. Chante, tu as envie que je te fasse l'amour. Laisse-moi venir te faire l'amour. Raccroche, hein. Je viens te faire l'amour ou pas ? Voilà. Non. Non, je crois que c'est non. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aï fois. Je raccroche. Un commentaire, Cédric. Ah bah elle raccroche. Voilà. Très bien. Elle raccroche. Toi aussi, tu devrais raccrocher ma gueule. Bon, Romano, deuxième coup de fil, allez. Allez, vas-y, c'est qui? Joanne. Joanne. Tu gardes la méthode de ma femme à mal au trou. Ouais, bah là, j'ai même pas eu besoin de la mettre en place sur le plan. C'est pour ça que je te demande. Allô, je suis... Allô, Joanne. Ouais. Ouais, bonsoir, comment, va comment tu vas? Ça va. Ça va, c'est Jean-Louis à l'appareil. Dis-vous, allô? Ouais. Ouais, tu m'entends bien? Ouais. Ouais, ta femme, elle est chez toi là ce soir? C'est Jean-Louis? Ouais. Ben, je crois que vous êtes trompé de Non, non, mais t'as une femme? Non. T'as pas de femme? Non. Eh ben, ça tombe bien, ça. Parce qu'en fait, je t'explique, moi, je suis, là, j'étais chez moi en train de faire l'amour avec la mienne. Et là, elle a un peu mal au trou, là. Ah, bah oui, tu l'entends, elle gémit. Et en fait, j'aimerais venir chez toi pour me finir dans les tiens de trous. Je peux venir me finir dans tes trous. Ah, qu'il est con. C'est qui? Non, mais Jean-Louis, là, pareil. Et okay, qu'est-ce que je te propose? Ce que je te propose, c'est que j'arrive dans 5 minutes chez toi. Ouais. Tu te mets à 4 pattes dans l'entrée. Et on y va, on attaque, quoi. On perd pas de temps. Ah, c'est trop bon. Et puis après, on fait connaissance. C'est trop bon. Ah, oui, ça va être bon. Ouais. Bon, bah, tu m'attends dans 5 minutes. Ouais, attends, t'as le code? Bah, écoute, je vais le prendre. Alors, c'est le 30. Oui. Ouais, c'est bon. Bah, c'est... Et donc, tu... au deuxième. Ouais, bah oui, oui, oui. Quand tu... Enfin, tu prends l'ascenseur, c'est l'ascenseur. Ouais, d'accord. Donc, et moi, c'est au fond du couloir à gauche, le numéro 20. Voilà, oui. Ah bah écoute, c'est très... Bah écoute, je suis là dans 5 minutes alors. Dans 5 minutes ? À tout de suite, à tout de suite ma poule. Bah à toutes. À toutes, bisous, bisous, bisous. On a jamais là, eu ça dans le clash. Le mec, j'ai le plan, le mec m'a fait un plan GPS. Alors attention, le code. Ça c'est bon. Mais vas-y, pour de vrai. Ouais, bah ouais, vraiment. Non mais il est trop loin. Bah tu vas passer la nuit à Lyon, chez le monsieur. Ah, on est à Lyon. Oui. Ah bah tiens, écoute, sympa. T'as donné l'adresse et tout. Ouais. Wow. Bon bah là, je crois qu'il m'attend et pour de bon quoi. Jamais on a eu ça, l'adresse, le code. Ah non mais j'ai halluciné. Je pensais que le mec allait dire n'importe quoi. Quoi, mais non, il était pas du tout. Il t'attend. Le mec, il va. Là, il est actuellement. Il est étage. Il est à quatre pattes, là, actuellement. L'étage, le numéro de porte. La porte, tout, te trompe pas de porte. Tu t'as pris pour un connard et t'as donné le numéro de la porte du voisin. Wow, bien joué, bravo. Hein. Sais, ça, quel, ton casque est peut-être un peu trop fort, Romano. Voilà. Ah, pardon. Je vous rappelle que Romano est sourd. Non, mais je vais demain me faire déboucher les oreilles. Ah, très bien. Ça y est, j'ai rendez-vous demain. Demain, il sort le gros matos, l'ORL. Ah ouais, t'entends vraiment rien. Ah non, mais putain, mais non, mais tu sais que ça me gêne vraiment. Je ne vais pas me plaindre tout le temps. Non. Mais je veux dire que c'est vraiment chiant quand t'as une oreille bouchée, quoi. Oh là là, impressionnant ce clash. Ah là, vraiment, là, oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête là ? Ah non, non, c'est tellement beau. Bah non, on fait un autre tour. Ah oui, pour toi, c'est pas beau, dément. Ah, on peut c'est faire vrai. Un autre tour, là, allez. Hein ? Bon, allez, vas-y, peut-être un petit, là. Allez, pour la route. Romano accepte, il est bien bon, je trouve. Non, mais bon, on peut faire un tour. Hein. Allez, un dernier tour. J'accepte des autres tours, moi aussi. Sébastien. Dernier tour. Allez, on va chez et Seb. Après, vous passez, on passera au vote. Hein, et vous passerez aux déclarations. Vous ferez votre belle déclaration, Romano et Cédric. Hein. On appelle Nicky. Chez Sébastien. Sébastien, bonne chance. Allez, décroche, Seb. Oui. Voilà, voilà. Ouais, parfois, t'as la loose. Hein. Allô. Allô. Ah, bonsoir, c'est la femme à Sébastien. Allô. Ouais, Seb. Ouais. Ouais, comment vas-tu? C'est qui là ? Bah c'est Michel, je suis un de tes voisins. Dis-moi, je t'appelle là parce qu'il m'arrive une petite galère à la maison là, j'ai plus d'eau chaude. Et j'aurais aimé savoir si je pouvais pas venir avec ma serviette et mon gel douche histoire de me laver chez toi. Tu pourrais me dépanner au moins. Allô Sébastien ? C'est ma gueule ou quoi là ? Bah non, m'ouvre pas de ta gueule. Et à la limite, ce que je vais faire, c'est une fois que je suis retiré de la douche et que je me serai séché avec ma serviette, si tu veux, ta femme elle pourra me frotter le dos. Histoire qu'elle devienne me sécher. Ouais, puis moi je mets mon balai dans ton cul, moi. Ah bah si tu veux me faire un truc au cul, y a pas de souci, tu sais. À la limite, vu que je réunis, on pourra même faire l'amour si t'as envie. Parce que je sens que ta femme elle va craquer quand elle va voir mon corps d'athlète. Eh bah tu sens enculé, ouais. Bah écoute, si t'as envie de me faire ça, y a pas de problème. Aïe aïe aïe. Ah, elle a envie de m'enculer. Ah, ouais. Ouais, non. Bon, c'était moi. C'était non, mais t'as dit va te faire enculer. Bah l'autre, tu veux mettre un balai dans le cul, excuse-moi. Bon. Non mais c'était. Écoute, c'était oui, par rapport à ce que t'as fait avant. Bon, l'autre gros, il veut me faire un truc par l'anus, il a le droit, non? Eh bien, c'est son envie, il fait ce qu'il veut. Cédric, on a bien fait de passer un troisième coup de fil. Ouais, bah du coup, moi, je vais pas le prendre, le mien. Comme ça, on se dit pas de regret, au moins. Non, mais voilà, bon, je crois que je vais arrêter le massacre ici. Hein. Résultat, mon troisième coup de fil, je ne le prendrai pas par respect pour mon adversaire. Mais c'est ça, mais j'ai serré, gros. Notez le fait, on va sur le dernier. Avec un balai. C'est vrai. Le mec lui dit, va te faire enculer. Bon, là aussi, si, j'ai serré. C'est sexuel. Bon, allez, remballe, tu vaux rien, ça. Les résultats du clash et la drague. À suivre, prochaine étape, résultat du clash. Pamela aussi qui arrive. Et puis là, on va prendre les réactions pour Romain et son kiff. Ah oui. Ah oui, Romain et les odeurs. Romain, il aime sentir ses odeurs corporelles. Ah ça, il aime ça. Il adore. Cédric nous a dit également qu'il aimait sentir ses odeurs. J'aimais pas, mais je l'ai déjà fait. Bah, tu as dit le trou de balle. Non, je t'ai pas dit que j'aimais. Si, tu te frottes le cul, t'as dit. Il y a une différence entre le faire et tu le fais aimer. Si t'aimes pas. Non, je l'ai fait une fois pour savoir. Ouais, une fois pour savoir. Bien sûr, Cédric. Non, mais tu sais, en même temps, t'es complètement débile. Un trou du cul, à ton avis, ça va sentir quoi, la merde? Ça, tu le fais, tu parles avec moi. Ah bah tu croyais quoi que ça allait sentir la banane? Pour voir l'odeur que ça, tu vois. Pour voir l'odeur que ça, Cédric il le fait. Bon non, tout ça de voir. Ça sent quoi? Non mais moi je sais pas, ouais je le fais. Moi je te dis quand je me branche, je me renifle la bite. Toi t'as un peu de plaisir, t'es un peu comme Romain toi. Parce que Romain en fait lui il le fait avec ses couilles, ses pieds aussi, mais ses mains sur ses pieds, entre ses orteils, il renifle ses doigts. Ouais, non, bah ça, les pieds, je le fais pas par contre. Ah, tu veux, c'est trop dangereux. Non, même pas, c'est que ça m'excite pas du tout. Bah, ouais, non, mais c'est. Ah, ouais, c'est. Non, mais la bite. La bite, ça t'excite alors. Bah, quand je me branle et que je me renifle les doigts, c'est que ça m'excite. Hein. C'est dingue ça. Excité par la bite. Ouais, c'est. Vous l'avez entendu, par l'odeur de ma bite. C'est pas moi qui l'ai dit. Romano est excité par l'odeur de la bite. Ouais, mais on t'en ferait sentir une autre. C'est dingue. Je connaîtrais pas, c'est la tienne. On en apprend tous les jours. Non, mais j'ai pas envie de sentir une autre tub. Oh là, tu viens voir. Ah, ça va. Il commence à être inquiet. Tu frétilles, Cédric. Il y a de la concurrence. Ah ouais, donc c'est marrant ça quand même. Par contre, le trou du cul, tu vois, c'est un peu pour faire un état des lieux, quoi. Pour savoir s'il est propre. Ouais. Je me lave pas, comment on fait là? Ah ouais, voilà. Allez, non, hop, mais. Non mais c'est un peu des restes animaux, je suis sûr, hein, tu vois, quoi, parce que les chiens, ils passent leur temps, les chiens, à se sentir le cul. Hein. Ah ouais, c'est j'adore. Bah, même entre eux. Ouais, normal, c'est leur carte d'identité. Ouais, c'est pour se reconnaître. Ils se reconnaissent comme ça. Ouais, je crois que les humains, on était pareil avant, c'est-à-dire qu'on se, ouais, je pense, on ouais. se sentait le cul. Bon, putain, ouais, quand on avait des peaux de bête et tout, bah, ça devait être. Bon, là, j'en ai une à la maison. On est tous des animaux, de toute façon. J'ai une peau de bête à la maison, Cédric. Non, je n'en ai pas, non. Ah. Bon, là, je vis comme ça. Ah ouais. Ah. Au coin du feu. Il a un gourdin sur l'épaule. Oh, il se couche dans sa peau de mammouth. Ah, c'est marrant, ça. Les odeurs, il y a des phéromones, et les phéromones, ça existe. Ça excite. Tout ça, les chiens. Nous dit Alexia, là, sur SMS. C'est vrai? On avait déjà dit ça dans l'émission, qu'il y avait des espèces d'hormones, c'est ça, phéromones. Animal, quoi. Ça, ouais, mais même dans la transpiration, quand tu fais l'amour et tout ce que tu, ce que tu dégages. J'adore quand Marie, tu pues la trotte. C'est complètement bouillante ce soir. Mais. Vous savez que tu pues la trotte, c'est un peu des pieds. Ah, ouais. Ah très bien. Ouais. Ouh, c'est trop beau. Je vais craquer. Allez, je craque. Allez. Tu lui fais un pet, elle est contente. Non, non, non, ah, non, pas ça. Les phéromones, les phéromones sont excités. Non, je te parle de. Je te parle de l'odeur du cœur. Du cœur. Du corps. Du cul. J'ai du mal, hein. Du corps, tu sais, quand tu fais l'amour, la transpiration toute neuve, là. Ah ouais, je vois ça, la Marie. Ouais. Tiens, moi aussi, je kiffe mes odeurs, nous dit l'inconnu. Je fais pareil, moi, sauf pour mes vêtements. Ah oui, parce que lui renifle en plus ses caleçons et ses chaussettes. Tu fais les caleçons, ouais, Marie. Ouais, les caleçons, ouais. C'est et les strings de ma meuf. Les strings de ta meuf, tu aimes bien, tu le fais les yeux fermés, ils font un jeu avec la meuf de Romano. Ouais. Devant, derrière. Devant, tu derrière. Sentir. Et là, Romano, il sort son celui nez. Celui de la voisine. Ah, ça, c'est derrière. Genre, combien de ton odeur du cul, ah, ça, c'est bon, ça. Bon, c'est un crâne le mec, c'est qui nous dit ça là? L'inconnu, ah, il y en a qui font pas. Il y en a pas mal qui avouent le faire quand même. C'est primitif, c'est rassurant. Ah, Anala est rassurée d'entendre ça. C'est franchement dégueulasse, c'est assez partagé. Il y a ceux qui le font, comme Cédric et Romano. Et la Marie qui nous a dit qu'elle le faisait. Samy, toi tu fais pas ça. Ah non, le cul, jamais. Tu vois, la jamais. Bite. Non, la bite, non. Moi, ce que je vous ai dit que je faisais, c'est les caleçons, tu vois. Les caleçons, oui, c'est onif tes caleçons, toi. Ça, c'est machinal, quoi. Je mets un truc au sale, bim, je le sens, je le mets au sale. Alors, je vais poser une question maintenant à un autre membre de l'équipe qui s'appelle Momo pour savoir lui-même le fait. Tiens le coup. Ah putain, lui, il sent le doigt, mais c'est Koh Lanta, quoi. Ah. Non, c'est une épreuve de Koh Lanta, quoi. Et s'il sent ses sous-vêtements, je te raconte pas. Tu fais pas, non? Tu passes jamais ta main sur tes gros pieds. Eh ben, on comprend pourquoi. Non mais jamais. Non mais Momo, des fois tu fouettes, reconnais-le. Non mais là je fouette pas là. Non mais des fois tu pues. Non mais des fois tu pues, tu t'oublies de te laver quand même. Vas-y, non mais je me. Et pour vérifier si t'es bien propre, tu fais pas entre les entre les fesses, tu devrais peut-être Momo. Il est trop bizarre ce gars là, on nous fait. C'est un cas à part, bah pas tant à part que ça parce qu'il y en a qui le font. C'est un peu bestial, ouais, c'est vrai. C'est un peu animal. Ça me rassure parce que moi aussi je le faisais et je savais pas si c'était normal. Bah tu vois Manon, même des filles qui le font. Tu vois, tu es pas seul. Manon qui se posait la question. Ah Karim, tu viens témoigner, tu le fais? Non, mais tu sais, ouais, ça m'est déjà arrivé, tu sais, de passer ma main, tu sais, sur ma bite, sentir, voir si ça fouette. Et alors, ça sent bon en général? Non, ça sent bon en général, gros. T'aimes bien, ça t'excite? Non, l'arrêt de mon cul, non, tu vois. Ça t'excite comme Romano ou pas? Ah non, moi ça, non, ça me. Non, non, c'est pas pour m'exciter. Quand tu te branles, tu te renifles pas ta main? Ah non. Non, tu fais pas. Non, bah je te dis ça parce que Romano il fait. Ouais, moi je le fais, bah, c'est pas un truc de ouf non plus. J'espère bien avoir le droit. Tu sais, je vais pas me gêner pour vous. Tiens, moi aussi je le fais, j'ai aucun plaisir, je le fais juste comme ça. Nez qui coule, 17 ans. Qui fait la même chose juste par ça. C'est, en fait, c'est un réflexe. On est des animaux. Ouais, des bêtes. C'est ça, ça fait vraiment. Ouais, ça fait animal. Ouais, grave. Alors, Naïma, d'abord, les odeurs. T'es là, Naïma? Ah oui, je suis là. Salut, l'équipe. Eh ben, salut, Naïma. Salut. Bienvenue. T'es à Lyon, toi, Naïma. Hein. Voilà, c'est ça. Et alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire à rapport aux odeurs? Est-ce que tu comprends Romain qui se pose, qui se pose la question de savoir s'il est normal parce qu'il fait ça? Et est-ce que tu fais ça toi-même? Bah, perso, je le fais pas. Bah, je peux comprendre. Je peux comprendre le titre, mais moi, ce que j'aime bien. T'as jamais passé la main, je sais pas, entre les cuisses pour savoir si c'était frais comme c'est la Marie ou pas? Si, ça, j'ai déjà fait. Je suis sûr qu'il y a plein de filles qui le font, ça. Je suis même pratiquement sûr que vous le faites toutes, ça. C'est crasse. Non, mais c'est quoi, c'est crasse? Je serre la main à deux. Non, mais c'est pas, voilà. Non, mais c'est pour voir si vous êtes propre, quoi. Ouais, voilà, ouais. Bah oui, il y a des moments, tu peux pas faire autrement. Bah moi, comme je vois, par exemple, avec une meuf que je connais pas, avant de lui lâcher la chatte, je lui mets un doigt, je mets des lèvres pour l'air. C'est le doigt testeur. Moi aussi, je fais ça. Ah, ça, obligé. Ça, fais, ça. Ah bah ouais, il vaut mieux, ouais. Et t'as ah, déjà senti ta bite avant de baiser, Romano, pour savoir si elle était potable? Ah non, moi, c'est la surprise du chef. Ah d'accord, c'est ta meuf, tu vois la tête de ta meuf. Non, mais tu vois si elle est sans. Non, mais je sais pas, tu vois, des fois, ça m'est arrivé, tu sais, genre, tu sors de boîte, t'es blindé. Tu sors le pipi? Ah ouais, bon, c'est clair, bah, il y en a, ça a pas gêné. Et alors Naïma, c'est dans quelles circonstances toi que t'es confronté à ça? Moi, j'aime bien l'odeur de la transpiration pendant l'amour, quoi. Ah, comme Marie, alors? Ah, bien quand ça fouette, ça transpire. Bah, ça fouette pas. Eh ben, non, alors, voilà, je vais vous présenter un ami à moi qui est supporter du PSG, les filles. Je pense qu'il va vous satisfaire. Accrochez-vous, là. Eh oui, c'est Momo. Mister Transpire. Ah ouais, mais laisse tomber, Momo. Non, mais ouais, mais c'est, je vois ce que c'est la transpiration qui se produit, que tu produis pendant que t'es en train de faire l'amour, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas genre le mec, il arrive, il vient de faire deux heures de sport et puis Ah ouais, non, voilà, faut pas viser. C'est en fait, c'est ton mec qui te fait transpirer, quoi. Vas-y. Voilà. Et lui, il transpire aussi. C'est être un peu, ouais, là, c'est un excitant. Peu humide. Ouais. Vas-y, vas-y. Absolument, ouais. Vas-y, pue, ma chérie, vas-y. Allez, transpire. Ouais, donc c'est vrai que les odeurs, en fait, ça doit agir sur un truc de notre cerveau, on est chelou, hein. Et je vous disais, il y a plein de messages qui nous disent, regarde, sentir ses propres odeurs, c'est normal. Nous dit Cancer 62. Ceux qui disent qu'ils l'ont jamais fait, c'est des menteurs. C'est le message de ABS du 48. Bonjour à toi, ABS. Tiens, j'adore mes odeurs, je suis pareil. Pécos, 21 ans, dans le Val d'Oise, dans le 95. Voilà, c'est instinctif, on nous dit encore. Bah oui. Bah oui, Marie. Non, mais c'est ça, c'est animal. Ah, c'est marrant, ça. Hein. Et, c'est des animaux. Bon, et tu l'as déjà dit à ton mec que tu préférais, par exemple, quand, faire l'amour avec lui, genre quand il sort pas de la douche, puisque quand il sort de la douche, il n'y a pas les odeurs. Et qui, ça, moi? Oui. Ah non, j'ai envie de lui dire ça. Ah, tu lui dis pas, donc t'espères qu'une chose, pourvu qu'il arrive cradale. Wow. Pourvu qu'il soit sale. Sérieux? Bon, alors. Oui, non, voilà, ça me dérange pas, quoi. Il y a Alex aussi qui est à Colmar, là, qui nous appelle pour ça. Reste avec nous, hein, quitte pas, Naïma. Alex, okay. Salut à toi, Alex. Salut l'équipe, ça va? Salut, et toi, bien? Ouais, ça va, tranquille. Eh ben, nous, ça va aussi, oui. On parle d'odeur, un des sujets fétiches de l'émission. Ah ouais. J'ai un ami qui est sorti avec une fille qui s'appelait Pocky Pu. Ouais. Je peux te dire que depuis, il s'y connaît en odeur. C'est clair. Ça t'excitait, ces odeurs de Pocky Pu, bien? Ça faisait travailler tes non, c'était tes pas neurones, non, ça m'excitait. Non, mais c'était le goût de sa peau qui me dégoûtait. Elle puait pas, la pauvre. Mais elle avait le goût de quoi? Elle s'appelle peau qui pue. Ouais, mais elle avait une, je sais pas, l'odeur quand je la léchais, tu vois. genre dans le cou et tout, elle avait un goût de peau dégueulasse, quoi. Genre comme du vomi. Ah, peut-être pas quand même. Elle sentait le vomi, peau qui pue. Non, mais les poubelles, quoi. Non, mais ouais, je sais pas, une vieille odeur. Quoi, pourri, hein. Ça me dégoûtait un peu, mais bon, ça m'empêchait pas de la niquer. Hein. Bah attends. Puis elle aimait ça. Hein. Elle aimait la quéquette. Hein. Bon, alors Alex, toi, pour les odeurs, tu fais comme Romain, tu renifles aussi tes propres odeurs? Ouais, mais par contre, pas les vêtements non plus, quoi. Ah, tu renifles pas les vêtements, tu renifles pas ton caleçon sale ou tes chaussettes sales? L'odeur de dessous de bras, l'entrejambe. L'entrejambe, bien. Est-ce que ça sent le saucisson, comme pour Romain, là, qui nous mettait sur son message tout à l'heure, que ça sentait le saucisson? Ah non. Non, tu sens pas le saucisson? Non. Très bien. Ah, je suis déçu. Non. On aurait bien pris une rebelle. Moi, je trouvais ça quand même bizarre. Une odeur de saucisson, c'est quand même assez spécial. C'est ce qu'il a dit sur son mail, Robin. Ouais, non, mais c'est ça, c'est quand même chelou, quoi. Et faire le saucisson du sexe. Et tu renifles ton, je sais pas, tu touches les pieds, tu renifles tes doigts après pour sentir tes pieds? Ouais, un peu, mais moins souvent, quoi. Moins souvent. C'est quoi que tu renifles le plus souvent? L'entrejambe le plus, pour voir si je suis frais, quoi. L'entrejambe. En fait, comme Marie, quand elle fait le test avec un doigt, quoi. Mais ouais, mais c'est technique. Mais comme Romano qui le fait, dans ses fesses. C'est vrai, tu fais le testeur dans le trou du cul, tu fais. Voilà. Toi. Bah, c'est ça. Ouais. Enfin, dans le sien, oui, parce que sinon. Tu l'as déjà ressorti, vilain, le doigt testeur? Ah, oh, non, arrête. Mais non, mais tu te le mets pas dans. Si. Oh, putain, vu la gueule que tu fais, c'est clair. T'as déjà ressorti l'ongle. L'ongle cadeau, quoi, tu veux dire? Bah, ouais, hein. Tu sais, c'est. Avec ça arrive, hein. C'est les risques du métier, hein. Ah, faites attention, le doigt testeur peut ressortir. Non, mais ça, bon, c'est comme quand tu fais une sodomie à une meuf, tu peux très bien sortir la bite avec un petit chocolat, quoi. Bah, le petit cadeau. Un petit rocher, quoi. Bon, donc c'est pas anormal. De quoi, d'avoir du caca? Non, tu renifles les propres odeurs pour répondre à. Ah non, bah non, bah quoi. D'avoir du caca dans le cul non plus. Moi, je me considère pas anormal. On reste des animaux, de toute façon. On reste des animaux. Cédric, ça, il a pas certains passé plus que d'autres, d'ailleurs. Ouais, Samy. L'évolution, elle s'est arrêtée, ouais. Tiens, moi, mon frère, il se renifle les aisselles, comme toi, Alex. Ouais, bon, c'est surtout pour savoir si je suis frais, quoi. C'est pas un plaisir, quoi. Ouais. Bon, il n'y a rien d'anormal à renifler ces odeurs. Encore une confirmation de Dirania. Bon, très bien. Et est-ce que tout le monde le fait? A priori, tout le monde ou presque. Même Samy le fait. Ouais, non, moi je sens mes sous-vêtements. Il y a que Momo qui a dit qu'il se sentait. C'est vrai que toi, tu sens se sentait rien. Que ça, tu vois. Avant de les mettre au sale, quoi. Ah, Momo, il ose pas parce que tellement ça. Ah ouais, tellement ça fouette. Il a peur d'y rester, quoi. Il y a des risques. On le fait tous automatiquement. C'est un truc qui nous vient de la préhistoire. Tiens, ouais, encore, c'est vrai, on c'est me dit, là. Reste animaux. Bon, merci Mohamed du 73. Merci à Ako, là, sur SMS aussi, qui nous dit que ça nous vient de la préhistoire. J'ai un ami d'ailleurs qui vient de la préhistoire. C'est Cédric. Ah, ton micro ne s'est pas ouvert, Cédric. Ouais, non, bizarrement, il s'est fermé. Quand tu as voulu dire c'est Romano. On t'a pas entendu, malheureusement. Bah ouais. Bon, en tout cas, merci Naïma, merci du coup de fil, merci Alex. Ça peut être les deux d'avoir témoigné. Et puis on va vous envoyer votre jeu, votre maillot. Ouais, toi... famille, salut. Ouais, gros. Ah. Allez, l'OM. Bon, on t'envoie. Tu prends un maillot, non, Alex? Maillot de l'OM? Ouais, maillot de l'OM. Eh ouais. Ben, on t'envoie ton maillot de très l'OM. Bon choix. Et Naïma, tu veux quoi, toi? Je... pareil, maillot de l'OM. Maillot de l'OM. Ah, ben, y a pas de problème. Et ben, c'est pas. À Lyon, tu prends un maillot de l'OM, Naïma. Bah ouais, parce qu'elle a conscience. Et voilà, on est les meilleurs. Voilà. Le vrai Olympique, c'est lequel? Mais allez, ah, de Marseille. Eh ouais, c'est celui-là. Comme le savon. C'est ça. Bon, ben, on vous envoie vos maillots de l'OM à tous les deux. Bisous, Naïma. Salut, Alex. Bisous. Et Romain, toi qui nous écoutes, rassure-toi, tu n'es pas normal à te renifler. On a appris plusieurs choses ce soir dans l'équipe que Cédric survivait à des odeurs, assez, bah, ça va, ça assez violentes, on peut le dire, hein. Ah, bah, l'odeur de son cul frais, bah, ça, vraiment, je pensais qu'on ne pouvait pas y survivre. Parce que Cédric, je fais caca vert, lui. Du coup, il n'est pas tout à fait comme nous. Je vais pas te sentir le cul, t'es malade, toi. Bah, vas-y. Ah ouais, t'as ouf, toi. Tu veux que j'appelle la sécu, il faut que j'y reste, que j'arrive jamais mais à 30 ans dans ma vie. Ouais. Mais je crois que tu y es déjà. À 30 ans? Ouais, bah, largement, ouais. Ah ouais, tu crois? Ah ouais, je vais vérifier ça. Bon, ouais, bon, faut compter, ouais. Bah ouais, je vais compter. Bon, on va retrouver Dan dans un instant. Dan qui va nous parler de sa manière un peu spéciale à lui de se faire du bien, de se faire plaisir. Skyrock sera un peu ce soir la radio du plaisir. Ouais. Oh. Allez, bougez pas, on revient. Skyrock t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016. Planet Rap 2016, plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. Exclusive. Signé Skyrock. Avec le nouveau Jul, Maître Gims. Maître Gims. Le nouveau Soprano. C'est Soprano. MHD. Le nouveau SCH. Premier sur SCH. Tips Harmony. Skyrock Radio. Écoute Skyrock à tout moment. Envoie roulette au 72020 et gagne ta nouvelle compil Planet Rap 2016. Avec en plus, ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat étanche et insubmersible. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap 2016, la compil officielle pour un été. Promets sur le rap. Pa, pa, pa, pa. Roulette au 72020, 65 centimes plus coût d'un SMS. Cet été, Skyrock et Géant Casino passent à l'heure brésilienne et t'invitent à un événement exceptionnel. Un barbecue géant sur la Côte d'Azur, ambiancé par Ritza. Un après-midi de fête aux couleurs du Brésil, offert par Géant Casino et réservé aux auditeurs de Skyrock. Pour participer, rends-toi sur skyrock.fm/géantbrésil et tente de gagner tes places. Le plus gros barbecue brésilien de l'été avec Ritza, c'est maintenant sur skyrock.fm avec les magasins Géant Casino. Le 36-92 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 36-92, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 36-92. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. Caro est sur le point de sortir pour aller chez McDo. Il ne lui reste qu'à mettre ses chaussures. Ah, les bleus, c'est bien. Quoique les rouges, ça fait longtemps qu'elle les a pas mises, hein. Non, mais les bleus. Les bleus, c'est parfait. Ça va avec son jean. Ou alors les noirs? Ou bien carrément, on change de jean? Bref. Caro se prépare à sortir pour aller chez McDo, mais elle n'est pas encore rendue vu que pour l'instant, elle s'habille. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Yax. Bastille Day, le film d'action de l'été avec Idris Elba et Richard Madden dans un duo explosif. Tu devrais peut-être essayer de te maîtriser. Je suis inconscient et irresponsable. Bastille Day, une course contre la montre en plein Paris. Vous ne pouvez pas débarquer, tiens dans le tas. Cet été, le feu d'artifice, c'est eux. Bastille Day, le 13 juillet au cinéma, avec Skyrock. Planet Rap 2016, avec en exclu, Jul, MHD, SCH, Escrew, Soprano, Designer, Planet Rap 2016, toutes les bombes Skyrock sur 3 CD.

Ça va tranquille, merci, et vous? Bah écoute, ça va bien, Dan, t'as passé une bonne semaine. Ah ouais, quand même. La semaine, elle est super quand elle se termine, non, ouais, c'est ça. Surtout ouais, ça. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ouais. Cool. T'es en quelle classe, toi, Dan? En troisième, ça se passe bien? Ouais, ça va. Ça va, bon. T'étais bon en troisième, Romano, tu t'es vanté la semaine dernière ou je sais plus, il y a 15 jours. Ouais, en troisième, ça allait, ouais. Franchement, il va se tranquille, quoi. À l'aise, quoi. Ouais, à l'aise, les doigts dans le nez, c'est ça. Ah, hein. Oh, bah, ouais, j'ai eu le brevet et tout. Hein. Et le brevet, ouais. Mention, t'as une mention? Non. Pas de mention. Enfin, moi, il n'y avait pas de mention, moi. T'as pas de mention, toi? Le brevet, il n'y a pas de mention, brevet, d'ailleurs. Ouais, en tout cas, il n'y en avait pas. Vous savez qu'il m'avait donné une mention spéciale pour le brevet? Ben ouais, il l'avait inventé cette année-là. Ils se sont dit, mais c'est trop fort. Mais ils ne l'ont plus jamais refait. Non, après, ils n'ont plus. Bon, alors, Dan. Ah, si, il y a des mentions au brevet. Bah, vous avez vu, ils les ont fait la première année pour moi. Ouais, spécialement. Si vous avez des mentions au brevet, regarde, moi j'ai eu bien, on nous dit, vous dites n'importe quoi, il y a des mentions au brevet. Merci Hugo Dugard de rappeler ça aux membres de l'équipe qui sont un petit peu plus âgés que moi, donc qui n'ont pas connu les mentions au brevet. Moi je les ai connues, moi. Ouais. Bon, peut-être qu'il y en a. Ouais, j'en ai pas eu et j'ai eu l'impression que ça existait c'est pas. C'est ça, pareil. T'as bitonné ta mère. C'est ça. Non, mais moi je te demandais pourquoi t'avais pas de mention. Mais ça n'existe pas, maman. Non, mais moi je sais pas, moi, il m'avait donné les résultats, je l'avais, bon, j'étais content. T'es déjà content de l'avoir. Ah, ouais. Bah oui. Voilà. Regarde, on nous dit si il y a une mention brevet, mais à votre époque, c'était le certificat d'études. C'est vrai pour les membres de l'équipe. Ah, non, Cédric, oui, ça, oui. Ah, non, moi, c'était le brevet. Ah, bah, moi, j'avais des mentions déjà, donc c'est bien la preuve, une fois de plus. Une fois de que plus. T'es plus jeune que nous, peut-être, ouais. Bien c'est sûr. Ça, tout le monde te croit, là. C'est... Bah, Cédric, bon, c'est le plus vieux, quoi. Ah, oui, c'est vrai, ouais. C'est le padré de l'équipe. Le papy. Le papy, on l'appelle entre nous. Ah, ouais, mais bon, je suis plus jeune que toi, moi, j'ai 21 ans. Le papy. Bon, alors, Dan, dis-nous pourquoi tu nous appelles exactement, parce qu'on sait pas pour l'instant, c'est pas pour le bahut du tout, hein, je vous le dis. Ok, non. Bon, en fait, j'ai rencontré une meuf, c'est la cousine d'une de mes potes. Et donc, on s'est rencontrés, on s'est joué SMS, on se voyait par webcam. Et, mais c'est elle qui t'avait donné son adresse, tout ça, non? Enfin, non, au début, c'était ma pote qui me l'a donné son adresse. C'est comment? Tu l'avais vue? Tu l'avais vue en photo? T'avais dit, elle est pas mal, cette meuf, c'est qui? Elle t'avait dit, c'est ma cousine, et tu lui avais demandé son adresse, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Donc après, donc on s'est regardé. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un éternuement. Aïe, tu vas nous contaminer, Romano. Aïe, excuse-moi, Dan. Tu sais que je suis phobique des microbes. Bah ouais, mais bon, j'y peux rien. Plus tu regardes la télé, plus tu vas sur le net, plus tu regardes des émissions sur des maladies, plus t'es phobique des microbes. Eh oui, je viens de t'arriver. Bientôt, je vais arriver avec des gants dans l'émission. Sérieux, un masque. Alors oui, tu as été interrompu par Romano. Excuse-le, Dan. Ouais. Donc c'est la cousine d'une copine à toi, en gros. Ouais. Et donc. Bah, on se regardait par webcam, on parlait normal, et genre elle a commencé à se montrer genre ses culottes et tout. Elle et t'a montré sa culotte. Waouh, la vilaine. Ça c'est culotte sale ou culotte propre? Non mais la culotte qu'elle avait sur elle. Ah, j'espère qu'elle était propre en tout cas. Elle t'a montré sa culotte. Tu as déjà regardé des filles toutes nues se déshabiller sur une webcam, Romano, toi qui es très très très porté sur le sexe? Ah non, jamais ça. Combien de fois aujourd'hui t'as fait du sexe avec toi-même? Avec toi-même? Avec une fois. Tu t'es branlé une fois, c'est tout. Ouais, mais putain, j'ai giclé, mais putain, il y avait du liquide, mais incroyable, quoi. Il y avait des litres. Les robinets sont ouverts. Ah ouais, c'était la folie, quoi. Je me suis inondé le bide. Oh. Une fois, mais ça valait le coup, hein, c'est ça. Ah ouais, non, mais c'est clair, c'était une fois, mais c'était une bonne. Hein. T'as déjà fait des trucs comme ça à la cam? Non, jamais à la cam. Ça t'exciterait ou pas? Tu le fais pas parce que t'as une meuf et qu'elle le prendrait mal. Comment elle le prendrait d'ailleurs, Bibit, ta copine? Si je faisais des cams avec des autres meufs? Bah, si tu te foutais à poil et si devant des meufs qui se foutent en slip. Ouais, bah, bien sûr, parce qu'elle me jette en l'air. Elle te jette en l'air, ouais. Ah bah, évidemment. Mais c'est pas trompé. Non, mais c'est pas trompé, mais bon. Quoi? Moi, je sais pas, moi-même, j'aimerais pas trop qu'elle le fasse, donc. T'aimerais pas qu'elle se foute à poil dans. Non, mais t'es à côté, t'es comme un con, elle est en train de se caresser devant la webcam avec un cum. Non, ça le fait pas, non. Non, c'est pas possible. C'est sûr. Non, mais ouais, à la limite. T'aurais pas de meuf, ça t'exciterait, non? Ouais, je préfère quand même baiser en vrai, hein, mais bon, après, ouais. Bah, pour une rencontre, pour l'instant. Non, mais pourquoi pas, ouais. Pour l'instant, tu dragues un peu, Dan, parce que t'as envie que ça aille un petit peu plus loin, j'imagine. Pourquoi pas? Ouais, voilà. J'aimerais bien, genre, qu'on fasse d'autres trucs plutôt, mais sans que je passe pour un pervers, quoi. Qui c'est qu'il a déjà fait dans l'équipe, mais personne va avouer ça. Non, moi, j'ai jamais fait, moi. Non, moi, je suis pas trop chat, webcam. Ah ouais, moi, c'est pareil. C'est pas faire marcher la. Non, je sais comment ça marche. La webcam. La webcam. Cédric, c'est pas faire marcher les webcam. Non, la webcam. C'est pas trop. C'est le mot. Non, parce que j'allais sur chat. C'est la webcam. La webcam. prends sur un mot, s'il te plaît. C'est vraiment un gros bouffe, toi. Ok, ouais. Ah, mais bon, t'as webcam. Bon, là, j'ai mis le wifi. Non, non, moi, les webcams, c'est pas mon délire. Non, c'est le wifi, ça. Allez, webcam. Non, le webcam, c'est pas mon délire. J'ai une prise VZB. Cédric, donc, non. Romano, bon, non. Parce que sinon, il se fait jeter en l'air. C'est la webcam. Tu te fais pas sur la webcam, toi non plus? Non, moi, j'ai pas de webcam. C'est webcam, je crois. Le webcam. Ah, si, ouais. Non, mais je m'en sers jamais. Tu sais pas comment ça marche. Non, mais je m'en sers pas, je m'en branle. Et toi, Samy? Moi, j'ai déjà vu, ouais, genre ma meuf à poil et tout, mais on a jamais fait des trucs, tu vois. Avec une inconnue, tu discutes? Ah, une inconnue, non, jamais. Et elle se met toute nue. Non, une inconnue, jamais. Par contre, avec ma meuf, genre quand elle était loin, machin, ouais, tu vois. Tu sais, genre elle s'habillait, elle était à poil, machin, moi pareil, mais jamais des trucs cul, tu vois. Je vais montrer ton cul. Non, mais genre, tu parles en fait. Regarde mon kiki, ma chérie. Tu parles en même temps. Ouais, tu t'habilles, hop, tu parles en même temps. Ouais, genre elle se mettait pas la souris dans la touche et tout. Non, merde, alors que je suis déçu. Ouais, c'était pas cul. Ouais, vous viviez votre vie et voilà. Et toi, la Marie? Non, alors moi c'est vraiment pas mon truc. Eh ben regardez les messages qui arrivent. Alls Mike, qui est un adepte, qui nous dit: vous êtes nul, c'est génial. Tu entends, Marie? Non mais peut-être. Non mais je comprends qu'il y ait des problèmes. Moi c'est pas mon truc. Je vais alors, pas me forcer. Je profite du fait que Cédric soit sorti pour pouvoir m'exprimer jusqu'au bout du message. Ah, je crois qu'il est rentré. Nasri 60 nous dit: fais gaffe. C'est du mytho Cédricain. La dernière fois je t'ai vu à poil sur Chatroulette. Ah. Moi j'avais branché la webcam. Ah oui. Et bah, écoute, on t'a bien vu tout nu. Ah bah dites-nous si vous avez vu Cédric à poil sur la webcat. Bah si vous êtes encore de ce monde. Bah pourquoi tu dis ça? Avoir un truc pareil à poil, t'es dégoûté. Tu peux avoir un malaise après. Moi je vais sur un site de rencontre, je vois Cédric, je me casse de là, je dis ça craint ici. C'est pour les dingues. Dan, t'as l'impression de la séduire comme tu séduirais une meuf dans la rue en fait? Ouais, largement. Elle me dit que t'es beau gosse et tout. Ah ouais, vous rapprochez quand même. Non, mais bon, les rencontres virtuelles, ça marche. Regarde, on a dans l'équipe Momo par exemple qui est un adepte des rencontres virtuelles. Non, mais pas la cam. Et on peut le dire, franchement, il a quand même pas un physique facile. Jamais à la cam. Tu te montres pas la cam. Jamais. Il y a bien un moment où t'es obligé de te montrer à la meuf. Jamais. Ah, Momo, arrête de mentir. Une fois. Jamais, je te dis. Ça va. Momo, il est avec toi, Romano, une fois, mais il y a quelques années, on avait vu le screen d'une photo d'une meuf à la webcam avec un string violet dégueulasse et qui se mettait un watt et tout. Ah non, putain, non, je me rappelle pas. T'arrêtes pas de ça? Mais c'était filmé comme ça par dessous. Arrête, Momo, c'était sur ton bureau. Arrête de mytho. Trop bien. Momo, c'est un pervers, mais il assume pas. Ouais, c'était un screen. C'est print screen et il y avait le truc de. Ouais, trop bien. Et toi, Karim, t'as déjà vu des filles en string ou en culotte sur des webcams? Non, moi sur Chatroulette. Bah ouais, tu vois. Tu vas sur Chatroulette? Ouais, Chatroulette, j'allais dessus, je délirais. Bah j'y vais pas trop là. Mais t'as croisé le belge ou pas? Non, mais moi aussi j'y allais. Ah bah sympa. T'as pas vu qu'ils sont sortis? Non, j'ai vu des grosses couilles qui pendaient, mais après, je sais pas si c'est lui. Ouais, bah bien sûr. Je sais pas si c'était les siennes ou pas, mais. Bon, et comment ça l'excitait? Bon, pour l'instant, vous en êtes quoi? Tu t'es montré en boxer ou en caleçon et elle s'est montrée en culotte. Ouais, voilà. C'est ça? Ouais, bon. Ouais. Et mais elle habite où cette meuf? Elle habite près de chez toi ou? Non, pas du tout, à Bordeaux. Ah, rien à voir. Et toi, t'es où déjà? Paris. Paris. Ah ouais. 91. Ouais, donc ça restera par webcam. Ça fait une trotte. Ouais, pour l'instant, c'est webcam, c'est parce qu'il y a pas trop d'autres solutions au final dans votre truc là. Tiens, ouais. J'ai vu Cédric. Ah bah Cédric, il y a beaucoup qui t'ont vu sur Chatroulette également sur Live Jasmin. Ah non, je connais pas ça. J'ai jamais entendu. Jamais fait, ouais. A priori, c'est parce qu'on nous dit. A priori, tu l'as bien branché la webcam. Non, parce que Chatroulette, t'as vu, je vous l'avais dit. Moi, j'étais un des premiers à vous l'avoir dit. C'est que moi, j'allais dessus, quoi. Et tu pourrais m'amuser de temps en temps, quoi. Le belge, il est connu sur Chatroulette. Ouais, je vois ça. Non, bon, là, pas, je suis un administrateur. Non. Bon, et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Dan? Parce que pour l'instant, bah, tu fais ce qu'il faut. Tu discutes avec elle, t'as même réussi à l'avoir en culotte. Donc, écoute. Ouais, bah, j'aimerais bien avoir, tes mèches d'autres personnes qui ont réussi à aller plus loin avec d'autres filles. Et qu'est-ce que tu veux faire pour aller plus loin? Parce qu'à part l'avoir. Ah, tu aimerais faire des trucs de cul, toi? Tu veux peut-être l'avoir à poil, non? Bah, ouais, normal. Ah, oui, donc toi aller plus loin, c'est pas la voir en vrai pour l'instant, parce que c'est pas possible, et c'est la voir à poil sur sa webcam. Ouais, enfin peut-être pas quand même comme ça, mais bon, petit à petit, ouais. Des trucs. Ouais, pour l'instant, c'est ça, quoi. Des petits trucs. Ouais, parce que j'avoue, bon, la voir en culotte. Bon, bah écoute, c'est déjà pas mal, hein. Bon, c'est mieux que rien, oui. Bah oui, quand tu sors avec une meuf, que t'as pas couché avec elle, ou tu t'es pas trop isolé avec elle, parfois. Et toi, tu t'es mis quoi en caleçon? Tu l'as même pas vu en culotte, toi, tu l'as déjà vu. Ah, mais elle est loin et tout, enfin. Elle, t'as vu à poil, Dan, ou? Non, non. Toi, t'es pareil, t'es resté en caleçon, quoi. Non, mais peut-être laisse-la faire, parce qu'au final, c'est elle qui a montré sa culotte en premier, peut-être qu'elle te montrera sa chatte bientôt. Ouais. Oh, d'accord, ok. Oh, la classe. La classe, ouais, c'est ça. Non, mais au final, c'est ça que t'as envie. C'est ça que t'as envie de voir, je suis désolé. On va pas se voiler la face. Ah, Dan. T'aimerais bien lui voir la chachatte. Bah, normal. Bah, normal. Bah, ouais. Bon. En même temps, c'est vrai que bon, pour le moment, tu peux te contenter que de ça, quoi. Ouais. Après, moi, je sais que ça me saoulerait, quoi. J'aimerais quand même bien la voir. Tiens, j'ai envie de danser. Moi, j'aimerais bien la voir, la meuf, au bout d'un moment. Ouais, bah, ça te en vrai, ouais. Ah, bah, ouais, parce que bon. Bah, faudra profiter c'est des vacances. C'est sympa de se taper une queue derrière un écran, mais. Bon, est-ce que vous avez déjà démarré une relation comme ça? Tiens, dites-nous. 41 Sky, skyrock.fm. Tiens, Eds, 19 ans, j'ai une relation comme ça, je peux témoigner. Bah, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il nous faut, Eds. Donc, si vous êtes comme Eds, si vous voulez témoigner, si vous êtes déjà allé sur des chats avec, comme le disait Cédric, des wet cannes. Ouais, mais c'est pas grave. Le chipa, s'il te plaît, il bug tout le temps, il se fout de ma gueule. Oui, mais Romano, tu fais ça sur non, des webcams. Non, mais là, j'ai rien dit. Tu fais ça sur des webcams, toi? Non, ben moi, j'ai pas des webcams. Je ne sais pas ce que c'est. Tu as quoi, toi? Une webcam. Ah oui, d'accord. Comme tout le monde, je pense. Bon, ben. Je fais trop le mec qui connaît. Que vous fassiez ça sur des webcams, comme Cédric, ou sur des webcams, comme Romano, laissez-nous vos messages et puis on vous attend. Puis si vous avez 2-3 conseils pour Dan, ou si vous avez vécu une histoire d'amour comme ça, bah, petit coup de fil et puis on te retrouve, Dan. Tu quittes pas, reste avec nous. Ok. En plus, on va passer un moment très sexy, là, puisque c'est Pamela qui arrive. C'est wow. Moi. Eh oui. Elle est blonde ou brune. Son sein gauche fait 85A et le droit 95E. Elle n'a que 3 doigts et travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste, quoi. Pamela. Pamela. Le moment le plus sensuel de l'émission. Ah, bah ça. Démarrer la semaine avec Pamela dans la radio libre. Salut les garçons. Salut Pamela. Salut les filles. Bon, Pamela, qu'on va retrouver avec Jérôme le pétomane. Ah, génial. C'est un des meilleurs pervers de l'année qu'on a sélectionné pour vous. On va se régaler. Ouais, ça va sentir bon. C'est possible. C'est vrai, tu fais bien de prévenir tout le monde. Ouais. On parlait d'odeur tout à l'heure, ben on est en plein dedans là. Et voici Pamela, Jérôme, la rencontre sur Skyrock. Oh. Allô Jérôme. Oh, il est malade. Jérôme, tu as une gastro? Voilà, moi aussi. Jérôme, tu as le trou du cul qui fait un peu bizarre. Ah ouais, puis là il est Attends, il fait le plus gros pas de la terre. Ouais, non, ça va. Oh là, putain, il est en train de me battre. Bon, désolé, Jérôme. Attends, il pète plus long que l'autre. Hein. Je crois que Jérôme a une gastro. Là. Ah ouais, terrible. Vas-y. Attends, j'aimerais pas de ses chiottes. Hein. Rappelle-le, Jérôme. Cédric a pressionné. Hein. Ah putain, là, il m'a battu. Là. Ah ouais, là, bah, là à pas de mais couture. Facile là. En plus. Ah ouais, là, visible, mec. Là, il t'a nickel, Jérôme. Donc, Jérôme, c'est qui parle comme ça, qui est tout content? Bonjour, Pamela, c'est Jérôme. Hey, bonjour, Pamela, c'est Jérôme. Eh bon. Ouais, mais il voit sympa. Ouais, bonjour. Bonjour, Pamela, c'est Jérôme. Eh bien, écoute, je suis célibataire, je recherche une petite compagnie. Voilà, pas qu'un peu de temps. On le rappelle, Jérôme? Vas-y, on le rappelle. Il était sur sa bécane, Jérôme. Non, je pense qu'il était plutôt sur ses chiottes. C'est Olivier Dasmix qui nous laisse ce message. C'est Olivier Dasmix. Allô? Ouais. Oui. Oui, allô, Jérôme? Ouais. Comment tu vas? Ben, ça va. Alors, quoi de neuf? Bah, c'est pour faire le con derrière le téléphone, ça m'intéresse pas trop. Comment? Si c'est pour faire le con derrière le téléphone, ça m'intéresse pas. Ah, mais pas du tout, moi, je m'appelle Pamela. Ouais. Et j'ai 25 ans. Il y a ton truc de queue qui s'est remis en route. Putain, la voix de merde qu'il a. Ça va, c'est quoi ça? C'est pour faire les cons au téléphone, je sais pas la scène. Ça va, c'est quoi? C'est Jérôme. C'est Jérôme. C'est Jérôme. Allô, Jérôme? Mais parle, bon Dieu, c'est Pamela. Ouais, puis moi, je suis une microforme. C'est super marrant, toi. Ouais, c'est ça, ouais, t'as raison. Tu m'excites. Ouais, c'est ça, t'as raison. Bah, après, je vais t'excites tout seul, alors. Pauvre folle. Ah oui, tu parles autrement, toi. Oui, c'est ça. Oh. Il est trop mal. Allô. Jérôme. Ah, moi aussi, je sais le faire! Eh, hey, pauvre folle, là, au lieu de faire le con, ton numéro s'est relevé, hein! Ouais, bah c'est bien, écoute! Donc les filles seront au courant, ils vont se retrouver vite, c'est sûr. Allez, salut, vieille folle! Il va le garder, lui, il est super! Ah, vieille folle! Ouais! C'est Jérôme. Ah, ton numéro, il est relevé. Je suis une micro en forme. Ah, je suis une micro en forme. Ah, réflexion de pomme. C'est un classique, ça. Attends, et puis, il a cherché la vanne. Ah, je suis... Ah, bah, je suis une micro en forme. Vous avez vu, dès le début, on s'est dit, lui, il est super. Ah, mais il avait une bonne voix, dès le début. Dès le début, on a senti le potentiel. On va l'appeler Jérôme le pétomane. Ah, ouais. Ça vous va? Vas-y, tu veux pas le rappeler. On peut le rappeler encore une fois, là. Allez, moi, je pense que... Une petite dernière fois. On peut se faire un petit plaisir. Ah, ouais. Ah, Jérôme, on est repéré par la police, donc on va peut-être les voir redébarquer cette semaine, ce sera la deuxième fois de la semaine. On va voir. Allô, Jérôme ? Oui, bonjour, je suis 7 ans pour le moment. Vous avez laissé un message, je vous rappelle dès que possible. Merci. Ah bien. Allô ? Tu laisses un message ? Oui, allô ? Jérôme, j'ai un petit cadeau pour toi. Bonne nuit. Si ce message vous convient, faites le 1. Fais écouter. Pour écouter votre message, faites le 2. Oui, allô ? Jérôme, j'ai un petit cadeau pour toi. Si ce message vous convient, faites le 1. Pour écouter votre message, faites le 2. Pour le réenregistrer, faites le 3. Pour marquer urgent votre message, votre message a été effacé. Veuillez le réenregistrer après le bip. Oui, bonsoir Jérôme, c'est Pamela. Et j'ai un petit cadeau pour toi. Bonne nuit. Si ce message vous convient, faites-le. Écoutez. Oui, bonsoir Jérôme, c'est Pamela. Et j'ai un petit cadeau pour toi. Bonne nuit. Le si ce message vous convient, bien sale. Faites-le 1. Oui. Pour écouter votre message, urgent, c'est quoi, urgent. Faites-le 2. Pour le réenregistrer, faites-le 3. Pour marquer urgent votre message, faites-le 4. Pour ajouter quelque chose, votre message sera marqué urgent. Parfait. Très bien. Si ce message vous convient, faites-le 1. 1. Voilà. Merci de votre appel. Au revoir. Au revoir. Eh ben merci madame. Très bien. Bon ben t'es super celui-ci là. Jérôme le pétomane, hein, vous rappelez de lui ? Il faudra qu'on le rappelle la semaine prochaine. Une vieille folle. Ah oui, c'est ça, vieille folle. Oui, c'est une vieille folle. C'est Jérôme le pétomane, allez, c'est Cindy Crawford. Avec beaucoup d'humour d'ailleurs. Franchement, je pense qu'il faudrait qu'il rentre dans le KM Comedy Club. Ah ouais. Les gars, tu pourrais même te voler la vedette. Ah ouais, c'est chaud. Bon alors, l'amour par webcam, on en parle et puis vous avez laissé des réactions depuis tout à l'heure, c'est bien. Alors les réactions qui arrivent, il y a même des histoires d'amour qui se créent après l'amour par webcam. Regardez par exemple, il y a Couple qui nous dit, moi je fais toujours comme ça, je drague une meuf, on se voit par la webcam et après on se voit en vrai. Ouais, c'est bien. Hein. Bah oui, oui. Tiens, bah, de toute façon, autant s'en servir, ça existe. Hein. Exactement. C'est un nouveau moyen de drague. Hein. Ouais. Tu trouves ça excitant toi, par exemple Romano, tu serais chez toi, tu serais derrière ta webcam, comment on dit par webcam. Webcam. Webcam, j'ai dit. Ah, webcam. Webcam. Derrière ta webcam. Non, mais c'est pas de remixer, c'est webcam. Bah, j'essaye de prononcer pour le mieux ce soir. C'est ça, ouais. Donc tu serais donc derrière ta webcam. Ouais. Et il y a une fille de l'autre côté qui se. Je sais pas, par exemple, une fille qui te plaît, tu pourrais prendre qui ? Ta gothique. Non, mais, ouais. Alors, je vois la gothique, ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Ah ? Je dis surtout reste habillé. Non, mais bon, t'es avec une meuf, tu discutes. Est-ce que tu pourrais éteindre la lumière dans ta chambre, s'il te plaît ? Sur la webcam. Une meuf qui te plaît, et est-ce que ça t'exciterait de la voir se déshabiller petit à petit ? Oui, ouais, j'imagine. Bah, c'est même clair, si, même si elle se caresse. Aussi, tu dirais pas non. Ouais, c'est clair. Bon, c'est ce que fait Dan. Hein. Vous voyez en culotte et toi en boxer, ouais. Dan. Oui, parce que si t'es en culotte, c'est un peu bizarre. Avec la meuf. Oui. Et qu'est-ce que tu voulais comme conseil pour qu'on t'aide bien ? Comment je peux aller plus loin, par exemple feriez pour aller plus loin ? Romano, ouais. Tu lui demanderais, vas-y, monte-moi ta chatte. Non, mais après, bon, ça c'est pas... la méthode de Julien sur SMS. Demande-lui, montre-moi ta chatte. Pourquoi toi tu ferais pas pourquoi tu ferais pas le premier pas? Moi, j'aurais peur que la meuf elle me prenne pour un dingue, tu vois, je préférais que ça vienne d'elle quoi. C'est vrai que si t'as un mec derrière ta webcam, Marie, qui te montre sa bite, tiens, tu l'as vu celle-là. Non, là c'est clair, non, mais tu vois, dans ce cas-là, il vaut mieux que ce soit la meuf qui engage les hostilités. Ouais. Il y en a qui disent ça, tu te mets à poil, elle se foutra à poil. Bon, ouais, ça, pas forcément. Ou alors elle va couper la webcam, elle va se dire, ouais, t'as un dingue, casse-toi. Bah, il y a ce risque. Mais il y a aussi le fait qu'elle puisse. Non, mais il faudrait l'emmener sur le fait qu'elle est. Vous parlez un peu de cul aussi? Ouais, quand même. Enfin, on se dit des petits trucs comme ça, mais. Gentil, quoi. Ouais, voilà. Non, mais moi, je vous dirais, genre, ouais, t'as des beaux seins, tu sais. Oh, comme il est mignon. En espérant qu'elle me dise qu'une chose, ouais, tu veux les voir. Ouais, et pour le reste? Bah, je ferais pareil. Oh, tu as l'air d'avoir. Ça a l'air d'être magnifique en dessous ta culotte. Non, mais pourquoi pas? Waouh. Pourquoi pas? Ça a l'air d'être magnifique en dessous de ta culotte. Vous entendez? Ça l'excite. Non, mais ce qu'il faut faire, c'est dans la discussion, tu vois. Il faut pas lui balancer des trucs comme ça. Tiens, au fil de la discussion, il faut arriver à amener le truc tout doucement, quoi. Sans passer pour un dixin qui veut juste voir sa chatte et ses seins. Vas-y, oui. Vas-y, fais voir ta chatte. Mais cette meuf, t'as quoi pour elle comme sentiment? C'est juste des sentiments, elle t'excite ou alors t'as envie d'aller un peu plus loin? Genre, t'as l'impression de tomber un peu amoureux? Enfin, ouais, je peux dire que je suis tombé amoureux, mais. Bon, alors vas-y avec délicatesse. Ah ouais, vas-y doucement, ouais. Oui. Non, mais de toute façon, si tu vas pas, si tu vas pas mollo, elle va te jeter, donc. Ouais, mais, bah, en fait, avant, on parlait beaucoup plus, par genre SMS et Facebook, mais on se voyait pas. Et après, à partir du moment où on s'est vu et tout. Oui, ça a déclenché des trucs chez toi, oui, c'est normal. Ouais, voilà. Bah oui. Hein? Demande-lui si elle veut voir ta bite. Mais alors ça, je suis pas sûr si tu risques là aussi de passer pour un pervers. C'est qui nous essaye dit sur SMS. C'est un peu direct quoi. Ouais ouais, non mais il faut pas faire ça. Ouais. Tu veux voir ma bite, ouais, c'est un peu. Direct. Non mais non, mais la meuf elle va dire, bah, c'est un Patrick. Moi je me mets à la place d'une meuf. Tu sais, le mec qui me fait ça, je me déconnecte. Oui, vas-y, regarde. Je suis en train de m'assurer. Oui oui. C'est... Non, mais... Ouais, tu vas passer pour un vrai. Ah mais c'est clair, ça fait flipper. Hein. Ouais, tu vas passer pour Patrick, c'est pas ouais, très bon. C'est ça. Pas bon là. Ouais. Viens, demande-lui tout simplement, fais un plan. Tu veux faire un plan cam avec moi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ah oui, tu veux faire un plan cam avec moi, c'est clair, ça veut dire ce que ça ouais, veut dire. Ouais, c'est cash aussi, hein. Ouais, c'est un peu cash, c'est vrai. Hein. Moi, je fais très souvent des sex cams sous forme de gage ou de deal. L'un enlève quelque chose, l'autre aussi. On fait un strip ou non. Ah, c'est pas con, ça. Des petits jeux comme ça. Et je suis une fille, nous dit Solo, 18 ans dans le 35. Merci Solo pour ton message. Ah, c'est pas con, ça. Ah, c'est pas con, ça. Merci Solo, tu as une. Non, fille. Mais ouais, c'est pas ouais, con. Merci. Ah, Dan, j'ai l'impression que tu as l'air d'être satisfait du message de Solo. Bah ouais, parce que comme ça, c'est fin. Mm-hmm. Et ça amène. Bon, par contre, il faut que tu trouves un jeu où tu gagnes, quoi. C'est ça, exactement. Sinon, t'es baisé. Ouais, toi, tu fais finir à poil, elle va être toujours habillée. Oui, voilà, c'est ça. Avoir l'air d'un con, tiens. Bah, ou alors, tu fais ça quand elle est en culotte et t'es en caleçon, comme ça, au moins. T'es sûr que ça va vite. Voilà, essaye d'aller la voir, mais bon, elle habite loin. Toi, t'es dans le 91, elle est où, elle, déjà? À Bordeaux. Ouais, Bordeaux. Ah oui, du côté de Bordeaux. Ouais, donc c'est pas à porte à côté. En plus, t'as quel âge? Enfin, 15 ans, mais... Ouais, va demander aux parents. Ouais, tiens, je suis une meuf à Bordeaux. Ouais. Ce week-end. J'en reviens, hein, dimanche. Mais... Tranquille. Mais le billet de train. Non, mais pour les vacances, peut-être. Puis elle peut peut-être passer à Paris aussi. Hein. Ouais, on sait jamais. Elle peut venir chez sa cousine, là, qui te l'a présenté. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Elle peut venir chez sa cousine, mais elle vient pas du tout maintenant, vu qu'elle a déjà vu sa cousine pendant les vacances. Ouais, pas de bol. Ils vont pas se voir tout de suite. Ouais, pas de bol. Mais bon, ouais, bah bon, en attendant, ça a bien t'excité, hein. T'avais l'air content de l'idée, là, de l'idée qu'on nous a donnée, là, de le petit jeu, les petits gages, tout ça. Ça te plaît? Ouais, ça c'est pas mal. Bon. Bah écoute, si on a d'autres idées, on te fait signe. Si vous avez vous aussi quelques petites méthodes, n'hésitez pas, hein, je fais appel à bah oui, t'as qu'à faire. À tous les pervers qui nous écoutent. Vous pouvez laisser vos messages sur le 41 Sky. En action et vérité, nous dit également Nico Damien, oui, dans le même style. Donc vous nous dites ça, ouais, sur SMS, sur le net, et vous nous appelez, et puis on en reparlera peut-être ce soir. Donc les plans à la cam, les plans sur le net, c'est pour filer un coup de main à Dan. Ouais. Bon bah Dan, on va te filer ton jeu ou ton maillot. Tu veux quoi, jeu ou maillot, parce que c'est au choix, au choix. Je prendrai un maillot de Barcelone. On t'envoie ça à la maison. C'est possible de faire une dédicace? Eh ben ouais, vas-y, vas-y. Allez, donc déjà, je fais une dédicace à Limour, à Marie Charvet, Victor Cosset, Cindy Godin, à tous les Godins, à Priscilla, à tous mes potes, Victor Cosset, Théo Becbeder et Théo Boulmessier. Et voilà, à tout Limour. Et Forge-les-Bains, merci. Eh ben, salut à Limour, Forge-les-Bains et tous les autres. Et quitte pas Dan, et puis reste à l'écoute, hein. On en parlera tout à l'heure. Salut Dan, raccroche pas. Salut. Bon, on vous attend salut. En direct. Moi, je l'ai fait direct avec une meuf, mais je me suis rendu compte que c'était un truc enregistré. C'est qui nous laisse le message? C'est le stylo du 42, là. Oh, bienvenue à toi, tu viens du 42. Vive le 42. Eh oui, c'est à Patrice. Exactement, Romano. Sais-tu que j'ai été élevé dans le Bronx, dans le 42? Ah ben, c'est ça, dans le Bronx de Saint-Étienne. Ouais, donc. Et plus particulièrement dans le quartier chaud de Saint-Chamin. Oui, il est ah ouais, faut faire attention parce qu'il peut y avoir des meufs qui vous disent je vais me foutre à poil et en fait c'est des films. Enfin, ouais, ouais, c'est ça. Et puis derrière, c'est un mec et puis il te fait bien chier avec les vidéos qu'il voilà, a prises. Oui, donc c'est vrai, faut faire attention. Non, mais quand même bon, gaffe, Dan, hein. A priori, c'est un truc réglo. Oui, c'est la cousine Dan, à mon avis, il y a moins de risques. Ouais, ouais, ouais. C'est mieux comme ça. Bah, je pense. C'est mieux pour lui. Effectivement. Bon, dans un instant, on revient au sexe sur webcam, mais attention, on fait un petit sommaire de ce qui va se passer demain dans l'émission, bougez ouais. Pas. 100 places à gagner pour le premier stade en France de Rihanna. This is Rihanna. Le 15 juillet à l'Alliance Riviera de Nice. Dès que tu entends deux titres de Rihanna à la suite, envoie Rihanna au 720-20 Skyrock. Et gagne 5 places pour aller voir Rihanna en concert avec Skyrock. So you guys ready? Tes 5 places Rihanna à gagner au 720-20. 65 centimes plus coup d'un SMS. Chaleur, tendresse, amour. Smax. Smax, c'est l'appli de chat et de rencontres géolocalisées pour s'éclater sans prise de tête. Des milliers de mecs et de nanas connectés 24 heures sur 24 à la plage. En ville, en boîte, à côté de toi. Smax, vas-y. Difool Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. I wait. worry about nothing. I am wearing that nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up to picture. I'ma get you fired. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You don't gotta go to work. But you gotta go to work. You don't gotta go to work. Let my body do the work. We can work tomorrow. We can work tomorrow. Let's put it into motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby clap, no hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put it right like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the foreign with me. Ooh, she the babe, I'm her boo. I'm gon' juice, she finesse. I fight both, she take that. Put in overtime on your body. Come on. 21h minuit, la radio libre de Difool. Seulement sur Skyrock. Et dès que vous avez besoin d'un truc, l'équipe se mobilise et moi ça me fait bien plaisir. Ah ben bah, y a ouais. pas de problème, on est tous là. Cédric est en train de tester les webcams. Oh ouais, génial. Ouais. Alors il est trave webcam. Qu'est-ce non, non, non, non, non, non, non. Voilà. Ça trave web... mais, rien à voir. Mais elle a une bite. Voilà. Qu'est-ce que tu fais sur trave? Bah, rien du tout. Je suis pas là-dessus. Marie, tu veux pas me prêter une de tes jupes là? J'ai un plan, mais. Une mini. Il y a des. Ouais, ça se trouve des webcams avec des traves. Bah, la preuve, ah bah, c'est, ouais, c'est clair. Ouais. Bon, là, on a Larbi, justement, qui voulait témoigner pour ça. Larbi, et juste après, le Karim Comedy Club qui arrive. Hein. Ouais, man. Larbi, 21 ans, et à Toulon. Ouais, t'es à Toulon, toi, Larbi. Salut, Larbi. Salut tout le monde, salut à l'équipe. Comment ça va, Larbi? Salut, Larbi. Ça va nickel, Difool, Romano, toute l'équipe, ça fait plaisir de vous avoir. Eh ben, c'est gentil d'appeler Larbi. Alors, ouais. On fait des cochonneries à la cam? Ouais, j'avoue. Bah écoute, y a pas de. Moi, je trouve ça sympa, rigolo. Bah ouais. Hein. Après, faut juste être sûr que c'est une vraie meuf de l'autre côté, qu'elle est pas entourée par plein de potes, qu'elle n'est pas en train de, d'enregistrer ce que t'es en train de faire toi de l'autre côté. Et après, c'est ouais. cool. Bon, y a quand même beaucoup de si quoi. Tu trouves que j'ai mis beaucoup de si? Ah ouais, phrase. Putain. Ouais, là, le... Alors attention, si tu veux faire de la webcam avec moi, voici le règlement. Je vais signer à respecter. Un truc. Alors, comment t'as fait toi la première fois? Comment ça s'est passé toi, Larbi? Quand bah, t'as écoute, découvert ou quand t'as fait le premier truc, tu fais quoi? Tu te branles à la webcam avec des meufs? Non, avant tout ça, ben, j'ai fait la connaissance avec la meuf sur un site de rencontre. Oui. Après, bon, ben, on s'est fait tourner nos MSN et on a parlé sur webcam. Bon, t'inquiète, hein, j'ai d'abord bien fait mon enquête, comme quoi c'était pas... Ouais, t'as fait des tests, quoi, on va dire. Pour être sûr que c'était une meuf, ouais. Oui, déjà. Ouais, ouais, t'as bien fait. Que c'était pas un coup de mes potes, on sait jamais, tu vois. Oui, c'est vrai, parce que tu peux faire des blagues. Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont fait à des potes, des blagues comme ça. Sans doute. Vous lui mettez, je sais pas, la vidéo d'une meuf qui est en train de se toucher. Bon là, elle est trop bonne. Voilà, l'autre il se fout à poil de l'autre côté. Bon là, je me mets à poil. Ah, vous regardez, et toi, tout ça, vous regardez tout ça avec des potes et vous êtes mort. Bon là, attends, je pose mes couilles sur le clavier. Ah ouais, et là, t'es derrière. Regarde, il pose ses couilles sur le clavier, le con. Ah ouais. Regarde. Viens, t'enregistres bien la vidéo. Et moi, je me ferai pas carnat parce que moi, je fais pas ce genre de truc. Bon là, je suis venu. Donc toi, t'as fait ça avec elle. La première fois, c'était comment? Bah écoute, ça c'est du bon à parler normalement, tu vois. Après bon, j'ai essayé de parler un peu de cul, ça la dérangeait pas, tu vois. Ouais, t'as dévié un petit peu sur le cul. Ouais, j'ai un peu dévié sur le cul en lui posant des questions comme quoi, qu'est-ce qu'elle aimait faire, tout ça. Bon. Et t'as remarqué qu'elle était pas trop coincée? Non, du tout, au contraire. Dans ce cas-là, tu peux avancer un peu. Très très ouvert. Vas-y. Et maintenant que je t'ai posé les trois questions, tu peux montrer ta chatte. Ah, la caméra. Bah après, bon, bah après, j'ai un peu dévié, je lui dis, bon, qu'est-ce que tu portes comme petite culotte, qu'est-ce que... C'est toi qui avais dit ça, Romano, non? Le truc de ce style, montre-moi tes seins, ou je sais pas quoi. Non. C'était pas montre-moi tes seins, c'était... Ah, j'aimerais bien voir ce que tu as sous... Ah non, mais c'était pour tout à l'heure, ouais, pour donner un conseil à Dan, ouais. Ouais. Non, mais ouais, j'aimerais bien voir ce qu'il y a en dessous de ta culotte, ouais. Ah, c'est ça, c'était très classe. Eh ben, j'ai une serviette hygiénique, mon chéri, regarde. Ah, ouais. Ah, tu as tes ragnagnas. Ah, voilà. Ben, ah, bonne bolognaise. C'est sympa. Bon oignon. Dégueulasse. Oui, donc toi, tu y allais de manière un petit peu plus délicate, on va dire. Ouais, délicate, ouais. Faut jamais aller trop fort, sinon c'est jamais bon. Ça. Oui. Bah, écoute, je suis allé. Ouais, ouais, non, mais il faut y aller finement, oui. Ouais, finement, ouais. Faut pas aller comme un sauvage. Et alors, à un moment donné, les caméras se sont allumées. Voilà. Hey, hey, bande derrière son téléphone. Ouais, ouais, ouais. C'est un plaisir, hein. La caméra, oui. Rien qu'y penser. Après, ouais, bah écoute, ça s'est passé en mode pervers, en moins de 18 ans, quoi. C'est quoi, genre, elle se caressait et toi tu te mordais de ton non, côté? Non, au début, ça a été un petit striptease. Après, bon, bah, elle s'est mise à nu, c'est parti avec le god, elle suçait le god, elle s'est doigté. Ah ouais, carrément, c'est parti en... Elle avait faim, elle. C'est parti en fanfare. Ah, non. Elle a ouvert le tiroir. Et toi, t'étais à poil de l'autre côté et tu te branlais, toi? Bah ouais, écoute, c'est du donnant-donnant. Hein. Ah, tant qu'à faire, hein, oui, ça c'est. Ouais, clair. Voilà, hein. L'autre était là avec son god. Ouais, elle était dans son. Elle était en plein kiff. En même temps, ouais, tu la vois se goder, tu te dis de branler, limite, c'est rien, quoi. Ouais, bah ouais, j'avoue, c'est de la gueugnotte. Un détail. Mais attends. Elle me mettait en grand plan à sa chatte et elle se doit, ouais, avec son gote. Ouais, bah. Mais toi, ça t'a, j'imagine, voilà. Est-ce que ça t'a plus excité que certaines relations sexuelles que t'as eues? Je sais pas si t'as déjà fait l'amour avec une fille, toi, j'imagine que oui. Oui. Oui. Ouais, est-ce que ça t'a plus excité que, par exemple, faire l'amour avec certaines meufs? Non, pas non. C'est toujours mieux en réel, mais. Mais la meuf, non, là, au final, tu l'as vue en vrai. Ça dépend avec qui, hein. C'est clair. Toujours mieux en réel, tu peux tomber sur des. Oui. Rappelle-toi, Romano, ta frigide, là, l'autre. Ah, mais j'ai même pas baisé. Ah, bah, tu vois, ça peut être pire. Mais elle, tu l'as vue en vrai à un moment donné ou ça s'est juste arrêté? Oui, parce qu'elle habitait sur Paris. Bon, on est allé un week-end, on s'est vu et voilà. Hein. Toi, t'es à Toulon. Et là, elle s'est godée en live, quoi. Bon, voilà, en live et je l'ai godée en même temps, tu vois. Ouais, tranquille. Ah ouais, l'autre, elle a toujours sa petite mallette de god sur elle. Ouais, c'est une adepte, quoi. Toujours mieux en réel. Elle les sort et hop là. Et c'était bien, en vrai? En vrai, c'était super. Et vous avez recommencé après sur la cam? Non, après ça, ben. Après, c'était en direct. Après, c'était mieux, après, voilà, c'était du direct. Ouais, oui, t'avais plus besoin. C'était cash. Et tu l'as refait, voilà. Tu l'as refait avec d'autres meufs ou jamais? Non, c'était elle, c'est tout, quoi. D'accord. Et franchement, pas de regret, hein, c'est une petite expérience de cul. Est-ce que tu as son adresse? On nous demande là sur SMS. Il y a plusieurs d'ailleurs qui posent la question là depuis tout à l'heure. Son adresse mail. Oui, histoire de discuter un petit peu avec elle. Même là, je m'en souviens plus, non. Et t'avais quel âge quand t'avais fait ça, toi? 18 ans, ok. Bon, bah écoute, merci du témoignage, Larbi. Ah ouais. Bah écoute, il s'en passe des choses sur les câbles. Eh ben. Ah ouais, mais faut pas s'en priver, comme on dit. Et ouais. Comme je vous le dis, si c'est une vraie meuf, bon, vas-y quoi. Comme je vous le dis pas assez souvent d'ailleurs, on n'a qu'une seule vie. Il faut savoir en profiter. Jusqu'au bout. Bon, bah profite bien en tout cas, Larbi. Hein, je vois que tu te prives pas, t'as raison. Bah écoute, il faut. Et merci Larbi. Les gars, et durer. Hein. Et bah toi aussi, continue Larbi. On fait ce qu'on peut. Durer, c'est pas facile pour tout le monde là. C'est précoce en fait. Ah oui. Je m'y attendais à celle-ci. Salut Larbi, ciao. Merci. Ciao, ma gueule. Tous les soirs, 10 full radio libre. 21h minuit sur Skyrock. On présente les précoces. Mais oui. Mais toujours Cédric. Et demain soir, c'est le retour. C'est comme ça qu'on t'aime. Eh exactement, oui. On t'aime, oh là là. Cédric. Ouais, attends, fais un bisou. Ouais, non, non. Moi aussi, je vous aime. Merci, Cédric. Bon, allez, avec ces effusions d'amour, on va se quitter. Mais oui. Mais on revient demain. Demain soir, entre 21h et minuit, la spéciale de l'été de la Radio Libre. Radio Libre entre 21h et minuit, l'été aussi. Alors demain, on aura Maxime qui veut absolument témoigner. Alors en début d'émission, on parle mal de sa mère. Ah, parle pas de sa mère. On découvrira Mickaël qui va nous demander pourquoi il se fait rejeter. Alors, il nous expliquera pourquoi il se fait rejeter. Anissa qui a rencontré un mec très chelou, c'est peut-être un taré, un tordu, on verra la pauvre. Et Nordine, un drogué. On jouera d'ailleurs demain à la drogue mystère. Génial, on va toutes les goûter. C'est super. La sienne, je sais pas, Marie. On verra demain, faut être là demain. Donc. Demain, 21h minuit, passez une belle journée avec Sky, une belle nuit aussi. La nuit démarre tout de suite, Urban Music non-stop, c'est parti. C'est toute la nuit, c'est pour vous, c'est sur Skyrock. Un gros bisou et à demain. Bisous. Salut. Ciao. The morning show. Les meilleurs moments du morning de Difool. Tous les matins de 6h à 9h. Quel est le jeu à gratter qui est également un petit animal qui vit sur toi? Les puces. Oh. Les puces. Mais t'es complètement idiot. Ce matin, on va aller au PMU, on va leur dire bonjour, je voudrais des puces, s'il vous plaît. 6h, 9h, Morning Best. The morning show. Réveille-toi tous les matins avec les meilleurs moments du morning de Difool sur Skyrock. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, oh, I know a sad soul, sad soul. Shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, oh, I know our sad souls, sad souls. I'm not afraid to